Non, je regrette, monsieur, nous sommes fermés. Non, il s'agit d'un déjeuner privé, vous comprenez? Excusez-moi. Je ne peux rien faire, désolé. Comprenez-moi, monsieur, nous sommes fermés. Excusez-moi. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas de problème. Je vous la prends, la réservation, si vous voulez. Excusez-moi une seconde. Dis donc, connard, t'as des yeux pour voir, on est fermés, d'accord? Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi? Oui, c'est arrangé, on a trouvé une table. Salut les bourrinos et bienvenue pour cette nouvelle émission de VHS et Canapé. Et on est content d'être là déjà parce que, bah Bilou, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tous les deux de cinéma, bon sang. Comment tu vas? Bah ça va bien, ouais, je suis content d'être de retour en plus pour un sujet énorme. Un gros sujet. Alors je pense qu'en fait, ouais, il est temps déjà de faire un avertissement. Si vous êtes fan de Steven Seagal au premier degré, faites autre chose. Ouais. Prenez du recul, voilà. Vous vous calmez, vous respirez un bon coup. Bah parce que on va aller carte sur table hein, directement Bilou. Steven, on l'aime moins qu'un Jean-Claude. Oui. C'est voilà, j'ai un peu moins de sensibilité avec Steven Seagal. Je le trouve moins sympathique. Il dégage moins de sympathie. Ah, il y en a qu'on va plus respecter, du Chuck Norris, tout ça. Bon, voilà, même si. La carrière est ce qu'elle est, il y a une sorte de respect mutuel pour l'œuvre accomplie, mais l'œuvre de Steven, je sais pas trop si elle mérite le respect, quoi. Et même Steven tout court d'ailleurs, j'espère qu'il nous écoute pas, sinon on est mal barré. C'est pas pareil. Disons que ces films, voilà, sont, on va dire que c'est marrant à regarder, certains valent mieux que d'autres. Pas tout. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend au combienième degré on le regarde et avec. Quelle personne, quel degré d'alcoolisation pour certains, mais ce que j'allais dire, il faut installez-vous. Oui, voilà. Vous mettez votre saladier de chips d'un côté, votre pack de bière de l'autre. En tout cas, s'il y a bien une émission qui va être bien grasse, c'est celle-là. Bah, hein, quoi d'autre, hein. Dans tous les sens du terme. D'ailleurs, donc préparez les bières. Voilà, vous pouvez tout décapsuler tranquillement. Donc on a un petit peu défleuré le sujet. Donc on va parler. Bah, d'un homme un petit peu étrange, hein, qui est monté au plus haut, très rapidement, qui a été propulsé star des films d'action des années 90, et pourtant, il va sombrer, bah, très rapidement, dans les méandres du DTV. Encore aujourd'hui, on peut trouver ses films, hein, bah, dans les hypermarchés, en location directement sur Internet, parce que ça n'existe plus, malheureusement, enfin, plus beaucoup, malheureusement, les vidéoclubs, mais vous pouvez trouver toutes les productions Steven Seagal un peu partout, même dans les bacs à soldes. Bah, à une époque, souvent, dans les bacs à soldes. Même toutes les semaines sur la TNT, je sais pas si c'est encore le cas, mais à une époque, il se passait pas une semaine sans un ou deux Steven, quoi. C'était vraiment. Et puis double programme, hein. Des fois ils vont carrément avec deux Steven Seagal dans la même soirée et pas les meilleurs. Double dose. Généralement. Bah, double dose de Steven Seagal sur NRJ12, c'est assez régulier. Oh, même RTL9 n'ose pas passer les pires des Steven, donc je vais te dire, tu vois le niveau quand même. Donc Steven Seagal, c'est le sujet du jour. Ça faisait quand même pas mal de numéros où on effleurait un peu le sujet. On disait voilà, il va falloir qu'on en parle. Ah bah on a sur le feu depuis. Ça fait un année, je pense qu'on se dit Steven, quand on va le faire, putain, ça va être. Donc vous avez vu, on a pris le temps, donc on s'est pas parlé avec Bilou depuis très longtemps parce qu'on voulait vraiment être bien à fond pour parler de Steven Seagal, au point même qu'on a dû laisser le micro à nos deux autres intervenants, Arano et Ron. Et ben là on est là, on est prêt. Alors on va parler donc de Steven Seagal, qui est quand même mine de rien. Alors ça, c'est la description de son site internet, alors accrochez-vous bien. C'est un acteur accompli, un musicien, un artiste martial et philanthrope. Moi je trouve ça beau, mais vraiment le film qui a vraiment réussi à décrire le mieux Steven Seagal, bah c'est un film de Steven Seagal qu'il a réalisé lui-même. Donc je vais vous passer un premier extrait comme ça pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà un extrait de Terra Minée réalisé par Steven himself. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce... Quel extrait magnifique. Il l'a écrit lui-même aussi. Hein. Oui, bah, il, forcément. Il a tout fait, hein, sur ce film. Son film, c'est, bah, c'est son pinacle. Hein. Il l'a réalisé, écrit, produit, joué, enfin, tout, quoi. C'est son Citizen Kane. Oui, voilà, sûrement. Il s'est dit faut que je mette tout. Voilà, je vais tout mettre. C'est quand même un film sur l'écologie. Alors on en reparlera plus tard. Oui. On va pas non plus tout balancer. Mais il me semblait important de mettre cet extrait de Terre Minée parce que vraiment on voit un petit peu la mégalomanie du personnage. Dire que c'est quand même assez fou de se dire qu'un mec qui a écrit, produit, réalisé un film, bah il ose balancer. Alors que, et c'est lui l'acteur principal, hein, forcément. Et donc. T'as cette phrase, ce monologue-là qui arrive pour décrire l'adversaire direct. Moi, j'ai trouvé ça assez beau. Et Steven, c'est quand même un sacré personnage. Donc ça, on va le voir aussi au fur et à mesure de l'émission. Et donc, on a dit, c'est pas forcément le mec le plus sympathique. En tout cas, avec le recul qu'on a, comme ça, de loin, il transpire pas la sympathie. Voilà, c'est pas un mec, tu te dis, faut pas le faire chier. Au point même, d'ailleurs, et peut-être pour ça qu'on l'aime pas, mais à de nombreuses reprises, Steven... Bah, il a dit qu'il aimait pas Jean-Claude. En plus, ouais. Il a dit qu'il aimait pas Jean-Claude. Bah ouais, donc forcément, déjà, c'est, il met des bâtons dans ses propres roues, hein, notre ami Steven Seagal. Et il l'a dit régulièrement, il n'aime pas du tout Jean-Claude Van Damme. Il y a plusieurs animateurs qui lui demandent, voilà, est-ce qu'il y a des gens vraiment, alors j'aime bien ce type de question à la con, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens je crois qu'il lui demande si il devait avoir un garde du corps, est-ce qu'il y a des gens dans le show business qu'il aimerait voir à côté de lui? Et donc, à un moment, le gars lui propose, alors comme il s'appelle, c'est Michael J. White, qui est quand même assez balèze. On voit quand même qu'il a un certain recul au niveau des arts martiaux. Là, le mec commence à. Il y a Steven commence à se foutre de ses. Il fait The wrong a laugh on your face. il dit, mais quoi, mais est-ce que vous voulez vraiment que je rigole devant vous comme mais, ça? Mais, il fait, si, Steven vas-y, vas-y. Est très malsain en interview. Je veux dire, je n'arrive pas à regarder ces interviews à Steven parce que tu sens trop que la personne qui pose des questions est mal à l'aise. C'est vraiment chelou. Alors, peut-être pas toutes, mais en tout cas, beaucoup que j'ai regardé. T'as vraiment l'impression que la personne en face, elle est pas bien, quoi. Je veux dire. Bah, la première interview que j'ai vue où le mec ose lui poser la question pour Jean-Claude, quand tu vois que Steven est impassible, qui lui dit No. Oui, il répond pas. I don't like Jean-Claude. Je veux dire, le mec en face, il est tout le temps obligé de lui arracher les verres du nez parce que le mec, il sait pas faire la discussion. C'est oui, non, truc, machin. À part quand il part dans un délire philosophique, mais. C'est compliqué. C'est parce qu'il est tout le temps dans son rôle, parce qu'il est autant expressif dans les interviews que dans ses films, et donc il n'aime pas Jean-Claude Van Damme, et c'est vrai que j'ai adoré la façon dont, carrément, mais il se fout de leur gueule, il dit clairement, eux, c'est des rigolos. Voilà, Michael J. White, je le croise devant, je suis sûr qu'il pourrait fuir devant moi parce qu'il aurait peur de moi. Il a dit, le seul que je vais respecter peut-être, c'est Chuck Norris, alors tu devrais peut-être apprécier ça. Il dit, mais maintenant, il est beaucoup trop vieux, il peut plus rien faire du tout, il faut qu'il dégage, il y a que lui, il y a que Steven qui peut, il peut se défendre que par lui-même. Et d'ailleurs, ouais. Jean-Claude, j'ai vu une interview où on lui disait justement, c'était à l'époque du deuxième Expandable, en lui demandant voilà, le troisième Expandable, qui c'est que vous verrez dedans, et puis bon, tu sens le truc arriver, hein, et le mec lui demande, ouais, alors, et Steven Seagal, et là Jean-Claude malin, il dit, ah ouais, Steven, il dit oui, totalement, je le verrai bien, je dis, il faudrait qu'il perde un peu de poids, et donc évidemment, l'intervieweur commence à se marrer et tout, et Jean-Claude dit, non, mais il dit, je dis pas ça pour me moquer, je veux pas me moquer de lui et tout, c'est pas sympa de se moquer, je dis vraiment c'est juste perdre du poids pour être un peu plus velte et tout parce qu'il est quand même balèze, il arrive quand même à faire des trucs, il a un charisme et tout ça, et je verrai bien, il dit mais le problème c'est qu'il m'aime pas, il dit je sais pas ouais, trop il pourquoi le dit, ouais. Il dit peut-être parce que je suis meilleur, parce que je suis bon, ouais c'est vrai. Ah, sacré Jean-Claude, mais plus humble hein, quand même Jean-Claude quand même sur le truc. Ouais, légèrement, en plus c'est vrai que j'ai vu le passage d'interview là, et c'est vrai que tu vois il dit ouais mais quand tu commences effectivement le mec a dit à se foutre de la gueule du ouais, il dit non mais oh calme-toi, je dis pas ça parce que c'est. Il en a dit oui, il faudrait vraiment que tu perdes du poids, tu vois. Que s'il devait se battre contre n'importe qui, je pense qu'il se prendrait 2-3 droites directement dans la gueule, le gros, et puis c'est terminé. Mais ouais, mais il dit quand même, ouais, parce que je suis bon, ça qui m'aime pas. Il a raison, Jean-Claude. L'annulation par Amazon de Jean-Claude Van Johnson, c'est complètement scandaleux. On n'a pas eu le temps de faire une émission sur cette série que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des défauts, mais il est tellement bon, Jean-Claude Delan, mec. Franchement, t'as tout regardé aussi ? Non, pas tout, non. J'ai pas eu l'occasion de tout voir, mais vraiment, c'est un truc atypique qui sort vraiment des productions habituelles. Mais oui. Alors bah après, c'est bon, c'est comme tout, hein, on sait pas à quel point c'était regardé. Peut-être qu'on était juste les fans de Jean-Claude à kiffer. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont annulé dans l'eau aussi d'autres séries que d'autres gens ont annulé. Ouais, trois en même temps. Et qui étaient des séries aussi un peu particulières, un peu de niche. Et donc voilà, ils ont voulu faire un dégraissage par le vide et pour se concentrer sur des trucs un peu plus mainstream, on va dire. Je peux le comprendre, mais voilà, je trouve pas ça cool. Ouais, c'est petit pincement au cœur, parce que vraiment, la série, est... moi, je la trouve vraiment réussie. Alors, il y a quelques défauts, notamment visuels, je trouve que ça manque un petit peu d'identité visuelle, c'est un petit peu gris, enfin voilà, c'est pas super joli. Par contre, il y a une vraie mise en scène, et surtout, c'est très bien écrit. Et en fait, ils ont réussi à trouver l'équilibre entre la comédie, donc pas la moquerie, ça c'est très important, entre la vraie comédie et le côté sérieux et introspectif du personnage de Jean-Claude dans cette série-là. Et déjà, lui joue vraiment bien, il y a un vrai, comme d'habitude, recul sur lui-même, mais on n'est pas juste dans le recul clin d'œil. Et même si ça arrive de temps en temps, c'est plutôt efficace, bien amené. Alors l'avantage, c'est que la série se conclut quand même au niveau de son histoire. Et même s'il y a un petit truc à la fin qui peut se dire, voilà, ça serait cool qu'on ait une suite, bah ça se termine quand même. Donc c'est pas non plus, ça part pas non plus en autre boudin, ouais, mais moi je vous conseille, si vous êtes fan de regarder, je pense que de base, bon, il devait se douter que c'était un coup d'essai, quoi. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'était un truc à tenter. Et bon, c'est quand même pas mal qu'ils aient pu quand même finir un arc scénaristique et pas, voilà, comme des fois où t'es là et puis attends un truc qui viendra jamais, quoi. Mais c'est vrai, c'est dommage, quoi. On manque quand même pas mal de productions un peu exotiques comme ça qu'on voit pas ailleurs. Et puis, bon, surtout avec quelqu'un comme Jean-Claude et tout. Mais bon, après, ça reste Amazon. Amazon vend très mal ce qu'ils font. Leur service, ils le vendent très mal aussi. Ils le vendent même pas tout court, enfin, il y a personne derrière, enfin bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être arrivé au mauvais moment, peut-être qu'il aurait fallu que ça vienne plus tard, mais peut-être qu'ils auraient pas financé ça plus tard, mais enfin bon, c'est un peu dommage, quoi. Faudra se contenter de ça, non, mais bon, au moins on l'a eu quand même un petit peu, quoi. Voilà, j'allais dire, Jean-Claude nous a surpris, ce qui n'est pas forcément le cas de notre ami Saumon Agile, qui ne nous surprend pas beaucoup depuis quand même un bon paquet d'années. Mais comme d'habitude, dans notre émission, on va commencer par notre première expérience avec Steven. Bilou, par quoi tu as commencé avec Steven Seagal? J'en sais foutre rien, en fait. Parce que je suis pratiquement sûr que ça devait être le piège à grande vitesse, si mes souvenirs sont bons. Under Siege, voilà. 2. Under Siege 2. Donc à noter, oui, hein, que de toute façon on le verra au fur et à mesure, hein, que je sais pas si c'est toujours les mêmes mecs qui s'occupent de traduire les films de Steven, mais vraiment en vrille. Donc là on sent qu'on a voulu surfer un peu sur Piège de Cristal et compagnie, hein, dans tous les pièges, pièges machin. C'était, je pense que c'était ça, quasiment, sûr et certain, presque. J'ai pas énormément de souvenirs de cette première fois, mais après je sais que j'ai enchaîné beaucoup. Il y en a du début que j'ai vu très tard. J'ai vu beaucoup de navets avant de voir ceux du début. Avant de voir les premiers. Ça a dû te faire bizarre. Oui, un peu, ouais. Bah, surtout quand tu vois Steven perdre 100 kilos et courir après des mecs, quoi. Voilà, je suis dans quelle dimension, hein. Tu sais, c'est comme si d'un seul coup tu voyais un film avec Bud Spencer, mais tu sais, où il est tout mince. Oui, voilà. Tu dis, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? De l'époque, en tout cas, au début, oui, c'est vrai que ça restait quand même une époque où on n'était pas encore dans le. Quand j'ai dû commencer à les voir, ça devait être mi-90, un truc du genre, je pense. Donc, c'était pas encore l'époque où Steven était fini, il commençait à être un peu peut-être un peu dépassé, mais c'était pas encore comme maintenant, quoi. Bah moi c'est première fois donc VHS, encore une fois je toujours les mêmes choses avec mes histoires, bah c'était mon père, hein, qui était un fan à chaque fois de ces films là et donc bah c'était Échec et mort de Bruce Malmuth. Alors oui, son nom me fait marrer, lui. Ouais, Bruce Malmuth. Et alors pour l'anecdote, Bruce Malmuth, il joue l'arbitre dans Karate Kid. Et il a aussi fait Nighthawks avec Sly, un petit polar qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, moi, ma première relation avec Steven Seagal, c'était Échec et mort, et je l'ai regardé plusieurs fois à l'époque. C'était un film bien violent où voilà, Steven, bah, il pétait des bras. Et on va le voir, il avait une méthode de combat bien à lui, hein, avec les moulinets, etc. Et j'en gardais un souvenir assez ému. Alors, c'est un petit peu plus mou, hein, quand tu regardes maintenant Échec et mort, c'est pas forcément celui qui a le mieux vieilli. Mais donc, Hard to Kill, qui est sorti en 1990 de Bruce Malmuth, bah voilà, c'était ma première relation avec Steven Seagal. Yeah. Et donc, toute légende a un commencement. Voilà, donc Steven, un jour, a été un enfant, a été un petit bébé, lui aussi. Et donc, on va un petit peu revenir aux origines de la légende Steven Seagal. Alors, pour les trucs un peu inutiles, forcément, on va commencer par sa date de naissance. Il est né le 10 avril 1952 dans le Michigan. Et sa maman était technicienne médicale, et papa était prof de maths. Alors ça, c'est bien un truc dont on se fout complètement, c'est bien de ça. Par contre, il y a un truc important avec ses parents, oui. C'est que donc du côté de sa mère, il est d'origine irlandaise. Ah oui, c'est vrai. Et du côté de son père, il est d'origine juive. Comment on peut expliquer le fait qu'il soit toujours italien dans Il n'y a aucun rapport. C'est ça en fait le truc, c'est que, et même en vrai, il a essayé de se donner des origines italiennes, mm-hmm. Mais non. Même sa mère, elle arrive après à dire, bah non. Mais oui, comment passer pour un con par sa propre mère. Et quand je regarde beaucoup de des films où tu vois les descriptions, le mec c'est toujours un italien, un rebelle italien, parce que ça sera toujours un rebelle ou un mec, un fou furieux italien. Et notamment dans Nico, dans Justice Sauvage, le mec est italien. Mm. J'ai jamais compris pourquoi il a pas du tout une tête d'italien. Mais peut-être on voit qu'il aime les pâtes. Il aime les pâtes, il aime bien manger, donc peut-être que la nourriture italienne ça lui plaît. Et donc effectivement, il est multi-ethnique. Mm. Notre ami Steven est à 7 ans. Il a la révélation. Il découvre les arts martiaux. Et forcément, comme on s'appelle Steven Seagal, on apprend les arts martiaux avec les meilleurs. Donc il va apprendre l'aïkido avec le maître Rod Kobayashi, qui est le président de la Fédération d'aïkido des États-Unis. Eh ouais. Et bien sûr, comme il ne fait pas les choses à moitié, il va très très vite devenir Shodan au sein de l'école Chinchin Totsyoko Aïkido. Parce que c'est une belle force. Ah merci, je me suis entraîné, ça fait des mois qu'on prépare l'émission, donc c'est important de dire les choses correctement, sinon Steven il vient, il sonne, il te casse le bras. Il dit « Comment t'as prononcé les noms de mon école, bordel ?» Et là, il te pète les dents. Alors là, on va arriver directement parce qu'il n'y a pas de grandes choses à dire, à moins que tu aies des anecdotes sur sa jeunesse, ce qu'il aimait déjeuner le matin. Non, pas du tout, parce que de toute façon, c'est très flou. Hein. Steven, on est à peu près sûr de ce qu'il a fait environ ce que là où tu en es. Entre 7 et 8 ans, on sait à peu près ce qu'il a fait. Après, il y a des trucs, après, ça devient très flou, et on sait plus ce qui est vrai ou pas, quoi, en fait. Hein. Ça devient... Mais c'est ça qui est dingue, c'est que là, on va arriver directement dans les années 70, il va s'en aller pendant 17 ans au Japon, et on ne sait rien du tout, si ce n'est ce que lui veut bien dire, forcément, et on va donner 2-3 détails assez rigolos sur ce passage au Japon. Donc pendant ces 17 ans, alors on sait déjà entre autres qu'il s'est marié. Mmh. Avec une japonaise. Avec une japonaise qui s'appelle Miyako Fujitani, en 1975, ils auront 2 enfants. Mmh. Et forcément, comme Steven est quelqu'un de formidable, le papa de sa femme va lui léguer son dojo. Bah oui, parce que voilà, c'est comme le meilleur péteur de bras du monde entier, donc il se dit voilà, s'il y a bien une personne qui doit s'occuper de mon école, eh bien c'est bien Steven Seagal. Mais dans les zones de flou, alors je sais pas si tu veux en parler, parce que c'est quand même assez cocasse, dans cette zone de flou, il semblerait que notre ami Steven aurait travaillé pour la CIA. Oui, mais voilà. On n'en sait pas plus, on ne sait pas, non. C'est un mystère, je ne sais pas à quel moment il a commencé un peu à partir dans ce genre de délire, je crois que très tôt, hein. Très tôt, il a commencé à entretenir un côté une légende, côté mystérieux, très vite mélanger son personnage fictif et réel. Et comme c'était une époque, en plus un pays très éloigné, c'était pas encore comme maintenant, il n'y avait pas un grand intérêt forcément pour le Japon, pour la culture japonaise ou quoi que ce soit. Donc on se préoccupait pas trop de ce qui s'y passait. Donc c'est vrai qu'il y a rien en fait. Mais on parle en plus de mission d'assassinat, la mafia. Oui, peut-être possiblement été en contact avec des gens, parce que évidemment, comme c'est un Américain qui est là-bas et que c'est assez dur au Japon, surtout à l'époque, de trouver des gens qui soient bien intégrés dans les cultures japonaises, et qui sont américains d'origine, qui parlent anglais parfaitement et tout, je veux bien croire qu'il ait pu être approché par certains pour avoir des renseignements, pour des questions culturelles, ou pour expliquer des choses, ce genre de choses. Mais de là, être un exécuteur. Oui, non, là, c'est... Parce qu'il aurait aidé le Tibet aussi, carrément. Oui, non, mais Steven, il a aidé tout le monde, même Poutine, il a aidé aussi, je veux dire, il a déboulé en Pologne, en Crimée, c'est Steven qui a déboulé aussi là-bas. Mais non, non, tout ça, à mon avis, faut pas déconner. Qu'il ait eu des contacts, parce que la Warner a quand même un peu enquêté sur lui avant de lui filer des grands rôles. Ils ont un peu regardé ce qu'il avait fait là-bas pour être sûr de pas aller commencer à employer un grand taré. Mais ils ont dit, voilà, que oui, ils avaient trouvé des liens avec des agents de la CIA, qu'il en connaissait apparemment certains, qu'il y avait eu des contacts. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Ils savent pas, de toute façon, personne ne le sait, personne ne l'a dit. Et pour ce qui est vérifiable, ça s'arrêtait là. Donc, il était en contact avec certains qui lui demandaient des choses, qui l'a aidé pour certaines choses, oui. Mais je veux dire, pour des choses par rapport à son statut au Japon, par rapport au fait qu'il était intégré, par rapport au fait peut-être qu'il savait se battre et que voilà, peut-être qu'il a, il a commencé peut-être dans les choses comme ça, ou apprendre des techniques, apprendre à des gens à se battre, etc. Mais à mon avis, ça s'arrête là. Hein. C'est tout. Ça va pas plus loin. Et alors c'est marrant à imaginer. Mais est-ce que Steven a aidé à libérer le Tibet? Est-ce que Steven a donc fait des missions d'exécution pour la CIA? Est-ce qu'il aurait fricoté avec la mafia? Bah malheureusement, à part Steven, bah, personne ne le sait. Tu me refais jamais ça de ta vie, sinon je te tue. Et toutes tes potions chinoises à la mort moelle-neuve m'empêcheront pas de te faire ta fête. Tu sais, t'as tort de dénigrer les remèdes chinois. J'ai une pommade dans la poche de ma veste qui va faire disparaître cette bosse que t'as au front, là. J'ai pas de bosse. Maintenant, t'en as eu. C'est vrai que j'avais vu une interview, justement, je crois que c'était l'ancien président de la Warner ou d'un grand agent, je crois qu'il l'avait aidé, justement, à commencer sa carrière. Et même lui, on rigole, quoi, directement. Oui. Steven et la CIA ou des opérations clandestines ou des choses comme ça, on a un petit peu de mal à y croire. Et même sur le site Nanarland, donc dans la biographie, ce qu'ils ont fait bien sûr, hein, ils ont une grande page dédiée à notre ami Steven Seagal, et bah, il aurait carrément dit que bah, Nico, son premier film, bah, c'était quasiment autobiographique, quoi, tu vois, rien que ça. Donc, c'était quand même... Ouais, parce que oui, il a, on en reviendra, mais il a écrit, il a participé au scénario, je ne sais pas à quelle proportion, mais oui, mais dès le départ, hein, c'est pour ça, hein, dès son premier film, c'est quand même assez, ça qui est assez dingue. C'est pas un type qui est arrivé, qui a commencé à faire 2-3 bricoles, genre en arrière-plan, comme Jean-Claude, hein, on en a parlé, Jean-Claude qui danse en arrière-plan, Jean-Claude qui va absolument être vu. Il a jamais fait le kéké en dansant dans... Non, Steven, il est arrivé, d'emblée, paf, premier rôle, quoi. Je veux dire, bon, faut quand même respecter un minimum ça, et que... C'est pas une preuve qu'il a des gens haut placés à la CIA, à mon avis. Il a fait chanter des gens. Obligé. Mais aussi, hein, le chantage, le truc et tout, il a aussi, on en parlera, mais... Maître chanteur, on peut le rajouter ça à son arc. Son CV, long comme le bras. Parce que là on a vite fait passer vers Nico, mais avant Nico, et justement ce qui lui a ouvert un petit peu les portes du show business, bah c'est le fait qu'il ait été, une fois qu'il est rentré, donc il est rentré aux États-Unis, il a bien sûr quitté sa femme, parce qu'un mec aussi occupé n'a pas le temps de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Attends, tu n'as pas dit quel était son nom japonais qu'il avait pris d'ailleurs, qui retranscrit absolument bien ce cher Steven. Je vais te laisser le prononcer. Ah, merci, c'est sympa. Donc mais c'est toi qui t'es entraîné, normalement c'est pas moi. Alors, Shigemichi Teke, qui signifie tout simplement chemin vers la prospérité. Oh, c'est beau, et quand même, le mec, quand même. Ah non, mais attends, le mec, il sécurise sa carrière, il travaille son image. Déjà, dès le départ, il ne savait même pas ce qu'il allait faire, que déjà, il savait que... Voilà. Non, mais alors, c'est vrai que ce que tu as dit, le type qui se barre, mais le mec s'est vraiment barré comme un coup de vent, quoi. Genre, ah oui, c'est, il barre comme je ça. Je vais chercher des cigarettes et il n'est pas revenu, quoi. Tiens, j'en ai marre. Femme, enfant, il a tout laissé en plan. Il est parti aux États-Unis et je crois même qu'il est parti sans divorcer. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Enfin, je veux dire, il l'a fait encore derrière après, je crois, parce qu'il s'est marié 3, 4, 5 fois. Non, je sais plus, 3 fois. Je crois qu'on est 3 et 5 fois, j'ai plus le nombre exact. 3 femmes et je ne sais plus combien d'enfants, 3 ou 5 femmes, je sais plus. Ouais, parce que, alors, entre nous, il semblerait qu'il aime les femmes. Non. Alors, je sais pas si les femmes. Je dis beaucoup, mais c'est vrai que notre ami Steven, il aime bien les femmes, alors surtout quand elles se laissent faire un petit peu. Mais je pense pas que ça soit réciproque, en fait. Ah, j'ai pas l'impression. Mais l'impression. Non, en tout cas, il a laissé en plan des femmes comme ça, et il se remarie derrière, avant de se rendre compte qu'il avait pas divorcé, et donc ça fait tout un bordel, quoi. Steven et les femmes, c'est chaud quand même. Mais le fait de se barrer du Japon et de laisser tout le monde en plan... C'est bien un pays où ils aiment le respect et tout. C'est bien le. Il est retourné d'ailleurs au Japon, je sais pas, je suis pas sûr. Ah non, je crois pas. Bon, non. Le mec, on lui donne un dojo, il fait des enfants, puis il se barre comme un voleur. Mais bon, il a sûrement été protégé par la CIA, tout ça, sous couverture. Et donc, il revient aux États-Unis, il ouvre ses propres écoles, les Tenshin Dojo, et il devient chorégraphe et coordinateur de cascades, alors notamment sur des James Bond. Enfin, sur un, en fait. Même pas un vrai James Bond en plus, puisque c'était Jamais Plus Jamais. Et donc là, il était surtout entraîneur, en fait, de Sean Connery. Et donc, ce con-là, il a pété le poignet à Sean Connery. Alors bon, Sean Connery... Mais il est tellement doux. Sean Connery a expliqué quand même, hein, c'est pas Steven... parce que Steven, il va attaquer des collègues, on va dire, dans sa carrière un peu plus tard. Mais là, c'était pas encore ça. Peut-être qu'il y a pris goût à ce moment-là, je ne sais pas. Mais en gros, c'était, Steven devait apprendre à Sean Connery un peu à se défendre, hein, avec de l'aïkido, tout ça, faire quelques mouvements, à apprendre certains mouvements. Et bon, Sean faisait un peu le malin à dire, ouais, bah, c'est facile, c'est de la défense. Mais il dit, le problème de la défense, c'est que, comme tu essayes tout le temps de prendre le dessus sur l'autre, il y a de la surenchère perpétuelle. Et à un moment, ça a surenchaîné jusqu'au moment où il y a le poignet de Sean Connery qui a pas tenu, mais il s'en est pas rendu compte tout de suite. En fait, il s'en est rendu compte des années après, sûrement à force d'avoir une douleur perpétuelle. Il disait, c'était en prenant son portefeuille. J'avais le poignet en prenant mon portefeuille. Là, c'est pas un signe de pingrerie, c'est juste que vraiment, il avait mal et il s'en est rendu compte bien des années après, quoi. Pas sur le coup. Et après, beaucoup disent qu'en faisant des sports comme de l'aïkido, puisque c'est un accompagnement, en gros, l'aïkido, c'est ça, c'est un accompagnement des mouvements du poignet. C'est pas aller au contraire des mouvements, des articulations, c'est les accompagner à un tel point que, ça fait mal et que t'es obligé de partir dans le sens que ton adversaire te l'impose, quoi. Donc ils disent que souvent, ceux qui pratiquent beaucoup, ça peut leur faire des choses. Donc bon, voilà, c'est pas Steven qui a décidé à un moment de péter la gueule à Sean Connery comme ça. Mais j'avoue que oui, c'est quand même assez marrant pour commencer sa carrière. Il y a mieux quand même. Il y a mieux que de péter la gueule de James Bond, effectivement. Et là, donc il a aussi entraîné James Coburn, Toshiro Mifune, et tous ces gens-là, ils ont vu le pouvoir de l'acting dans Steven Seagal. Ouais, parce qu'il a il a fait quand même pas mal de gros films, hein, de chorégraphie. Il a fait aussi pour un James Bond la chorégraphie de Dangereusement Vôtre. Ou là, je sais pas ce qu'il a chorégraphié parce que Roger Moore, je sais plus quel âge, il bougeait pas beaucoup, le pauvre. c'est peut-être mais, ça. En tout cas, oui, il a fait de la chorégraphie aussi sur ses propres films, hein, pour les autres et tout ça, coordinateur des cascades sur ses premiers films au début. Mais oui, il avait déjà un petit bagage. Hein, je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé vite au premier plan. Hein. Et donc, on a aussi donc Michael Ovitz, qui était un mec très très très très, mais vraiment très influent à Hollywood, qui était entre autres l'agent de Tom Cruise, de Dustin Hoffman, de Kevin Costner, de Sylvester Stallone, etc. Et à un moment, le mec va dire, écoute, allez, toi t'as bossé à la CIA, ça se sent, t'as un mec qui a de l'assurance, t'as du charisme, t'es vraiment le meilleur, tu vas être, mine de rien, le premier rôle de Nico. Mais quand il pense, effectivement, le mec, c'est le premier rôle de Nico, à une époque où il y a plein d'action stars, et on va quand même lui permettre de produire le film, ce qui fait partie des producteurs du film, et aussi de travailler sur le scénario. Alors moi, je trouve ça, mine de rien, assez dingue. Mais avant de parler de Nico, alors déjà, on va se faire plaisir, on va écouter un petit extrait, et on va essayer de voir juste après ce qui est, mine de rien, un film avec Saumon Agile. Voici Nico, un agent secret entraîné pour survivre au Vietnam. Nico est ceinture noire 6e dan d'aïkido. Il a de la famille dans la mafia. Nico est un flic qui ne respecte pas les règles. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu refuses de vivre comme les autres. Tu es officiellement suspendu, Toscani. Avec les fédéraux, les portes se ferment. On n'entend plus rien et on voit plus rien. Un homme. Vous venez de devenir numéro 4 des avis de recherche. Une obsession. Je veux devenir numéro 1. Une règle. Vous vous croyez au-dessus des lois? Peut-être, mais pas des miennes. Nico. Voilà, après ce petit extrait sûrement charmant et plein de finesse et de grâce, on va essayer donc de voir un peu ce qui fait les caractéristiques d'un film avec Steven Seagal. Moi, j'ai relevé pas mal de petites choses en regardant par-ci, par-là. Est-ce que tu veux, toi, pour toi, c'est quoi un film? Alors, je vais pas dire un bon film, parce qu'on va vraiment essayer de se limiter pour l'instant à qu'est-ce qui fait un peu le sel d'un film de Steven Seagal. Alors moi je dirais un titre qui ressemble à n'importe quel autre de base. C'est vrai que moi c'est un... alors il y a plein d'autres choses hein, plus vraies, mais alors pour rester un peu dans le côté un peu décalé, si on me dit un film de Steven, un titre, à part si c'est vraiment un jalon assez important, je ne sais pas de quoi il parle. Et je suis sûr qu'on inventerait des titres qui ressemblent. Il y en a qui diraient, ah, c'est, on est peut-être un, je sais pas, peut-être, oui. Mais vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment le truc. C'est les titres, j'ai l'impression qu'ils sont tous interchangeables, en fait. Tu peux tout changer. Le vrai problème, mais c'était un peu le, quand j'ai préparé l'émission, c'est de se souvenir d'un film précis ou d'une scène précise d'un film et de remettre un nom dessus. C'est quasiment impossible si tu sors vraiment des premiers films, qui avaient un petit peu d'identité, mine de rien. Et ben, si tu prends, déjà, si je te demande une scène de Today You Die, c'est impossible. Donc, t'as Today You Die, t'as Shadowman, t'as Mercenary, Attack Force, Vol d'Enfer, Jeu fatal, Track sans merci, Against the Dark, Soif de vengeance. Enfin voilà, c'est des, alors c'est Ultime Vengeance. Il y a plein de vengeances dans tous les sens. Je veux dire, c'est vraiment compliqué d'avoir un film. C'est vraiment qui ressort pendant les, on va dire, dans les 20 dernières années. Tu me dis, tiens, donne-moi un Steven Seagal ou une scène d'un Steven Seagal. Bah à part te dire, c'est un gars qui pète des bras à un gars. C'est impossible quoi. C'est-à-dire, c'est tout est interchangeable. T'as assez raison. Premier bon point. Je suis d'accord. Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué dans les films de Steven Seagal, c'est qu'à chaque fois, mais vraiment dans tous les films, c'est un mec qui est au-dessus de la loi. Dire, il peut être flic, il peut être tout ce qu'il veut, artiste, peintre. Ah, il a certains rôles vraiment des trucs complètement décalés. Hein. Il y en a. Il a joué des docteurs, monsieur. Il a joué des archéologues. Il a été pilote de chasse. Alors celui-là, c'est, on en reparlera, mais c'est savoureux. Mais vraiment, Steven, oui, il a un peu tout fait, mais toujours. Alors, même s'il est peintre en bâtiment, il a été force spéciale à un moment. Et puis, ouais, on finit par découvrir que c'est un ancien des unités spéciales et tout. Mais tu sais, c'est toujours le mec qui, il aime pas l'autorité. Il déteste l'autorité. Dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, bah lui, il est au-dessus. Dire que dans Nico, c'est un flic. Et bah, c'est pas un flic. Il bute tout le monde, il pète des bras. Il rend des comptes à personne. Il rend des comptes absolument à personne. À la fin, bah, il va réussir à tuer le méchant, mais on va lui donner raison. C'est-à-dire qu'il va jamais respecter une seule fois la loi. Qu'il soit dans l'armée, flic ou archéologue, tout ce que tu veux, il va absolument tout péter. Il en a strictement rien à foutre et il aura jamais peur de personne. C'est-à-dire qu'il va être là, droit dans ses bottes. Et peu importe ce qu'il a à faire, il va y aller. Tout droit, il va tout péter. Et l'autorité, lui, il s'en bat les steaks. Ça, c'est vraiment pour moi une autre particularité d'un film de Steven Seagal. Tu te rends compte quand même Charles Bronson, on l'a fait plus chier quand même. Bien sûr, même l'inspecteur Harry, on lui demande de rendre des comptes, tu vois, un petit peu. Mais lui, jamais. Je veux dire, il arrive, le mec lui dit, tu dis, mais va te faire foutre. J'en ai rien à secouer, va te faire voir. Limite, prêt à même péter la gueule d'un membre, je sais pas, moi, le commissaire, il va venir, il va lui péter la tête contre le bureau, quoi. Dire, le mec va lui dire, écoute, maintenant tu vas te calmer, Nico, bah là, hop, il lui met la tête, le front. Ou dans les chiottes. Et ça arrive, ou dans les chiottes, ça arrive régulièrement dans tous les films. Il finit par péter la gueule d'un mec qui lui dit non, juste non. Même s'il dit rien. Est-ce que t'as un autre. Ah oui, même s'il dit rien, il peut quand même lui péter la tête. Est-ce que t'as un autre point, toi, un autre point Steven? Ah, alors, un point Steven, c'est les bonnes femmes. Oui. Alors au début. Et plus ça avance, plus elles sont jeunes. Oui, c'est ça, en fait. C'est un ratio inversé par rapport à l'âge de Steven. C'est ça. Alors au début, donc ce sont comme ce sont des films respectables, ce sont des actrices respectables. Bien sûr. Qui sont de moins en moins respectées, on va dire. Et puis elles font au fur et à mesure, c'est vraiment elles sont dans l'ombre, elles sont au fond comme ça du plan. Moi, il y a un film où j'étais mort de rire. Alors bien sûr, je trouverai plus le nom là comme ça. Et je me rappelle d'un moment assez charmant où ils sont au restaurant. Et il est en train de lui déclarer sa flamme, quoi, elle doit avoir 17 ans, 18 ans, ça se voit, quoi. Et genre, elle lui dit à quel point lui, il est formidable. Là, il y a des mecs qui viennent les faire chier, bah, ils leur pètent la gueule dans le restaurant. Ils les défoncent tous. Et puis, bah, après, bien sûr, il se la fait, hein. T'as une petite scène de baise où tu vois. Alors lui, bien sûr, il est en jean avec son col roulé, parce qu'il veut pas montrer qu'il est obèse. Et elle est déjà complètement walpée en train de lui dire à quel point il est beau, il est trop fort. Ouais, t'as raison. Putain, ouais. c'est terrible quand on y pense quand même. Je veux dire, en même temps, c'est horrible, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement obvious le message qu'il essaye de faire passer que tu dis mais comment ça manque de finesse, enfin dans tous les sens du terme quoi. Ah, clair que pour un bouddhiste, le bouddhiste le plus violo ouais. du monde quoi. C'est mais le mec il est bouddhiste mais à aucun moment il respecte les femmes. Et quoi, puis au bout d'un moment je pense qu'il a dû se dire un peu que bon les femmes elles allaient plus vouloir trop coucher avec lui ou qu'une scène une scène un peu chaude avec lui c'était un peu tendu. Et ben il a fait coucher les femmes ensemble. Mais, ah, et puis il regarde. Mais il regarde, il est caché dans un coin, façon habituelle, Morticia Adams, caché là. Ouais, avec les, voilà, toujours il est filmé, mais il y a une barre en haut, une barre noire, voilà. Une barre noire en bas, juste il y a juste son visage. Un rayon de lumière sur ses yeux. C'est ça. Son regard bovin qui regarde des femmes en train de se peloter. C'est horrible. Franchement, tu réalises. Et puis comment il y a que lui qui se dit que ça se verra pas quand on cache son quadruple menton. C'est terrible. Voilà, chose. Et surtout, comment, enfin, le manque de finesse absolue du truc, quoi. Il y en a, ils font des bazars. On va prendre les James Bond. C'est obvious, quoi. Je veux dire, le message qui a passé derrière, irrésistible, machin, bon. Mais il y a une certaine finesse quand même, un minimum. Mais lui... voilà, et puis c'est un minimum bien branlé. Oui, voilà. Sauf que là, voilà, c'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est genre, il pète la gueule à quatre mecs. Et là, bah, il y a une meuf, genre, qui regardait dans le coin, et genre, bah, là, il va dire, salut bébé, heureusement que je t'ai protégé. Puis, en plus, il va lui faire une phrase philosophique de merde, où il va donner sa vision du monde, genre, c'est tellement triste ce qui se passe maintenant. Et la meuf, hop, elle va lui sauter dessus, ah, t'es tellement classe, ouais, c'est tout des, en plus, les pauvres, c'est tout des pauvres, des feedless, enfin, des pauvres feedless, comme dans, ça. Dans les films, dans les. Ils sont payés 20 euros. Quand il a commencé à entamer sa bonne partie DTV Europe de l'Est, ouais, il y a des trucs, tu dis, mais la pauvre, Ils ont dû la prendre de chez elle, là. Même quand il a ses pauvres bandanas sur la tête. Il est affreux. Je crois qu'il a toujours été mal fringué, par contre, dans ce film. Ça, c'est un truc... Surtout, ouais, même au début, c'est vrai. C'est toujours, ouais. Mais après, ça empire. À un moment précis, ça empire. Mais pour en venir aux femmes, oui, non, c'est... Et puis surtout, il y a des films où, pendant le film, tu crois qu'il est avec sa femme, et en fait, c'est pas sa femme. Et tu te rends compte, à la fin du film, il retourne chez sa femme, et tu te dis, mais c'était qui l'autre, alors? Mais... Tu sais pas, enfin, c'était histoire d'avoir un plan nichon, je sais pas quoi. Enfin... Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était une queue entre mes jambes. Mais pour être sincère avec toi, je crois que je t'aimerais beaucoup moins si t'en avais une. Surtout si elle était plus grosse que la mienne. Je suis peut-être un peu lourd. Gros dragueur, ce Steven. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé forcément dans un film de Steven. Et bah, c'est que dans ses... Alors, surtout dans ses premiers films, il passe son temps à mettre des claques dans la gueule à tout le monde. Est-ce que tu as remarqué ça? Oui. J'ai revisionné Désigné pour mourir, et il passe son temps dès qu'il chope un mec pour lui faire comprendre que bah, c'est quand même lui le meilleur, et que c'est lui qui a raison, et que c'est lui qui a le dessus. Bah, il met des claques dans la gueule à tout le monde, tu sais, genre Bénil. Alors, sauf que lui, de les mettre comme ça sur la tête du petit vieux, bah lui, mais il met des grosses tartes dans la gueule des gens. Et tu vois vraiment la grosse, c'est clac, clac, clac. Il en met 3-4 de suite. Et donc, il le fait dans Nico, il le fait dans Échec et mort, Désigné pour mourir, dans Justice sauvage. Il le fait aussi dans Piège en haute mer. Et alors, faites attention si vous êtes un petit peu comme nous, fans des déviances de Steven. Vous regardez ces films-là et vous verrez, il met des claques dans la gueule de tout le monde. Alors, moi, j'ai trouvé ça super humiliant. À mon avis, il le fait pas que dans les films, hein, je pense. Ah, il y a des chances que dans la vie, genre, dès qu'il y a un mec qui dit ce qu'il veut, j'ai un truc à dire. Non, toi, tu fermes ta gueule, petit. Tac, tac, tac. Parce que oui, de toute façon, c'est arrivé déjà, hein, je veux dire, le moindre, c'est ça, en fait, c'est, il veut imposer tout de suite, autant à l'écran qu'en dehors, que c'est lui le mâle alpha. Il veut l'imposer, c'est lui le boss, c'est lui qui connaît mieux tout, c'est lui qui fait mieux tout, c'est lui qui connaît tout. Et si jamais t'as le malheur de le remettre un peu en cause, ou d'avoir un statut qui pourrait le remettre en cause, le mec va d'emblée essayer de te mettre à terre, autant psychologiquement, que physiquement, quoi. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Oh, bah, entre les looks improbables, le fait qu'il est tout le temps en train de se venger ou qu'il n'y arrive jamais rien, c'est difficile à dire, hein, mais je pense que oui, c'est vrai qu'un point qui est quand même pas mal et qui est assez étonnant parce que quand on prend par exemple le personnage de John McClane, qui mange, McClane, il mange. Ouais, il mange. Steven ne mange jamais. Alors, façon de parler. Ah, il y a un film. Un seul film. Oui. C'est dans Nico, à la fin, parce que c'est son premier film, autant dire, voilà, il faut quand même lui péter un peu la gueule. À la fin, quand il se fait interroger, il se prend quand même quelques nions et il saigne beaucoup du nez. Donc il saigne un petit peu. Oui, alors, mais il n'y a que le nez. Il y a aussi un autre film. C'était son buddy movie, là, L'Ombre Blanche, où il se fait miraculeusement prendre un nion. Alors, ce qui est marrant, c'est l'effet spécial. Il se fait taper. contre-champ, il a déjà le sang qui a déjà coulé jusqu'en bas. Donc tu dis ok. Mais voilà, c'est tout ce que le méchant arrive à lui faire. Et mais en général. D'ailleurs, il lui dit, c'est tout ce que t'as. Parce qu'il lui dit bien, vas-y, donne-moi ton meilleur coup. Et l'autre, il se prend un nom, il dit, c'est ça ton meilleur coup? Bah, désolé de te le dire, mec, mais tu vas crever. Oh, le type. Et puis il le démonte. C'est pire qu'un méchant de manga ou je sais pas quoi, hein, d'un truc. Il pourrait être dans Dragon Ball, Steven. Mais enfin, vraiment, je veux dire, il ne prend jamais rien. Je veux dire, même les méchants qu'on passe tout un film à te dire, le type, c'est un malade mental. Et ben non, Steven, il arrive, il lui met trois pains, il valse, comme Tommy Lee Jones qui est fini dans. Ah ouais, mais ça, c'était c'est la déception. À travers la pièce 3-4 fois, et puis voilà, on n'en parle plus, crack, pétage de. Comme il le bute en plus. Tu te rappelles de comment il le bute dans Piège en haute mer? Non, je me rappelle de Piège à grande vitesse, mais Piège en haute mer, je sais qu'il envoie valdinguer à travers des écrans, des trucs, des machins. Ah ouais, donc il le fait rouler par terre, il lui pète le bras, il le fait valser, et à la fin, il lui plante un couteau, mais dans le crâne. Ah oui! Ah oui, oui. Et ensuite, tu lui mets la tête dans un ordinateur et il se fait électrocuter, quoi. Donc, ok, oui, t'es pas encore. La violence. Ah ouais, non, mais c'est d'une violence à chaque fois, quoi. Mais ouais, il se fait pas toucher une seule fois. C'est-à-dire que le combat dure 2 minutes, même pas. Il fait 2-3 moulinets avec ses bras, il l'envoie voltiger à gauche, à droite, même et puis après, les bah, films, il plante le clou dans le crâne. Tu tires dessus, il se fait jamais toucher. Pas un ingénieur, pas un truc Steven invincible, quoi. Vous devriez appeler les flics, vous croyez pas? Non, je crois que personne ne tient à appeler les flics. Nom de Dieu. Tu te souviens de moi, viejo? Si, j'en suis sûr. Tu te souviens? On dirait que ses cheveux ont repoussé depuis la dernière fois. Mais pas tant que ça. T'as pas de moment? Tu sais ce que je veux? Toi, recule! T'as entendu? Allez! Attends-moi, ce fric. Tiens-toi. Prends-les-moi. Prends-moi toutes mes économies. Dites-moi où sont les flics quand on en a besoin. Ils se bourrent la gueule. Attention, toi, recule. J'ai bien envie de vous rentrer dedans et de vous aplatir. Eh bien maintenant, je crois que l'envie est passée. Hé, hey, fais gaffe. Ouais. Allez, vas-y. Tu vas jouer les héros. Ça va, ne bouge plus. Qu'est-ce qui te fait sourire, hein? Eh ben... Vous êtes que 4, les mecs, et... Et puis toi, t'as plus qu'une seule balle. Alors... Espèce de... Descends-le, merde, qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Fais-lui la peau à se péler! Vas-y, démolis-moi ce type! Vas-y, merde! Qu'est-ce que tu fous? Relève-toi! Allez, démolis-moi ce guignol! Allez! Bon, bah maintenant qu'on a un petit peu comme ça mis en avant les codes d'un film de Steven Seagal, bah il est temps de parler des films de Steven Seagal. Et donc on se remet un petit peu dans le contexte, on est à la fin des années 80, on est vraiment dans une période dorée hein, pour nous, les fans d'action, puisqu'on a les Steven, j'allais dire forcément, on a les Steven Seagal, mais on avait surtout les Stallone, on avait les Schwarzenegger, on avait notre petit Jean-Claude qui avait commencé à débarquer aussi. Et donc on avait une nouvelle tendance au niveau des action héros avec justement Bruce Willis qui avait fait son Piège de cristal. Et donc arrive Steven Seagal avec Nico en 1988. Alors Nico, c'est un peu Steven contre la CIA. Et pourtant, vous le savez, Steven a travaillé peut-être pour la CIA et il semblerait justement que bah, ça soit un petit peu autobiographique d'après Steven lui-même. Oui, évidemment. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Nico Toscani, un Italien. Voilà, donc un ancien membre de la CIA qui s'est révolté contre certaines collaborations de ses employeurs avec la mafia dans la police de Chicago. Et bien sûr, Nico est une forte tête, il n'obéit toujours pas, alors que les fédéraux se réservent une affaire. Va-t-il échapper au pouvoir des mafieux qu'il dérange alors qu'il se croit au-dessus des lois? Tout un programme. Tout un programme. Est-ce que tu te rappelles, toi, de Nico? Tu l'as vu récemment? Parce que tu as dit que tu avais un petit peu découvert sur le tard. Alors après, de toute façon, moi, j'ai quasiment tout vu, hein, même les pires merdes. Donc, les premiers, évidemment, j'ai vu. Lui, ça fait un moment. Donc, c'est pas très frais. Mais je sais que, de toute façon, tous les premiers, je veux dire, sont vraiment, par rapport à l'époque et tout, en se replaçant dans les films d'époque et tout ça, c'est vraiment, c'est pas le même maintenant. Je veux dire, c'est... tu sens que c'est quand même bien fait, tu sens que c'est fait avec les tripes. Ouais, il y a un vrai réal derrière, ouais. C'est Andrew Davis qui réalise, le mec a fait, après, il a été, je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, Le Fugitif, j'ai un vieux trou de mémoire, mais voilà, Andrew Davis, voilà, c'est quand même un mec qui sait tenir une caméra, ça n'a rien à voir avec les mecs qui font les films en Roumanie maintenant, il y a un bon casting aussi. Oui, en plus, Pam Grier, Sharon Stone, Aaron Silva, c'est pas dégueulasse, hein. Mais d'ailleurs, très vite, Steven, il n'y aura plus beaucoup de gens connus avec lui, hein, parce que faut pas déconner quand même. Hein. Mais non, Nico, c'est quand même pour un premier film, on va dire, c'est pas dégueulasse. Hein. Il y a eu mieux, enfin il y a eu le pinacle un peu plus tard. Mais disons que voilà, pour un premier, c'est honnête, hein, franchement, c'est bon. Donc Nico Above the Law, je l'ai dit, Andrew Davis. Et c'est vrai que c'est un film qui est encore bien efficace, qui est carré, qui est vraiment bien foutu. Et là où je vais rejoindre Jean-Claude, c'est que mine de rien, il a quand même du charisme. Ah oui. À cette époque-là, je trouve que Steven Seagal a quand même dégage quelque chose. Il y a une vraie présence à l'écran. Et il était mince, mais très, oui, c'est violent parce qu'on a cette image maintenant. Et si jamais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un de ces Steven-là. Je veux dire, ça choque vraiment, tu remets le truc, tu dis oh lolo. Mais et c'est là que tu dis, mais le gâchis, bordel de merde, c'est incroyable. Ouais. Mais de toute façon, bon, après. Ça va venir vite quand même, on va le voir vite. Mais je veux dire, je pense que même mentalement, je veux dire, il était pas sain, Steven. De toute façon, même s'il était resté svelte et énergique et tout ça, à mon avis, sa carrière n'aurait pas forcément été beaucoup mieux que celle que maintenant. Mais vraiment, tu dis, putain, ça fait peine à voir quand même, hein, parce que quand tu vois à l'époque. Comment il était, et puis l'énergie qu'il y avait dans toutes les bastons qu'il faisait, c'était fou quand même. Bah surtout que on a parlé de son passé dans l'aïkido, et il a réussi à imposer, mine de rien, ce style de combat dans un film, ce qui n'est pas forcément évident, parce que c'est pas non plus un style de baston qui peut être aussi spectaculaire que du mano à mano qu'on avait dans les années 80, ou dans le style de Jean-Claude aussi, hein, qui est beaucoup plus périlleux, spectaculaire, beaucoup dans les mouvements, et etc. Plus sanglant, parce qu'au final, quand on regarde l'aïkido, il n'y a pas vraiment de coups, c'est pas des coups donnés. Bon, il a réussi à le rendre sanglant. Hein, ah oui, mais justement, il le rend sanglant parce qu'il utilise souvent des objets en fait. Ouais, les objets, il casse aussi beaucoup. Ce qui est spectaculaire dans ses films, dans les mouvements, c'est qu'il casse beaucoup de membres. Bah c'est ça en fait, l'aïkido, ça joue beaucoup ses articulations sur les membres, etc. Donc c'est sur ça qu'il va jouer. Mais c'est pas. Steven, on le voit pas vraiment forcément donner des coups de poing normalement comme dans d'autres films ou des coups de pied, etc. Il y a quelques mouvements comme ça, mais c'est ça aussi qui a fait que le film a aussi marché, que Steven au départ était quand même assez réclamé, on va dire. Il y avait une particularité. Ouais, c'est que c'était assez particulier, ça changeait beaucoup de ce qu'on voyait à l'époque. Quoi. Ce qui est intéressant dans ce film, donc c'est le premier film, on l'a dit, avec de l'aïkido, mine de rien, et c'est vrai, c'est le premier film avec de l'aïkido. Donc on l'a dit, Steven est mince. Alors j'allais dire beau, mais ça c'est chacun, chacun donne son avis sur le physique des gens, ça c'est comme ça. Et il y avait déjà une chose intéressante que moi j'ai toujours relevé dans les films de Steven, c'est qu'il court bizarrement. Donc il y a une course poursuite à pied, donc qui pourrait plus faire du tout maintenant, non. Clairement. Mais il y a une vraie une course poursuite vraiment bien montée, bien cadrée, assez nerveuse. Mais Steven, il court bizarre. Mais c'est Steven qui court et c'est un peu le problème. Et alors, il va l'assumer de plus en plus sa façon de courir bizarre, c'est-à-dire que là il y a des moments où tu sens quand même qu'ils lui ont dit écoute Steven, et des moments où il part un peu en vrille. Et là dans le plan suivant c'est un petit peu mieux, et sa main part un peu moins dans tous les sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il a les braques. Un peu comme Phoebe en fait, ceux qui regardent Friends. Comme un poulet, comme Phoebe, je sais pas, un poulet qui a les bras qui partent un peu comme ça, les mains. Ouais, voilà, en fait, c'est dur à décrire comme ça, mais les bras qui partent vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire, je sais pas s'il a pas d'équilibre ou quoi, mais il a vraiment une façon de courir assez bizarrement. Il y a des montages sur le net que vous pouvez trouver sur la façon de courir de Steven, mais c'est vrai que c'est assez choquant de voir un mec qui est ultra viril et tout, qui casse des bras, qui retourne tout le monde, et d'un seul coup, il se met à courir et là, il est tout le temps de raid, et puis là, d'un coup, on dirait qu'il est démembré en fait. C'est ça. Dès qu'il faut un peu se déplacer autrement qu'en faisant des moulinets, du coup ses bras ils savent pas quoi faire, alors du coup ils se balancent un petit peu dans tous les sens. Et il y a des scènes vraiment efficaces dans Nico, notamment une poursuite dans un parking que j'ai revu pour l'occasion. Et ce que j'adore, c'est qu'elle se termine là où tu vois que Nico n'a rien à foutre de personne et qu'il veut buter tout le monde. C'est qu'à un moment, il y a un mec qui est accroché à l'arrière sur le coffre. Et il finit par reculer. Et bien sûr, il traverse le mur. Et là, le mec, il tombe, quoi. Donc, il finit par décrocher le mec. Et c'est tout des morts violentes dans les films de Steven. Et c'est vraiment aussi une particularité. Et ça va jamais se perdre. Non, non. C'est-à-dire que ces films sont ultra violents. Ah oui, c'était, toute c'était, la c'était façon dont ils traitent les gens. C'était une particularité aussi, c'est de faire quelque chose vraiment de brutal, de tu regardes, tu fais oh comme ça là, tu dis ah ouais, tu oh putain, oh là là, t'entends les os craquer et tout. Allez, enfin, t'as l'impression que les mecs ils sont en balsa en fait de ce côté quoi. C'est vraiment. Ouais, parce que du coup sa façon de combattre et les coups qu'il donne sont vraiment secs. Mm. C'est-à-dire qu'il y a le fameux coup, tu sais, de la balayette avec le bras. Mm. Moi j'adore ce coup-là où il fait venir le mec et d'un coup paf, il lui met un coup dans la nuque et il finit par tomber par terre comme une merde. C'est qu'il y a plein de mouvements comme ça que t'avais jamais vu avant. Et c'est vrai que le moment, alors moi, après moi je fais pas d'aïkido, hein, je veux pas non plus juger les mouvements, mais ces moulinets font tellement bizarre. Oui. que je pense que c'est pour déstabiliser les gens, mais du coup il balaye ses bras dans le vent, alors qu'il y a rien. Le mec ne tape pas du tout, il balaye ses bras, et bah, il finit par choper le mec, par le déséquilibrer, lui péter le bras, lui péter la jambe, et on entend toujours les os qui pètent dans tous les sens. Et donc ce film-là a un petit peu bah, imposé le style Steven Seagal. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Nico? Non, pas spécialement, vu qu'il est pas très frais dans mon esprit, non, rien de particulier. Et bah donc Nico, faut quand même dire que c'est pas forcément un gros carton non plus. Alors je pense pas que le film ait coûté cher, mais au niveau des États-Unis c'était un box-office d'environ 18 millions de dollars, donc si on compare avec les cartons de maintenant, on est loin vraiment du film d'un Schwarzenegger ou d'un Stallone de l'époque. Mais en tout cas, ça va quand même donner confiance à la Warner, qui se sont dit, tiens, on a quand même trouvé un poulain plutôt sympa, et il va signer pour 3 films. Donc autant dire que bah, sa carrière, eh bah, elle est lancée. Voilà, donc on a notre Steven, il est lancé, on a un nouvel action hero qui débarque au cinéma. Et en 1990, on va voir débarquer donc, le premier film dont on a parlé tout à l'heure, que moi j'ai vu tout petit, c'est donc Échec et mort, Hard to Kill de Bruce Malmuth. Et donc qui raconte l'histoire de Mason Storm. Déjà le nom du personnage commence un petit peu, là c'est Mason Storm, le détective. Et encore une fois, on est sur une histoire de mec qui va décider de se venger, parce que mine de rien, on dit que Steven ne prend jamais de coups, mais là il a failli mourir. Oui, c'est un des rares. C'est un des rares films où il a failli mourir, puisque il va finir par se faire une tentative d'assassinat, parce qu'on va quand même tuer sa femme, malheureusement, voilà, sa famille va mourir, et lui va être dans le coma pendant 7 ans, parce qu'il a découvert qu'un sénateur, très très méchant, joué par William Sadler, que j'adore, j'aime beaucoup William Sadler, et bah c'est un pourri, et bah ils vont essayer de l'assassiner, et donc son fils et sa femme vont mourir, et quand il va se réveiller, bah il va décider de se venger. Et malheureusement, il coupe sa barbe. Ouais, alors il était trop beau, il se réveille, il a type, tu sais, on dirait un Jésus comme ça, il a vraiment un look improbable. Allez, on s'écoute un petit extrait et puis on discute du film un tout petit peu après. Oh. Vous allez voir un vrai champion. J'ai toujours adoré le billard. On fait une petite partie ? Oh, je sais, oui, vous dites que si je garde ce truc à la main, je pourrais pas jouer. Mais je vais le ranger. Ce sera beaucoup mieux. Alors, quelqu'un me prête une queue ? Ma femme va pourrir en enfer. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Bilou, de ce Échec et mort où Steven a failli mourir, mais pas vraiment? Il casse beaucoup de choses. Toujours très violent. Enfin, voilà, c'est la marque de fabrique, hein, c'est pareil. On reprend la même recette hein, que le précédent, sauf que bah, le décor change, les personnages changent, mais sinon... On garde un peu la même recette et on introduit un peu cette recette de la vengeance qui va garder tout le long de sa carrière, vraiment à recycler dans tous les sens possibles. Mais je sais pas combien de personnes il a vengé dans sa carrière, mais il y a un paquet. Et puis toujours cette dénonciation, hein, le premier dénonciation de la CIA, de ces salopards qui font des trucs en sous-main, la dénonciation des politiques corrompus, toujours beaucoup à dénoncer, hein, Steven, il aime ça. Rapidement. Tu parlais de la violence et vraiment de... Il y a des scènes de mise à mort dans ce film-là qui sont quand même assez hardcore. Il y en a un, l'homme de main, il reconnaît à un moment l'homme de main qui a appuyé sur la gâchette pour tuer sa famille. Et donc il y a une baston avec des queues de billard. Et là, il enfonce la cuillère dans la gorge du mec. Et bien sûr, il lui dit une phrase de bâtard, oui. Hein, tu sais, la phrase de fin avant que le mec y crève. Et là, il lui remet un coup de latte dans la gueule. C'est d'une violence. Oh là là, mais les affrontements sont quand même bien hardcore dans ce film. Alors moi, ce sera pas mon préféré. Clairement, je trouve qu'il a vraiment mal vieilli. Et chez Kemore, visuellement, c'est pas beau. Je trouve vraiment, ça fait même presque téléfilm, je trouve, au niveau de la gueule du film. Et il y a quelques scènes quand même assez efficaces. Et je crois même qu'il en a fait beaucoup des scènes comme ça. C'est, tu sais, la baston avec plein de monde. Dans un endroit un peu confiné. Ah bah on aura là, par exemple, non pas dans le suivant, ouais, dans le suivant encore d'après. Non, pas dans le suivant, non, pas encore. Mais dans une supérette où forcément il y a un braquage et notre ami Steven Bailey est là. C'est justement un des films où on voit un de ces acteurs qu'on revoit plein dans le mec hyper tatoué là. Je voulais en parler aussi, on le voit souvent dans les films. Il est tout le temps là, et le pauvre, il se fout de sa gueule, royalement, il dit « viens, je me mets à genoux et tout, vas-y, viens, je suis facile à tuer, allez, viens ». Et là, le mec lui force dessus, il se fait démonter, putain. Parce que forcément, Steven, le moment-là, je crois qu'il va acheter une bouteille pour aller rejoindre sa femme ou je sais pas quoi, pour être, tu sais, il rentre du travail, et il rentre, alors il y a un braquage, alors forcément, Steven ne peut pas laisser faire passer ça, parce qu'il aime bien le mec qui tient la supérette, qui déconne tous les deux, ils font des petites blagues, et il casse la gueule à tout le monde, il casse tout la supérette, donc il défonce absolument toute la supérette en envoyant les mecs à gauche, à droite, et donc, il y a le moment où le mec a un pistolet, alors bien sûr, Steven, lui prend des risques, il se met à genoux, il dit, vas-y, c'est bon, je pose mon flingue, vas-y, tu peux faire ce que tu veux, et là, bien sûr, il lui pète la gueule. Tu seras peut-être moins fier quand je vais t'arracher le cœur. Ah ouais ? Eh ben vas-y, arrache-moi le cœur. Allez. Je te dis de venir m'arracher le cœur. Approche, merde ! Oh, je sais ce que t'es en train de te dire. La mienne est plus grosse que la tienne, c'est ça ? Ah ouais, t'as raison, c'est pas juste. Tu vois, je la balance. C'est mieux, non ? Allez, amène-toi, amène-toi. T'aimerais voir ce que ça fait d'être une victime comme lui, là ? Hein ? Eh ben viens. Tu peux dire tes prières, connard ! Ah quoi, tu trouves encore que c'est pas juste? Bon, mais comme ça, regarde, je me mets à genoux. Ça te va comme ça? Tu veux que je te tienne la main? Alors tu te décides. Cette fois, t'as gagné ton Oscar, Storm. Merci. Et après, il s'en va chez lui. Le plan juste d'après, il est dans sa voiture en train de siffler de la vieille musique de merde. C'est assez improbable, mais ouais, moi, c'est pas. On va pas, je pense, rester trop longtemps sur le film parce que tu te dis après un lancement de carrière comme Nico, c'est même étonnant de tomber directement sur un échec et mort qui est assez mou du genou. C'est pas le meilleur des Steven. Steven n'a pas produit en plus. Échec et mort. Ah, peut-être que ça joue aussi, hein, mais. Peut-être. Mais en plus, surtout que. Faut bien se rendre compte, hein, des dates, il enchaîne à mort. Je veux dire, il a gardé ça toute sa carrière, mais dès le début, c'est pas quelque chose qui est propre à son époque des TV, c'est vraiment quelque chose qui l'enchaîne dès le départ. Hein, là, le premier 88, en gros, il y a eu 2 ans après pour Échec et mort, c'est le plus loin. Parce que après, c'est quasiment un par an jusque... Là, directement, les deux prochains, c'est 90 et 91. Mmh. Donc, mais ils sont pas mal, les prochains. Moi, j'ai des petites tendresses. Alors, on va laisser de côté Échec et mort, parce que c'est pas... Voilà, vous pouvez le regarder, mais c'est pas super fou. Mais regardez au moins pour la barbe. Voilà, pour la barbe, la scène de la supérette, c'est quand même plutôt, plutôt rigolo. Mais on va passer directement à Désigner pour mourir, Mark for Death. De Dwight H. Little. Et là, Steven va partager l'affiche avec Keith David et aussi Basil Wallace qui va faire donc le Black très méchant. Très méchant. Ah voilà, un Jamaïcain très méchant qui vend de la drogue aux enfants. Il y a des scènes improbables. Je me rappelle d'une scène où ils sont dans la rue, genre ouais mec, on est trop cool, viens, on va fumer de la marijuana ensemble et tout. Puis t'as Steven qui est loin, qui est pas en retraite, mais qui a décidé d'abandonner parce qu'il en a marre d'être un super flic qui a vu trop de choses méchantes. Et là, il va voir au loin qu'il y a deux blacks méchants parce qu'ils ont encore rien fait, hein, mais ils voient de loin sans entendre ce qu'ils racontent que ces deux blacks sont quand même des gros bâtards. Et t'as les deux jeunes américains, tu sais, vraiment typiques avec leurs blousons machin, genre nous on est super mignons, super gentils, de blanc et de noir bien noir. et donc il voit que les deux blacks c'est quand même pas des mecs rigolos, et puis il va décider d'intervenir et d'affronter les barons de la drogue jamaïcains, parce que ça se fait pas quoi de faire ça. Alors qu'est-ce que t'en penses, on s'écoute un extrait? Oui, toujours. Allez, c'est parti, et puis on va discuter un petit peu plus longuement de cette série B bien brutale. Les Jamaïcains, organisés en bande, se sont rendus maîtres du marché de la drogue. Dans Nico, il avait choisi son camp. Qui est-ce ? John Hatcher, des narcotiques. Dans Échec et Mort, il s'était vengé. Ce n'est pas le moment de me laisser tomber. J'en ai assez. Il décroche, il prend sa retraite. Il a l'air de pouvoir encore servir. Aujourd'hui, cet homme au tempérament irritable a été désigné pour mourir. Je veux que tu épouses ma sœur, la déesse des brasiers. Steven Seagal et John Hatcher. La mort le possède et il se croit vivant. Un bon flic. Votre famille a été marquée. De mauvaise humeur. Il a dit qu'on allait mourir. Je crois que la chance de ce gars va tourner. Que comptez-vous faire? Je veux détruire leur bande. Le premier se croyait invincible. Et l'autre croyait savoir voler. Ils se trompaient tous les deux. De qui as-tu peur? De cet homme? Ou de moi? Je vais te faire comparaître devant le Seigneur. Steven Seagal est désigné pour mourir. Et ça, c'est mon serviteur muet. Mais cette fois-ci, il sort la grosse artillerie. Steven Seagal, désigné pour mourir. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un flic? Non, je fais juste mon devoir de citoyen. Alors, désigné pour mourir, franchement, plaisir coupable. Même si j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il est, il est quand même un peu con, celui-là. Mmh. Faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que t'as un truc à dire sur ce truc improbable? Je pense que c'est celui qui ressemble le plus à un film de Bronson, un peu. Et l'époque, ouais, voilà, l'époque justicier. C'est vraiment, c'est ça, c'est un côté, de toute façon, 90, c'était aussi la fin de l'époque justicier et tout ça, où ça commençait un peu à partir un peu en parodie plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est le côté un peu Steven qui revient, je vais me poser, et puis comme par hasard, c'est aussi une des caractéristiques des films de Steven, c'est que les méchants, ils choisissent toujours le mauvais endroit. Ah bah oui, parce que là, c'est vraiment la ville natale de... Donc le mec s'appelle John Hatcher, on l'a pas dit, ancien agent de la DEA, encore une fois, ancien agent de la DEA, qui décide de prendre sa retraite. Donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il a vécu trop de trucs et il sent que ça marche pas, il en a marre, parce que voilà, il y a que lui qui veut vraiment faire la loi et ça craint. Et il retourne dans son quartier, et malheureusement, son quartier, il y a des villages américains qui sont pas très sympas, quoi. Et donc, il commence à droguer tous les jeunes sont drogués. Et c'est risqué, il y a une scène de dingue aussi dans un... où ils vont tomber sur les revendeurs dans une boîte de nuit, je crois, hein. Et bien sûr il pète la gueule à tout le monde, il va complètement leur péter la gueule. Et moi il y a un truc que j'aime bien, c'est le méchant. Je trouve que le méchant, il a de la gueule, quoi. Il surjoue comme un porc. Mais il y a un côté mystique dans le personnage du méchant qui est plutôt bien trouvé. Puis on a une explication à la fin. Quand il tue le méchant une première fois, il est pas mort. Parce que c'était des jumeaux. Un peu le côté Baron Samedi, un peu, hein, un peu le folklore, ouais. Voilà, comme ça. Ouais, avec la, tu sais, le mec, il est là avec, il a une, pas une masse, mais une espèce de bâton, là, il fait des espèces de trucs, parce qu'il arrive justement, bien sûr, personne n'est au courant qu'il a un jumeau. C'est-à-dire que ces hommes de main, il n'y en a pas un seul qui sait qu'il a un jumeau, mais il est partout à la fois. Donc du coup, au lieu de se dire c'est pas normal, ils disent voilà, c'est un truc vaudou. Donc on a vachement peur de lui, et donc il a la main mise sur toute la drogue du coin, et donc va s'en suivre plein de scènes de mise à mort ultra brutales. Et c'est dans celui-là où il dit, j'ai parlé à deux mecs, il y en a un qui croyait qu'il savait voler, et l'autre qui fait je sais plus quoi. Et l'autre il fait en fait il s'est trompé, il savait pas voler, il l'a envoyé du haut du parking, enfin bref. Bien sûr, il bute tout le monde encore une fois. Hein. Mais les flics le laissent faire. Oui, comme toujours. Et d'ailleurs, c'est un des premiers où il utilise un katana, hein, parce que Steven est un grand spécialiste. Et d'ailleurs, à propos des katanas, apparemment, c'est pas une blague. C'est-à-dire que Steven, les sociétés d'enchères qui récupèrent des katanas sabres japonais d'époque, vraiment des pièces assez inestimables. Et apparemment, c'est pas une blague, c'est que Steven, à une époque, je ne sais pas encore maintenant, il était la référence pour faire des estimations. Pour reconnaître vraiment la vraie valeur des sabres japonais d'époque. Et c'était pas une blague, il y a des sociétés d'enchères qui venaient le voir, qui lui amenaient des choses, ils les regardaient, ils estimaient, ils disaient de quand ça datait. Apparemment, c'est un vrai expert du katana. Et c'est vrai que pas mal de fois, on l'a vu sortir que ça dans des films ou dans d'autres choses où il faisait des démonstrations. Dans Machete, il juste bat, quoi, avec un katana à la fin. Et donc, c'est quelque chose qu'il aime bien, donc à un moment donné, c'est pour ça que ça se retrouve aussi là-dedans. Il a dû un peu faire le forcing aussi pour que ça se retrouve un peu dans ce film-là, à mon avis. Ah, c'est vrai que quand t'affrontes un Jamaïcain, forcément, la seule arme, c'est un katana. c'est un truc qui est logique. C'est de trouver un katana dans un film où tu te bats contre des Jamaïcains, c'est toujours des gunfights ou bien sûr une baston dans un centre commercial où il pète absolument tout. Alors, on aurait pu le mettre dans les particularités, c'est qu'il ne faut jamais laisser Steven se battre chez toi parce qu'il casse absolument tout. Il y a un film, je ne sais plus c'est lequel, c'est un des premiers. Il passe son poing à travers un mur pour choper un mec. Non, je me rappelle pas. Il y a un type qui descend un escalier, j'ai un vague souvenir, il passe son bras à travers un mur pour choper un gars. Steven démonte tout, hein. Les murs, les trucs. Mais il casse tout. Hein. Il casse absolument tout. Je parlais de la supérette tout à l'heure, le mec, d'accord, il t'a sauvé ta supérette, mais tu crois pas que si t'avais donné les 20 euros de la caisse, ça aurait été plus vite. ça t'aurait coûté moins cher que de refaire tout ton bar. C'est-à-dire, voilà, les bars, il les défonce, les vitrines, il les défonce. Il y a une scène de baston je crois que c'est dans l'ombre blanche. Où il arrive dans un restaurant italien, bien sûr, et il défonce tout le restaurant, c'est-à-dire tout le restaurant il passe, et les barricades, les tables, les chaises, les vitrines, les trucs de vin, enfin il défonce absolument tout le bar et puis il s'en va tranquille, vas-y pépère. Donc Désigné pour mourir, c'est un film réalisé par Dwight H. Little, alors qui est pas un grand réalisateur, qui a fait quand même pas mal de films de genre, puisqu'il avait fait avant ça Halloween 4, donc un film de la saga Halloween, hein, ça fait partie des Yes Men qui a fait plein de films Halloween un petit peu passables, on va dire. Il a fait aussi Le Fantôme de l'Opéra, et après Désigné pour mourir, il a fait un film qui est très sympathique, qui est Rapid Fire avec Brandon Lee. Mm-hmm. Qui est une série B plutôt sympa, et aussi Sauver Willy 2. Il nous a fait une George Miller. Rien à voir. Voilà. Ah, mais George Miller est quand même plus talentueux que... Ah, t'es en train d'insulter George Miller, là, quand même. Non, genre, de vue comme ça, tu pourrais dire, un type qui fait des films d'action, et d'un coup fait un truc familial. Mais oui, George Miller, c'est... Je veux dire, il y a du sous-texte que de base, tu pourrais croire, dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, non. Mais imagine tes producteurs, je veux dire, le mec, il a fait donc Halloween 4, Désigné pour mourir, Rapid Fire, et là d'un seul coup, hey mec, t'aimerais faire Sauver Willy? Je pense qu'il a dû faire ce qu'on lui a proposé, hein, à mon avis, à un moment, je pense que. Ouais, je pense qu'à un moment, il avait. Ouais, parce que c'est vrai, quand il a. C'est entre 92 Rapid Fire, il n'y avait rien, ensuite il a fait Sauver Willy 2, et il a fait aussi Anaconda le deuxième, et l'adaptation du jeu vidéo Tekken. Eh ouais, en 2009, c'est aussi lui qui a fait ce truc vraiment dégueulasse. Donc, autre particularité, en plus d'avoir le réalisateur de Sauver Willy 2 aux commandes, tu voulais un petit peu parler du fait que Steven, il joue pas que du katana dans Désigné pour mourir. Non, c'est un des premiers films où il est crédité pour de la musique. Alors, il a juste fait une chanson, en fait, il chante, accompagné de Jimmy Cliff. Alors, parce que oui, Jimmy Cliff a fait des morceaux pour ce film. Et donc, il y a Steven qui chante dans une des chansons. D'accord. Et c'est une des premières fois qu'il s'occupe de la musique, mais ce sera loin d'être la dernière, et on verra qu'il ira bien plus loin aussi. Every road I've bend, every wicked I've been, what your hands commit, I know your body must be. If it is the wicked part, your time must come. You don't live right, you will have no more fun. Jacko, I've gone down, you'll suffer soon, boy. Jacko, I've gone leave the children astray. Jacko, I've gone meet the retribution. Just a Est-ce que c'est le moment où on peut, vu que t'en as quand même parlé, on peut déjà se lâcher sur le fait de dire que bah, c'est pas si mal Steven qui fait de la zik. Moi j'aimerais bien en parler maintenant, tiens, on va bousculer un petit peu les codes de l'émission. Est-ce que on peut prendre le temps, vu que là on passe d'un film à l'autre pour essayer d'aérer un petit peu l'émission, de se dire que bah, Steven Seagal qui fait de la musique, bah, c'est pas mal, monsieur Bilou. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est exactement ce que je m'étais dit à l'époque en découvrant. Alors au départ, évidemment, je rigole, hein, comme d'hab, quand on parle de Steven, je rigole. Et puis après, en fait, t'écoutes, tu dis... Ah bah merde. Alors bon, faut pas pousser non plus trop loin à la compréhension des paroles. Parce que les paroles, ça reste du Steven mégalo, ça reste du Steven qui veut péter la gueule à tout le monde si on respecte pas, ça reste du Steven qui veut essayer d'emballer des femmes en leur expliquant que c'est ce qu'elles veulent dans la vie, c'est Steven. Bon. Mais ça... Parce qu'il y a des musiques comme Cry, Don't Cry Baby, ouais, etc. C'est... Voilà, c'est... Et puis même, hein, je veux dire, tu regardes un peu les paroles, la syntaxe et tout, l'écriture, ça vole pas très haut. Mais en termes de rythmique, de musique et de voix, franchement, ça passe très bien. Et même la voix, effectivement. On le reconnaît pas, parce que c'est vrai que nous, après, avec la VF, qui s'est tapé des VF bien pourries, hein, d'ailleurs, Steven n'a pas eu de bol non plus à ce niveau-là. Mais oui, franchement, c'est très honnête, et je pense que c'est une des choses de toute sa carrière artistique où il était le plus honnête. En fait. Ouais, peut-être le plus ouais. Sincère, t'as raison. Où il se disait pas, ouais, je vais faire ça uniquement pour le fric, parce qu'il a fait quand même des tournées, oui. Hein, il a fait des plateaux télé, il a été chez Ardisson, même d'ailleurs, hein, pour parler justement de sa musique. Alors sur une interview où il draguait clairement toutes les meufs du plateau aussi, genre ouais, je suis Steven, voilà, je crois qu'il y avait Bérénice Bejo, je crois qu'il joue dans OSS 117, oui. Si je dis pas de bêtises, qui était là, et qui était super mal à l'aise. Il disait clairement, écoute mec, calme-toi. Il arrêtait pas de lui dire qu'elle était jolie et tout, qu'il était là pour les jolies françaises et tout le bazar. Et c'est vrai que sa musique, moi j'ai fait le test en magasin de diffuser du Steven Seagal, même à ma femme d'ailleurs, je lui ai fait écouter une musique, elle me dit, mais c'est quoi? Elle dit, bah c'est Steven Seagal. Elle me dit, ah bah c'est pas si mal, ça se laisse écouter, c'est pas désagréable à écouter. Et c'est vrai que son album, il a fait deux albums, Songs from the Crystal Cave en 2004 et Mojo Priest en 2006, c'était pour cet album-là qui était parti en France d'ailleurs. Et c'est vrai que moi j'ai écouté principalement Mojo Priest. Et pas que t'as un album, toi, un vrai, ouais, t'as acheté. Je suis un fou, hein. J'ai un coffret Steven avec des vrais DVD. Enfin, c'est les premiers films. Wow. Attention. Et oui, j'ai acheté l'album à un moment parce que bah, c'était à une époque. Voilà, c'est le premier donc de 2004 où bon, internet machin, trouver des trucs c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, pour me faire chier, je vais l'acheter sur Amazon. Il y était. Je sais plus s'il est France ou si carrément il est venu des États-Unis. Et ouais non. Bon, je pense que j'avais déjà dû entendre un truc et me dire que c'était pas dégueulasse. Et me dire, tiens, je vais acheter l'album, c'est marrant. Enfin, ça me faisait marrer. Pour une fois, j'ai filé du fric à Steven. Et oui, non, franchement, c'est pas. J'étais assez surpris que en fait tout est plutôt sympa et tout s'écoute plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien produit. Mais comme tu dis, il y a la voix, la guitare. Enfin voilà, si vous êtes curieux et mais vraiment, je vous invite puisque vous allez vraiment être surpris par la qualité des albums. Ça se laisse vraiment bien écouter. Donc c'est un petit peu du blues et c'est vrai que la voix, guitare, le rythme, ça se laisse vraiment bien écouter. Donc je vous invite à poser vos oreilles sur les albums. Ils sont sur Spotify. D'ailleurs, tout simplement. Les deux peut-être. Oui, c'est. Alors moi j'ai trouvé uniquement Mojo Priest sur Spotify. Et sinon, si vous voulez écouter l'autre album, bah vous pouvez aller chez Bilou, vous demander son adresse. Envoyer des cassettes sur internet, des copies. De... Voilà, vous y allez tranquille, vous siroterez une bière et puis vous me direz comment c'était. Tomorrow brings a word and make you feel something so real, like you could speak your own mind and whisper your wildest dreams. Well, girl, it's alright. that inspires one's greatest poetry. Out of a million chances, who would have thought I'd be this kind of lucky one? Girl, it's alright. Girl, it's alright. Girl, it's alright, but me. Allez, on va retourner au cinéma, parce qu'il faut arrêter de déconner. Là, on a parlé de choses plutôt sympas chez Steven Seagal, et on va arriver à son, pour moi, son chef-d'œuvre absolu. Maintenant qu'on a parlé de musique et tout, qu'on est plutôt bien, nous allons parler de Justice Sauvage, et je vais vous passer un extrait tout de suite. Fédé, vous n'avez pas le droit. Et là. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-le moi, celui-là. Mais ça va pas la tête. Vous n'avez pas le droit, bande de pédés. À moi que tu parles? Oui, pour qui tu te prends, toi, hein? Tu t'éclates à frapper Gonzesse, c'est ça? Hein? Eh ben, frappe-moi, sale con. Oui, c'est ça, d'accord, monsieur. Je prends pour une terreur. Des terreurs comme toi, j'en prends tous les matins, enfoiré. Ta femme, je la pèse. Ta mère... Sale Rital, fils de pute! Alors je vous le donne en mille, le pitch de Justice Sauvage. Un flic aux méthodes expéditives de New York traque un caïd de la drogue de sa connaissance qui a tué son collègue et ami d'enfance. Oh là là, mais quelle histoire incroyable! Et encore une vengeance. Et mais c'est trop bien. Franchement, Justice Sauvage. Là, c'est Steven contre tout, je ne sais plus c'est où. C'est pas l'Italie ou je sais plus quoi, un truc du genre. Il va essayer. Alors déjà, il va vouloir venger Bobby Lupo. Parce que c'était son ancien coéquipier, tout ça, et donc il va vouloir se venger de... Alors c'est principalement bien sûr de l'Italie, donc bien sûr il s'appelle Gino, c'est Gino Fellino, parce que c'est encore une fois un Italien, et il va traverser la ville... En béret, et en défonçant absolument tout le monde. Son style là-dedans, il est hors du temps, quoi. Le type, il est en débardeur... Et en béret. Alors c'est encore un des rares films où il va être en débardeur. Don Nico, il était en Marcel, c'est vrai, là on voit encore un petit peu ses bras, qui font déjà un peu moins musclés, hein, je trouve. Je sais pas si tu... C'est possible, oui. Tu le ressens un peu comme moi, je trouve déjà qu'il était un petit peu moins musclé, moins sec que Don Nico. J'ai encore les images là, avec son béret militaire, là, le béret Big Boss, quoi. Et, Big Boss dans Metal Gear et tout, c'est ça, quoi. Il a son béret comme ça, partout, tout le temps. Et donc on a des scènes mais d'anthologie, quoi, dans ce film-là. Il y a la scène du bar qui est géniale, où il débarque et il dit voilà, je veux un nom et tant que vous ne m'aurez pas donné le nom, casserai la gueule les uns après les autres. Et il le fait. C'est-à-dire que tout simplement, il n'a pas peur. Encore une fois, particularité de Steven Seagal, c'est qu'il n'a pas peur du tout. Il est tout seul, il rentre, il n'a pas d'arme, il rentre dans le... Ah si, il a une arme, il dit voilà, j'ai mon badge, plus rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai plus de badge. Si j'ai plus de pistolet, j'ai mon badge, ça sera votre trophée. Donc venez le chercher si vous voulez récupérer ce trophée-là. Et moi, je vous pète la gueule. Et donc, il pète la gueule à tout le monde. Donc, il met une boule de billard dans une petite serviette. Et donc, il va traverser tout le bar et défoncer tout le monde à coups de boule de billard. T'as un mec qui se finit les dents, qui se crache les dents sur le billard. Et il va défoncer tout le monde. Le mec qui tient le bar, lui pareil, au lieu de fermer sa gueule, il se fait défoncer. Et cette scène, moi, je la trouve juste géniale. Dire qu'il, à la cool, il débarque et il enchaîne les mecs. Paf, paf, paf, paf, paf. Et à la fin, t'as un mec qui dit, ouais, tu sais qui je suis, t'as pas le droit de me toucher. Il fait, ah oui, c'est vrai. Et là, bam, il lui met un nion dans la gueule, il en a rien à foutre. Et c'est juste, voilà, en fait, c'est ça, Justice Sauvage, c'est un peu le pinacle de ce que propose Steven, dire qu'il est impassible. Il est au-dessus des lois, il en a rien à foutre de tout, il est là pour se venger, il a ses méthodes et il pète des bras. Des jambes. Il fracasse des mecs, il prend... Il me semble qu'il y a une scène aussi à coup de fusil à pompe, je crois, si mes souvenirs sont bons, où il explose les jambes comme ça, enfin... Je crois qu'il y a une jambe qui se décroche, même carrément dans le film-là. Il est un peu surélevé, il tire comme ça, le mec, comme il tombe, enfin t'as la jambe qui explose... Ah, t'as la scène dans la boucherie aussi. Tu te rappelles la scène dans la boucherie où carrément il cloue un mec avec une feuille de boucher. Il le plante dans le mur, c'est-à-dire que tu vois vraiment, il le plante directement, mais c'est d'une violence, et dedans le méchant, c'est William Forsythe, qui est cocaïné à mort, et qui, la première scène du film, de mémoire, il arrive, il est dans des bouchons, et il y a une vieille qui lui gueule dessus, il sort de son véhicule, et il balance une bastos dans la gueule de la vieille. C'est complètement taré, et le film est au diapason de tout ça. En plus, c'est hyper carré au niveau de la réalisation, parce que c'est John Flynn qui le fait, qui nous a offert aussi le très sympathique haut de sécurité avec Sylvester Stallone, qui est un vétéran, qui sait filmer les choses, c'est un bon faiseur, clairement c'est un bon faiseur, qui a largement roulé sa bosse et qui nous emballe ça vraiment avec un super savoir-faire. Et moi, je kiffe ce film. Il n'y a pas de temps mort. Hein. C'est une course-poursuite en fait. C'est vraiment Stigall, il le cherche partout dans toute la ville, il veut le retrouver. Je ne sais plus en combien de temps ça se passe le film, mais c'est dans un espace-temps assez limité. Et vraiment, c'est une sorte de course-poursuite à travers toute la ville à le poursuivre et à tâtonner tous les mecs qui sont en travers de son chemin pour le retrouver, quoi. Il y a même une scène d'ailleurs dans la boucherie, j'en parlais tout à l'heure, mais il tape même des mecs avec du jambon, quoi. Il utilise absolument tout ce qu'il a sous la main pour voilà. Ce film, franchement, je vous le conseille. C'est même pour ceux qui n'aiment pas du tout Steven Seagal, s'ils veulent quand même regarder un film de Steven et dire voilà, je voudrais bien voir un peu à quoi ça ressemble. Pour moi, le meilleur Steven, alors peut-être que c'est pas ton avis à toi. Je pense que c'est le plus efficace, celui qui n'était pas encore une parodie de lui-même à singer à chaque fois tout ce qu'il faisait. Ça reste encore assez frais. On est dans les premiers. Hein, c'est sa période dorée. C'est vraiment. Il y a les moulinets, il casse des bras, il casse des jambes, il utilise des flingues, des épées, des tout ce qu'il trouve sous la main, il les utilise. Le méchant, il est over. Même William Forsythe, c'était à l'époque où il était hyper gros. Il a un look improbable aussi. Il a un gros bide, une espèce de coupe au bol. Sa moustache. Avec une moustache. Enfin, voilà, il a aussi un look de merde. Et on a Steven, ouais, qui traverse ce film-là, impassible, et qui est prêt à dessouder, mais tout le monde tout seul. Voilà. Et en plus, c'est bien torché, c'est bien filmé, c'est bien monté. Voilà, John Flynn, vraiment au top. Il nous torche ça, mais nickel. Alors, pour ceux qui aiment bien les films de John Flynn, et qui n'ont jamais vu aussi Rolling Thunder, je vous invite à le regarder, qui était un film qui date de 1977, qui était aussi un film de vengeance, vous pouvez vous jeter dessus. Mais en tout cas, voilà, Justice Sauvage, c'est pour moi le top du top du Steven Seagal, et c'était interdit au moins de 16 ans en France, quand c'est sorti. C'est sanglant, hein, vraiment, c'est vraiment le plus... Et c'est étonnant. Je crois, le plus sanglant. Est-ce qu'il y a un film de Schwarzy ou de Stallone interdit au moins de 16 ans? Peut-être Cobra, du coup, mais je crois que c'est peut-être même du 12 ans. C'est possible. Hein, je suis sûr qu'on était monté à 16. C'est de la violence plus psychologique, entre guillemets, on va dire, parce que c'est... Ouais, c'est malsain quand même, le Cobra aussi. C'est pas aussi violent d'impact, en fait, on va dire. C'est pas de la violence vraiment sanglante, physique, des mecs qui se font casser en morceaux. C'est plus psychologique avec le tueur en série, avec son gros couteau, tuer des femmes, les mecs qui fait flamber, etc. Et la violence du fait de tuer plein de gens. Mais là, t'as des gros plans quand même sur des pétages de bras, sur des jambes qui explosent, sur... Puis on est aussi sur de l'autodéfense, même si justement Cobra parle un petit peu de ça, et c'est ce qui fait un peu le gratin de Cobra, c'est qu'on est aussi dans l'autodéfense. Et que t'es au-dessus des lois et tu fais un peu ce que tu veux tant que t'arrives justement à faire régner l'ordre, etc. Là, dans le film avec Steven, on est clairement là-dedans. Dire que c'est vraiment le mec se fait sa justice lui-même. Dire qu'il va d'un bout à l'autre de la ville pour trouver les preuves, et si jamais tu lui donnes pas la preuve, même si ça se trouve, tu ne sais rien du tout, il va quand même te tordre le bras jusqu'à ce que tu finisses par avoir le bras pété. Mais au moins, voilà, il sait que tu auras pas menti parce que tu t'auras pété le bras. Mais c'est vrai qu'il est d'une violence, ce film. La scène du bar, quand je l'ai revu, et la scène aussi, donc, de la boucherie, mais le mec, ouais, il défonce tout le monde. Ben, en même temps, ils sont cons parce que même le mec qui tient la boucherie va se battre. Oui, c'est un peu con. À un moment, tu laisses tomber, quoi, tu vois. Il y a quelques mecs qui laissent tomber dans le bar. Hein, c'est marrant, des gars, ils sont là. Après qu'il ait tanné tout le monde, les mecs, oh non, c'est bon, moi, j'ai rien demandé. Parce que les mecs, ils ont compris. Après qu'il y a 10 gars qui se sont fait démonter tous les membres. Oh, Vinny. Salut les hommes. Excusez-moi si je me trompe. Alors, l'inspecteur La Malice, on vient encore me casser les roupettes? Bah oui. C'est un flic, figurez-vous. La brigade des stupes, c'est ça? C'est ça, oui. Je vais vous demander à tous d'être extrêmement gentils et de servir à ce grand mamelouk toutes les conneries qu'il veut entendre. Oh, Vinny, t'es pas raisonnable. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Toi, tu suçais encore ton pouce quand ton frère a commencé à sucer autre chose. Hey. T'es pas encore assez grand pour me parler comme ça. Si mon frangin était là, tu ramènerais moins ta grande gueule. Ben oui, mais il est pas là. Et tu sais pourquoi il est pas là? Pourquoi? Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul. Casse-toi de là. Hé, hey, on parle pas comme ça, mes amis, d'accord? Personne a vu Richie? Et personne sait pourquoi il a tué Bobby Lupo? Et lâche-nous la grappe! Tu nous les casses! Oh, y'a pas grand-chose à casser. Tu te sens plus pissé, hein, Dino? C'est à quel sujet? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je croyais que t'étais un ami de Vito. J'ai des tas d'amis. Ah bah ouais, t'as beaucoup de succès, hein? Eh oui. Et celle-là, c'est qui? C'est ta fiancée? Merde. Mais Dino, dis-le en toi. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Je serais toi, je me couperais la langue, parce qu'un de ces quatre, elle va t'attirer de sérieux emmerdements. Et t'es né où, Pinocchio? À Attica. Hein? Pourquoi? Je savais que t'étais pas de Brooklyn, on est con ici, mais pas à ce point-là. Allez, fous le camp, je te dis. Et tire-toi! C'est marrant, c'est plein de trophées de boxe ici. Tiens, il y a même une paire de gants. Des photos un peu partout. C'est qui le boxeur? Moi. T'es boxeur? Oui. Tu dois être fort. Oui, ça va, je me défends. Ah ouais? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux voir? Ouais. Vinny, je commence à avoir les boules. C'est drôle, je sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à contrôler. C'est peut-être le besoin d'imposer ma volonté, tu vois. Mais en tout cas, j'ai envie que tu dises à tes petits copains de grimper tout de suite sur la table. J'offre 5000 dollars à qui me ramène sa plaque. 5000 dollars. Personne a vu Richie. Et personne sait pourquoi. Mais mine de rien, t'imagines, enfin, là, on est quand même sur un mec qui était un peu au top de son game. On est dans Justice Sauvage et c'est des conseillers au moins de 16 ans. C'est-à-dire que là, maintenant, on a du mal à avoir des blockbusters classés R de nos jours. Là, on a quand même le mec qui est dans un peu du haut niveau, qui commence à avoir des bons cachets pour ses films, qui fait des films 16, qui continue à faire des exécutions directes dans... Parce que à chaque fois, c'est frontal, hein, quand il tue un mec, c'est direct. Tu vois quand il le bute, tu vois quand il lui pète la nuque, tu vois quand il l'envoie au-dessus d'un parking, et que le mec, c'est toujours des morts violentes où il s'empale sur des trucs. Là, c'est quand même étonnant de voir un gars qui cherche à faire sa carrière, et c'est là que tu vois peut-être qu'il voulait faire son truc, et qu'il en avait un petit peu rien à foutre. Je pense pas qu'à l'époque, il en avait rien à foutre, mais en tout cas, il était un minimum impliqué, et il choisissait quand même ses rôles. Là, on a quand même un film ultra violent, quoi. C'est compliqué de se dire que tu pourrais voir un film de Schwarzy dans une série B comme ça où il fracasse tout le monde en frontal, quoi. J'ai du mal à imaginer maintenant, là en 2018, ce genre de film avec une vedette, quoi. Non, je pense que totalement, hein, je veux dire, et même nous qui y serait habitués avec tout ce qu'on a déjà vu, ça nous choquerait un peu. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un film de la Butler-Spotation, le premier Olympus Has Fallen, la chute de la maison blanche. Il y a une paire de mecs qui se font désinguer, et il y en a tellement que, enfin, je veux dire, mais moi ça m'a choqué. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces mecs qui meurent comme ça tout le temps partout? Ouais, puis c'est beaucoup de numérique aussi. Tu vois, c'est un peu ça le truc. C'est t'as moins de, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, le moment où on fait, ça fait mal. Tu l'as plus vraiment. Là, tu le ressens, nuancé, en fait. On va te faire de la violence. Je veux dire, comme dans les Expendables, le premier, où c'est que du sang numérique, alors t'as des mecs qui se font découper en morceaux, mais tu le vois pas vraiment, ça reste... On te dit qu'il y a plein de morts, mais... Ouais, il y a du recul, ouais. Ils mettent de la distance avec la violence. C'est plus aseptisé, alors que... Et je pense que maintenant, enfin, si on voyait des trucs comme ça, déjà, si dans ce genre de film, tu dis, putain, quand même beaucoup de morts, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il y ait autant de mecs qui meurent comme ça, sans raison? Mais alors maintenant, tu nous mettrais ça, bah, ce serait un peu tendu quand même, quoi. Parce que après, je trouve que Deadpool l'a un peu fait, et je pense peut-être aussi c'est aussi par ça qu'il a été... classé aussi comme il a été, et qu'il a peut-être aussi marché, a été un peu plus cru dans la description de la violence, mais on reste quand même très loin, très très loin. Ouais, puis on est quand même beaucoup dans la gaudriole, la chaîne Bastos. C'est désamorcé, c'est derrière par de la blague, par... À part la petite... parce que là, t'as la petite phrase sentencieuse pour encore plus ridiculiser le mec qui meurt, tu sais. Je te rajoute une couche avant que tu crèves, que je t'insulte, et limite, je te crache au visage. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de sec. On a vraiment de la baston qui était quand même assez chorégraphiée, parce qu'il faut quand même enchaîner tous les mecs comme ça. Il y a quand même le savoir-faire, de Seagal là-dedans, c'est qu'on garde quand même la particularité de son style. C'est qu'il enchaîne les mecs, il les balance à gauche, à droite, il leur pète les bras, il les cloue contre les murs et tout. Et c'est vrai que dans ce type de baston, on a de... Alors, il y a eu, et là où moi j'ai déjà parlé, je crois, dans les émissions de John Wick, le premier, où j'ai dit que j'avais pas été trop fan du premier. Là, par contre, le 2, je l'ai vu récemment et j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait une meilleure mise en scène, je trouve, au niveau justement de la violence et du combat, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau combat sec, c'est encore, je trouve, beaucoup trop rare dans le cinéma de maintenant d'avoir des vrais combats mano à mano, vraiment brutaux. Ça a quand même tendance à disparaître. Par contre, je suis très content que tu aies souligné la Butler's Exploitation, parce que je pense vraiment que ce mec, c'est quand même le nouveau Seagal, quoi. C'est, et là, il y a un nouveau film qui sort avec lui, juste, alors peut-être, je crois que ça s'appelle Justice Squad, en plus, ou un truc comme ça, tu vois, voilà, où il a une espèce de vieille coupe, cheveux gras, voilà, contre 50 Cent. Mais ce mec, il est en train d'enchaîner le nawak absolu. Là, j'ai vu son film Geostorm, mais c'est n'importe quoi. C'est Gerard Butler est un spécialiste scientifique qui crée des trucs à base de satellites et tout, mais personne n'y croit une seule seconde. Ce film, c'est même Roland Emmerich qui n'aurait pas osé le faire, tu vois. Il est incroyable, surtout, mais ouais, c'est le gros respect. Tu vas avoir du film de Dwayne Johnson qui va être investi dans le truc, mais tu le sens le second degré, je veux dire, tu le sens de base, ouais. Alors que avec ce pauvre Gérard, c'est très premier degré, quoi. Mais j'ai une grosse tendresse quand même, parce que je crois que j'ai vu le deuxième, London Has Fallen, mais moi le premier, j'ai kiffé parce que même si il y a un gros problème effectivement sur le nombre, le moment de l'attaque de la Maison Blanche, je veux dire, t'as 3 milliards de personnes qui meurent, tu t'en rends même pas forcément compte, il y a pas de vrais impacts et c'est assez dommage. Mais par contre, dans la violence, dans un blockbuster, parce que pour moi on est quand même, alors même c'est du demi de blockbuster, je dirais, vu que c'est un produit The Asylum, mais on a quand même un film qui vise assez large, qui est classé R, où les scènes de mise à mort sont assez hardcore, ouais. Quoi, c'est quand même bien violent et t'as des bonnes bases. Surtout quand on le compare à son faux jumeau. Ouais, je sais plus comment, j'arrive jamais à trouver les noms. C'était La chute de la Maison Blanche. Il y avait une petite différence en français. White House Down en anglais, en américain. Mais on sent que c'est beaucoup plus film d'action, grand public, entre guillemets. Buddy movie, c'est vraiment le buddy movie beaucoup plus classique. Mais l'autre, c'est vraiment. C'est salé quand même. Mais c'est vite parti. Le second, ça part dans le. Too much, quoi. On est dans le Chuck Norris pour moi. Là, vraiment, pour moi, c'est ce qu'aurait pu faire Chuck Norris dans le côté propagande et tout ce que tu veux. Hein, là, c'est avec assez fort. Méchants terroristes, trucs. Là, ils vont dans le deuxième. Je crois qu'on va directement sur du Al-Qaïda ou des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est assez, ouais, c'est assez salé. Hein. Ils sont reculés. Ah non, pas du tout. Ah, non, absolument pas. Non, ils prennent pas le temps d'analyser le truc. C'est vraiment lui, il est là. Il va défendre tout le monde. Il va buter tout le monde. Et même s'il tente une petite phrase pour essayer de dire, ok, on est pas racistes, les mecs, hein, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, c'était le moment Butler's Exploitation, ça valait le coup. Les terroristes, ils arrivent après chez Steven, d'ailleurs. Après, ils arrivent effectivement sur le rip-off de Piège de Cristal, puisqu'on va glisser sur le pinacle de la carrière de Steven Seagal. Donc, il a fait Justice Sauvage, le chef-d'œuvre. Hein, je vous rappelle, regardez Justice Sauvage, parce que franchement, c'est cool. Alors, si vous aimez la justice et que pour vous, il faut passer par les tribunaux, etc., vous allez moins apprécier le film. Hein, si vous n'êtes pas du tout pour l'autodéfense, attention quand même, prenez du recul, hein, respirez un petit coup. Mais si vous aimez vraiment la baston, la série B, les trucs bien violents, voilà, bien crétins quand même, mais bien violents et bien premier degré, Justice Sauvage, c'est quand même assez chouette à regarder. Et on passe à la phase 2 de notre ami Steven, et là c'est la période d'argent. Voilà, c'est le moment où Steven, il va avoir un petit coup de poker, il va retrouver Andrew Davis, et il va jouer dans Piège en haute mer avec Tommy Lee Jones, on a déjà parlé tout à l'heure, mais on va s'écouter une petite bande-annonce. C'était la dernière traversée du plus puissant navire de guerre d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hélicoptère ? Cette jolie petite chérie, Miss Juillet 89. Putain, j'adore ce boulot. L'ambiance était chaude. Elle était même explosive. Imaginez cet arsenal d'armes nucléaires tactiques tombant entre de mauvaises mains. Le Pentagone, lui, ne l'avait pas imaginé. 4 minutes d'avance, je suis salement doué. Maintenant, une équipe de terroristes tenait le navire. Réveillez le président. Seulement, il y avait un petit détail auquel il n'avait pas pensé. Le cuisinier. Lâchez-moi ! Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça ? Non, moi, je suis le cuisinier. On est fichu, on n'a aucune chance. Ça, c'est pas le travail d'un cuisinier. Je veux que vous coordonniez vos efforts avec les nôtres. À vos ordres. Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres. Affirmatif. Ryback est un ancien commando. Il est expert en arts martiaux, en explosifs. Écartez-vous. C'est un tireur d'élite et un tacticien. Je cuisine aussi. Le Nimitz vient de repérer 2 Tomahawks lancés par le Missouri. Dans quelle direction ? Honolulu. Bon voyage. Steven Seagal. On se connaît, non ? Tommy Lee Jones. Ça faisait longtemps. Rendez-vous en enfer, matelot ! Piège en haute mer. Alors pour le pitch, en gros, c'est Steven qui fait de la cuisine dans un gros bateau de l'armée en se la jouant piège de cristal. Est-ce que j'ai bien résumé, Bilou ? Oui, voilà, exactement. C'est Steven, il fait sa soupe, et puis il y a Gary Busey qui vient le faire chier. Il fait de la bouillabaisse. Oui, et Gary Busey vient... Alors Gary Busey, il me fait marrer dans ce film, hein, c'est terrible. Gary Busey, c'est taré. Dans tous ces films, Gary Busey... Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Ah ouais, la scène où il débarque habillé en gonzesse, c'est complètement là. Improbable. Et Tommy Lee Jones, improbable aussi, quoi. Je veux dire, en rockstar, mais allumé, hein, mais cabotine en roue libre. En total, mais c'est incroyable. Il ressemble à, comment il s'appelle, le rocker français, là, le mec qui fait Philippe Manœuvre. De rock. Ouais, Philippe Manœuvre, il a la même gueule que Philippe Manœuvre, il a la même tête tous les deux, c'est un truc... En fait, Philippe Manœuvre, c'est un... Mince, comment on appelle ça déjà ? Un cosplay de Tommy Lee Jones dans Piège en haute mer. Voilà. Donc piège en haute mer, bon, je pense qu'on peut pas mieux le résumer en disant que c'est un peu piège de cristal dans un bateau, puisque donc, vous avez Kazé Ryback qui est... Un cuisinier tout simple, hein, de prime abord. Parce oui, que, voilà, c'est Steven qui fait de la soupe et il est, bien sûr, tout le monde l'apprécie, tout le monde le respecte. Mais bien sûr, il n'aime pas l'autorité. Et donc, il n'aime pas Gary Busey, lui, il n'aime pas non plus, forcément. L'autre, il crache dans la bouillabaisse. Et sauf que, il va y avoir une grosse fête en l'honneur du capitaine, parce que voilà, ils vont enfermer, du coup, Steven dans une cabine où il est sûr de pouvoir foutre la merde. Dans le frigo. Dans le frigo, voilà, exactement, dans le frigo. Et il va y avoir une prise d'otage par Tommy Lee Jones, qui est bien sûr un super soldat, qui a pas du tout le look d'un super soldat, mais qui est un super soldat, il va permettre de prendre. Alors, je sais pas à combien ils débarquent en hélicoptère, mais ils arrivent à prendre tout le bateau. Oui. Absolument tout le bateau est enfermé. Et sauf que Steven, c'est quand même un expert. Voilà, il va sortir de son frigo, on va apprendre que c'est le chouchou du capitaine et que c'est un ancien béret vert ou je sais plus trop quoi, enfin c'est un expert en combat à main nue. Et ça, on va le découvrir, vous savez, en même temps que les fameux moments où il part, où on a les mecs qui vont essayer de sauver la situation à Washington, tu sais, où c'est un bureau avec plein de radars qui tournent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a sur place ? Mais c'est qui ce mec ? Il faut pas bouger, monsieur. Ah bah si, vous allez quand même bouger, on va quand même vous donner notre soutien et tout. C'est toujours des super conversations téléphoniques en champ contre champ, c'est absolument magnifique. Et moi, je l'aime pas trop, en fait. Le piège en haute mer, c'est pas mon préféré. C'est pas nul, hein. Mais au niveau blockbuster, en fait, je trouve que ça va pas à Steven, ce genre de truc. C'est justement ce pourquoi. Alors, c'est celui qui a le plus marché de l'époque. On va dire que le meilleur en tant que film, donc c'était le précédent, et celui qui a le plus marché, c'est lui. Parce qu'il respecte le plus les codes du blockbuster de l'époque. Avec les méchants très nombreux, en surnombre, et puis il faut se débrouiller. Voilà, du piège de cristal, quoi. Vraiment, on est vraiment dans le piège de cristal. On l'a assez dit, c'est vraiment un rip-off complet, quoi. Mais ça marche parce que aussi c'est l'époque aussi, à mon avis, qui fait que ça a marché. Mais c'est vrai que c'est un peu plan-plan. Alors moi, je l'aime bien parce que voir Steven faire la cuisine avec sa toque de cuisinier, ça m'éclate. voir Tommy Lee Jones caboter à 3 millions de %. C'est terrible, mais sinon c'est vrai que c'est plan-plan, quoi, je trouve. En plus, ce qui est étonnant, enfin, c'est là où on voit aussi un petit peu les limites d'Andrew Davis, qui est un bon faiseur, mais qui est pas non plus un grand réalisateur. Mais c'est vrai que le film a quand même rapporté 160 millions de dollars dans le monde, donc c'est vraiment le carton de Steven Seagal et qui l'a imposé en tant que star dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir sa carrière aussi rapidement baisser, parce qu'on va le voir juste après, mais il a pas vraiment su rebondir pour moi. Après un film comme Piège déjà en haute mer. Et donc Andrew Davis, qui avait fait son premier film, bah du coup c'est un peu son porte-bonheur, c'est-à-dire qu'en deux fois il va réussir à l'imposer, première fois dans le cinéma et une deuxième fois il va l'imposer vraiment dans le côté star hollywoodienne. Mais le film, je sais pas, il y a un budget de 35 millions de dollars, mais même si on voit des bateaux et tout, je trouve pas forcément que, alors il y a quand même des hélicoptères qui pètent, il y a quand même des trucs comme ça, il y a quand même des, vraiment le, comme tu dis, on est un peu plus dans le code du gros blockbuster, c'est-à-dire qu'on a l'attaque du bâtiment, on a du monde, il y a beaucoup de figurants, il y a des explosions, il y a beaucoup plus de séquences avec des mitraillettes, des armes à feu, des choses comme ça. On a plus de fusillades, il y a plus de moyens, mais c'est vrai qu'au final, moi je retiens quand même beaucoup moins de choses, mais justement je retiens plus les conneries du film, parce qu'ils tentent de faire un petit peu plus grand public avec beaucoup plus de vannes et tout, mais on reste quand même dans l'ultra-violence à la Steven avec le coup de couteau dans le crâne et tout de Tommy Lee Jones, mais je trouve que ça a un peu le cul entre deux chaises, et je trouve vraiment que Steven, ça lui va pas ce genre de rôle, et même si alors il va rebondir beaucoup trop tard sur le personnage de Casey Ryback, parce que justement il va pas réussir à rebondir après ce film là, mais il y a pas mal de trucs dans ce film qui m'embêtent, où il y a des fois des petits coups de mou, je trouve que l'humour est mal utilisé, c'est très mal écrit, il y a des personnages vraiment très nuls comme la Playmate. Je trouve qu'elle est nulle. C'est cochon, costondichon, déjà, ça commence déjà. Ah ouais, le truc obligatoire, genre, elle est obligée d'être montrée ses seins. Enfin, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, à l'époque, quoi, ça pouvait se faire assez facilement. Mais il y a vraiment des personnages assez nuls. Il y a un des persos, d'ailleurs, genre, bien sûr, j'ai pas le nom, parce que le blond, comme ça, une espèce de cuistot qui devient un petit peu héroïque, qui arrête pas d'essayer de mater, justement, la planète. Mais il jouait Ken dans Street Fighter, je voulais le dire. D'accord. Voilà, comme quoi, sa carrière est vraiment naze. Pas de bol. Mais ouais, moi, ouais, il y en a des pires, il a réussi moins bien que Steven. Donc c'était quand même assez triste. Mais ouais, ce film, j'en garde pas un méga bon souvenir au final. Est-ce que t'as des choses, toi, à dire sur le succès de Steven Seagal? Non, pas beaucoup plus. Hein. C'est un peu pareil que toi. Ça se regarde, c'est assez efficace, mais c'est pas. On a du mal à comprendre maintenant pourquoi il a autant marché. Mais voilà, faut pas chercher midi à 14h. C'est parce que c'était le style, parce que il y a eu le succès Piège de cristal, tout ça avant, parce que c'était le genre et que. Il était bien marketé aussi. Oui, hein, c'était une grosse sortie. C'était bien vendu, tout ça. C'était le blockbuster de l'année, action, tout ça. Et voilà, je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça au final, parce que c'est vrai que c'est. Il n'y a pas vraiment de qualité qui ressorte. Non. Pas plus. Enfin, mais voilà. Au niveau réel, il n'y a pas de trucs qui ressortent. C'est plan, voilà, même le... Il n'y a pas d'effort monumental, quoi. Non, parce que même au niveau du personnage de Casey Ryback, je veux dire, c'est. Alors, il y a le coup de l'ancien cuistot. Tu t'y crois ou tu n'y crois pas. Mais c'est. Voilà, il y a. Le personnage de Steven Seagal est le même que d'habitude. C'est-à-dire qu'on est déjà vraiment dans l'archétype, encore une fois. Il fait toujours la gueule. Il n'aime pas l'autorité. Il est violent. Il sait tout faire. C'est quand même le roi. Hein, je veux dire, il sait absolument tout faire. Il fabrique des bombes, il met deux trois petits liquides comme ça par-ci par-là, avec le micro-ondes, la moitié du bateau, ouais, avec le micro-ondes. Et qui fait la bouillabaisse. Et il sait faire la bouillabaisse, quand t'as Gary Busey qui crache dedans, c'est une très très belle scène. Et bien sûr, il ose mettre un nion dans la gueule de Gary Busey, qui est son supérieur hiérarchique, hein, de toute façon, donc il en a rien à secouer. Mais lui, c'est tout d'avance, c'est-à-dire que même enfermé dans son frigo, il sait qu'il se passe un truc, alors que le petit soldat, il est complètement débile, et il va finir par sauver tout le monde, forcément, quoi. Mais ouais, je regarde pas un super bon souvenir, moi, de ce piège en haute mer. Alors vous, camarades auditeurs, si vous avez des préférences, parce qu'on va commencer à dégringoler, tout doucement. Donc si dans les premiers films de Steven Seagal, vous avez un top à faire, le top à Steven, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez qu'on est un petit peu dur avec Piège en haute mer, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et parce que là, on va glisser tout doucement vers d'autres choses, et notamment justement sur le film, le film de cœur de Steven, hein, celui qu'il voulait vraiment faire. Mais par contre, t'as quand même quelques anecdotes. À pied, piège en haute mer, Steven a fait des choix de carrière un peu étonnants. Mais il faut nous en parler un petit peu. Oui, parce qu'en 93, Steven, il aurait pu faire Demolition Man. J'adore Demolition Man. Je sais pas si on l'a déjà dit dans l'émission, mais j'adore oui, Demolition c'est, Man. Oui, c'est un de mes péchés mignons, Demolition Man, c'est savoureux. En VF, toujours. Ah ouais, la VF, elle est tellement formidable. C'est extraordinaire. Mais oui, voilà. Alors bon, j'aurais tendance à dire que c'était pas plus mal pour nous. Oui. Parce qu'au final, il aurait pas été bon, je pense. Non, parce qu'il y a une telle dérision du personnage que j'imagine mal Steven se moquer de lui-même comme ça. On aurait été impossible. Oui, trop, avec ça, avec son acting de mode expressif, je le vois pas. C'est... Bah déjà, il est pas expressif, puis bon, au niveau autodérision, c'est impossible. Mmh. En tout cas, c'était un des premiers choix au départ, comme idée d'acteur pour le rôle, avec notre ami Jean-Claude encore. Notre ami Jean-Claude était aussi, envisagé. Après, le problème avec ces films, c'est que t'as du mal maintenant à imaginer quelqu'un d'autre que Stallone dedans, tu vois. Même Jean-Claude, je sais pas si à cette époque-là, il aurait été assez bon pour le faire. Je suis pas sûr. Disons que Jean-Claude, il fallait le retrouver dans les nuages, dans sa montagne de coke. Ouais, les coco, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai que je pense que ça aurait été un peu tôt pour Jean-Claude. Peut-être un peu plus tard et tout, il y aurait pu, mais bon, finalement, voilà, on a eu ce qu'on a eu, il était très bien. Hein. Mais Steven, pas du tout. En tout cas, en tout cas, ça n'aurait pas du tout été le même film. Ça aurait été bien plus. Je pense qu'il aurait refait à sa sauce. Il aurait fait un truc très sérieux où il cassait des bras tout le monde au final. Dans le futur, voilà, justement, en faisant du tricot. Mais non, au final, c'est pas plus mal. En 94, Steven, il aurait pu faire L'Expert aussi. Donc L'Expert, qu'on rappelle, un film encore une fois avec Stallone. Décidément, on se demande pourquoi c'est pas avec Stallone qu'il a un problème et pas. Avec Jean-Claude. Donc un film avec Stallone et Sharon Stone. Encore une fois, donc il aurait retrouvé Sharon Stone. Où Stallone joue un ancien, justement. Là, je trouve que par contre, dans ce film, il y a des codes, il y a les codes Steven. Donc ancien militaire qui n'a pas voulu obéir aux ordres, n'a pas voulu tuer des innocents, et qui donc ensuite part faire sa petite carrière à côté d'assassin à embaucher, qui correspond totalement à la vie de Steven Seagal, évidemment, bien sûr. C'est vrai, c'est presque tout voilà, selon sa biographie officielle 100% véridique. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu imaginer Steven là-dedans. Mais par contre, il n'y a pas un moment où Stallone s'est dit putain, je prends quand même deux rôles que Steven a refusé, quoi. C'est là que tu vois qu'il était à une époque Stallone où il était plus non plus au top, c'est-à-dire qu'il d'abord il demande à Steven Seagal, et ensuite. C'est Stallone qui y va. Enfin, merde, quoi. Moi, j'aurais été vexé, quoi. Ouais, mais je pense que les films n'auraient pas été les mêmes. À mon avis, ils ont dû être travaillés ensuite, une fois que Steven a dit non. Et en plus, L'Expert, normalement, Steven a été proposé aussi pour réaliser. Ce qui m'étonne assez, mais apparemment, ce serait le cas. Steven, qui n'a jamais... Si. Ah si, j'ai dit une connerie. Bah oui, il y a le suivant. Génial, il n'a jamais réalisé. Bah oui. Il n'en a fait qu'un. Mais si, justement. En fait, je pense qu'il a refusé tout ça. Mais je pense, oui. Parce que il avait dans la tête son film à lui, sa femme. Voilà, sa femme. Son monument, ce qui lui tient le plus à cœur. Il voulait parler de la nature. Voilà. Alors, je dis... Il avait 50 millions de dollars. De quoi tu veux nous parler, Steven? D'écologie. Ah bon? Et bien sûr. C'est-à-dire que là, à un moment, Steven, on te casse à la porte, écoute, tu veux pas faire L'Expert? D'accord. Tu veux passer à autre chose. Tu en as marre des films d'action, Steven. Tu as envie de livrer un message au peuple. Tu as envie de dire à l'humanité qu'il faut faire attention. Qu'il faut préserver la faune et la flore. Il faut faire attention à l'herbe, à l'air qu'on respire. Et donc, pour faire ça, on lui donne 50 millions de dollars et Malcolm Kane. Et il fait quoi, Steven? Il fait péter la banquise. Mais parce qu'il faut la sauver, mais il faut quand même tout faire péter avant de la sauver, quand même. Je sais pas où il met les pieds. T'es un homme? Si je suis un homme, ouais, je suis un homme. J'ai une grosse paire de couilles entre les jambes, ouais. Tu t'en es servi pour taper ce pauvre Esquimau? T'as des couilles, d'accord? Tu veux jouer un petit jeu? On va jouer à la main chaude. Il y aura un seul vainqueur. Je rate, tu me cognes. Tu rates, c'est moi qui te cogne. Très bien. Je joue à ton jeu. Mais après, tu joues à mon jeu. Je jouerai à ton jeu si après je suis encore debout, d'accord? On sait jamais, tu sais. Vu que t'es un dur, un homme, et que t'en as une grosse paire. D'accord. N'abîme pas, Forrest. Bon, alors. Prêt, monsieur Grosse Couille? Je suis prêt. D'accord. Sois plus rapide, plus rapide. C'est à toi de cogner, alors vas-y, mets le paquet, mon pote. Hé, hey, relève-toi, allez. Mais relève-toi, t'as pas de couille, allez. Lui, c'est un homme, un vrai. Et moi, je suis une chochotte. On remet ça, un seul vainqueur. T'es un homme, hein? Un vrai. Alors, on y va. Terminé, on a passé un extrait tout à l'heure pour ouvrir l'émission. Un film écrit, produit, réalisé et interprété par Steven Seagal, aka Steven sauve la banquise, en la faisant fondre complètement, parce que Steven, il en a marre des méchants qui veulent tout péter, qui veulent détruire la planète et la nature, il en a marre du pétrole. Alors dans ce cas, ce qu'il va faire, eh ben, c'est péter la gueule de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise pétrolière du coin, au point même de taper des petits vieux. C'est-à-dire qu'il y a une scène de baston à un moment dans un bar où tout le monde y passe, c'est-à-dire des vieux, des mecs qui sont là, il leur met des croquettes, il les défonce, et encore une fois, pour la banquise. Steven, pour la banquise, il est prêt à tout. Voilà, pour tous les petits animaux. Il s'est même fait Dr. Cox quand même. Il s'est même fait Dr. Cox. John ouais. C. McKinley, qui moi j'adore. Mais dans ce film, je l'adore. Avec son sourire carnassier, ses petites bouclettes et tout. Il est terrible. Donc j'en dis Dr. Cox, c'est bien évidemment le Dr. Cox de Scrubs. Dans ce film, moi, il me fait délirer comme homme de main. C'est l'homme de main du méchant. Parce que Michael Caine, évidemment, il va pas aller faire les boulinets avec Steven. Oh, puis il est mauvais, Michael Caine, dedans. C'est vraiment l'époque où il faisait Les Dents de la Mer 4, il faisait vraiment toutes ces merdes comme ça. Et c'est encore un des rares, maintenant, qui partage un petit peu, l'affiche avec Steven, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Steven, c'est que Steven, donc c'est rare qu'il y ait vraiment des vedettes avec lui. Sauf que là, il fait un petit peu... il se dit, tiens, je vais prendre un mec qui va donner du cachet à son film. C'est-à-dire que je vais faire mon film à moi, mais il faut qu'il y ait un mec qui valide un petit peu tout ça. C'est ça, il faut un petit peu de respect pour mon film, pour la cause. Voilà, pour la cause, et ça coûte 50 millions de dollars. La Warner lui donne 50 millions et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, ils se sont dit, écoute Steven, c'est un peu nul quand même, ou il y a un petit souci et tout. Non, il donne 50 millions de dollars à Steven Seagal, qui a quand même fait que un vrai succès. Et lui, il y va à fond les ballons. Alors tu m'as retrouvé une anecdote comme quoi il avait prévu, parce qu'il y a un monologue à la fin. Son monologue de Terre Animée. Il est extrêmement connu, évidemment. Et il devait faire 14 minutes au départ. Et la Warner a réussi à le faire réduire à 4. Déjà 4 minutes, tu dis quand même, Steven, à la fin, il cause pendant quasi 4 minutes, c'est déjà bien long. Avec des incrustes, c'est un beau message, hein. Avec des incrustes de la banquise, des incrustes des Inuits, des bébés phoques et compagnie. Et tu dis déjà, putain, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la fin du film, tu comprends pas. Le mec, on dirait un clip de Michael Jackson. C'est, ça, en fait. C'est l'époque, hein. C'est totalement. We are the world. Exactement, c'est ça, quoi. Et tu dis, mais attends, Steven, t'as tué tout le monde. T'as tout fait exploser et à la fin, tu nous expliques qu'il faut sauver l'environnement. Alors après, je pense vraiment qu'il avait de bonnes intentions. Steven, des fois, a l'impression que c'est un peu un grand enfant, là, dans ce truc-là. Mais complètement naïf, un peu, sur le truc. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un côté, schizophrène dans ce truc-là. C'est-à-dire que, soit il se dit vraiment les gens sont tellement teubés, et il a pas forcément tort. C'est-à-dire que pour donner un message comme ça sur la nature, sur l'écologie et tout ça, il est obligé de faire péter quand même la banquise. C'est-à-dire qu'il est quand même obligé de brûler des hectolitres de pétrole et de détruire l'atmosphère et tout ce que tu veux en cassant des bras, en tuant tout le monde. Mais à côté de ça, il met un message à la fin de 4 minutes sur la paix, sur la paix dans le monde, sur attention, évitez de jeter vos papiers par terre. Il y a un côté un peu schizo et c'est tout l'ambivalence de Steven Seagal, je trouve. Et tout est là-dedans. C'est-à-dire que là, il a pris son jeu d'acteur maximum. Plus ses causes. C'est vraiment. Tu sens qu'il a voulu y mettre toutes ses tripes et tout. Et ça n'a pas été très combien récompensé, hein, quand même. Parce que tout, hein, je crois que tout. Il a été nominé pour plus mauvais acteur, plus mauvais directeur, enfin réalisateur, pire film, pire scénario. En plus, pire acteur, tu te dis pourquoi celui-là. Pourquoi celui-là? Ouais, juste parce qu'ils ont voulu faire un tiers groupé, hein. D'ailleurs, il a été nominé pour tout, et le seul truc qu'il a gagné, c'est peut-être un seul truc qu'il a gagné de sa carrière, c'est l'award de plus mauvais réalisateur. Ouais, en même temps, faut dire, c'est un petit peu mérité, quoi. Ce qui est assez choquant, c'est que on est au moment où normalement tout devrait lui réussir. C'est-à-dire qu'au moment où il a fait Piège en haute mer, il devrait enchaîner les gros films d'action, les trucs vraiment pour asseoir tout ça. Et lui, comme c'est Steven, il dit « Chie dedans, je m'en fous, ils m'ont donné 50 millions, donc il lui avait déjà proposé un film, il a dit non, je veux faire mon truc, j'ai écrit une super histoire, je vais tout casser, la nature c'est pas bien et tout, je fais bien l'accent, je sais pas pourquoi je fais l'accent américain de merde, c'est un peu comme la World Company dans les guignols de l'info, et il détruit presque sa carrière avec ça, parce que les gens vont pas suivre du tout, le film va être un échec. Box-office, moins de 40 millions, alors qu'il en a coûté 50, ouais. Quoi. C'est ça. Et il y a plein de scènes improbables dans ce film. Il y a une séquence où il ridiculise un gros beauf, parce que le film est hyper vulgaire en plus. Hein. C'est-à-dire, s'il compte expliquer ça aux enfants, le film est d'une vulgarité incroyable, et t'as un gros beauf comme ça qui fait le malin dans un bar, et t'as Steven qui dit, écoute, c'est toi le plus fort. Bien sûr, il parle de chochotte, hein, parce que bien sûr, tant qu'à faire aussi des trucs pour ridiculiser les gens, il dit voilà, moi je suis pas une fiotte et tout. Il dit vas-y, viens, on joue un jeu. Le plus rapide, il tape dans le bide de l'autre et il le défonce, il l'humilie devant tout le monde. Enfin voilà, c'est rempli de scènes comme ça où il fait, bien sûr, où Steven est forcément le meilleur de tous, et des scènes de baston contre tout le monde. Enfin, il décide vraiment de faire encore une fois justice lui-même pour l'écologie, encore une fois, donc pour une noble cause, mais il se permet quand même de faire toutes les pires saloperies à tout le monde parce qu'il a le droit, parce que son message est bon, et donc il se permet de défoncer absolument tout le monde. Voilà. Et c'est fou de savoir qu'il y a peut-être 14 minutes. Tu sais, un truc à la 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais, où il fait son trip. Quand on réfléchit quand même, pour se rendre compte un peu quand même, le casting est pas, dans un sens, c'est pas dégueulasse, parce que bon, on dit bon, Steven, Michael Caine, John McKinley. Plutôt pas mal, même s'il a pas fait des trucs absolument énormes, mais c'est pas un mauvais acteur. Ouais, mais c'est un bon second couteau. Il y a Billy Bob Thornton aussi qui joue dedans. Oui, exactement. Bref, il y a plein de gens, d'acteurs qui sont pas forcément ultra, enfin c'est pas des ultra stars, mais qui font quand même le taf. Quand t'as un scénar de merde, des dialogues mal écrits, mais c'est nul. Enfin, c'est mal. On se dit quand même que le budget est pas dégueulasse. Basil Polidori, c'est la musique. Quand même, Basil Polidori, je le rappelle, oui, musique Robocop, plein de trucs. Enfin voilà, c'est un des grands pontes de la musique de l'époque. Et malgré ça, non, ça veut pas. Donc faut quand même se dire, à un moment, qui c'est qui fait le scénario, qui c'est qui réalise. Bon, même si la réalisation, je veux dire, après, enfin pour moi, elle change pas vraiment du film un peu basique. Voilà, je veux dire, c'est pas forcément mauvais. Oui, c'est du plan-plan, ouais, il n'y a pas des grands mouvements de caméra, voilà, c'est plan-plan, je veux dire, les bastons, forcément, je pense même pas que c'est lui qui les a forcément réalisés, donc je pense qu'il y a des trucs, parce qu'il y a souvent, quand t'as des mecs qui font soi-disant leur film, je suis sûr qu'il y a des gens à côté qui doivent bien leur donner un bon coup de main. Oui, parce qu'après, il y en a beaucoup qui disent, c'est quand même très dur d'être en même temps devant, surtout bien quand sûr, tu es le rôle principal, ouais. Et que, comme Steven, tu dois avoir à l'époque, 90% du temps de présence, donc c'est vrai que il y en a beaucoup qui disent, c'est vraiment très compliqué, ils ont un assistant qui est toujours là, bon, voilà. Mais, on se dit que le premier truc qu'il réalise, sa première réalisation, c'est un film où il joue en même temps dedans. J'ai dit, putain, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, il fait tout. Le mec, il se fait son premier film, il se met tous les bâtons. Donc c'est vraiment. Tout faire, je pense que c'est un échec à mettre beaucoup à son crédit. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas non plus. Ah, bah oui, c'est la sortie du cul. Hein. Clairement, c'est pas à cause de Michael Caine que le film il est mauvais. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Le film il est mauvais. Il est mauvais à cause de Steven parce qu'il a un melon gargantuesque. Et c'est là où je commençais à en parler tout à l'heure, c'est que là où tu vois le côté bizarre du personnage, c'est qu'il souvent il met en avant son côté philanthrope, ouais. Tu vois, où il veut aider les enfants, il veut aider la banquise, il veut sauver les peuples opprimés, etc. Mais en même temps, il le fait en tuant tout le monde. Donc c'est un peu particulier et en plus comme il est vraiment sa carrière est jalonnée quand même de moments où on dit que c'est quand même pas un mec super gentil. Tu dis c'est quand même bizarre que le mec veut se donner une image, mais que forcément derrière c'est t'as du mal à y croire. Je sais plus quel peuple il veut sauver dans Terre Aminée, mais je crois ils sont pareil, il est habillé comme eux, enfin tu vois, c'est vraiment genre je suis le fils de la planète, tu vois, je suis le fils du monde, j'aime tout le monde et voilà, je suis là pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais merde, t'es Steven Seagal, mec. Enfin, tu vois la gueule de ton film et de ce que tu mets en avant, c'est quand même improbable, quoi. C'est impossible que tu sois pris au sérieux en faisant un film pareil. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On va s'écouter un extrait du film, parce que ça vaut le coup, quand même. Et puis, on va tout doucement, mais alors vraiment tout doucement, aller dans. On va dire de pire en pire. Dans les tréfonds, je pense. On va commencer à glisser. Ouais, juste doucement, là. Dans le fond du fond, allez. Donc, profitez bien de ce petit passage et on va descendre dans les bacs à DTV à très très grande vitesse. J'aimerais tout d'abord remercier tous les frères et sœurs qui sont venus ici aujourd'hui représenter cette cause. Monsieur Itok et le Conseil Tribal m'ont demandé de vous parler, ainsi qu'à la presse, des injustices commises contre nous par des grandes entreprises et des fonctionnaires du gouvernement. Combien d'entre vous ont entendu parler des moteurs alternatifs, qui marchent à l'alcool, à l'eau et aux déchets recyclés? Des carburateurs qui peuvent faire des centaines de kilomètres avec 3 ou 4 litres d'essence. Des moteurs électriques ou magnétiques qui peuvent tourner indéfiniment. Vous ne les connaissez pas parce que s'ils venaient à être utilisés, les compagnies pétrolières ne feraient plus d'affaires. Le principe du moteur à explosion est périmé depuis plus de 50 ans. Mais à cause des cartels pétroliers et d'une réglementation malhonnête, nous sommes obligés partout dans le monde d'utiliser de l'essence depuis plus d'un siècle. Ces grandes entreprises sont les premières responsables de la pollution de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons et de la nourriture que nous mangeons. Elles ne se soucient pas du monde qu'elles détruisent, mais seulement de l'argent qu'elles gagnent en le détruisant. Combien de marées noires pourrons-nous supporter ? Des millions et des millions de tonnes de pétrole détruisent les océans et les nombreuses formes de vie qui s'y développent. Parmi elles, il y a le plancton, qui fournit 60 à 90% de l'oxygène de la Terre. C'est sur lui que repose tout l'écosystème marin qui forme la base des ressources alimentaires de notre planète. Mais le plancton est en train de disparaître. Je me suis dit, allons nous installer dans un autre pays, quelque part dans le monde. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ces gens se débarrassaient de leurs déchets toxiques dans le monde entier. Ils contrôlent la législation et en fait, ils contrôlent la loi. La loi dit, aucune société ne peut être condamnée à une amende supérieure à 25 000 $ par jour. Si une société gagne 10 millions de dollars par jour en déversant des poisons mortels dans l'océan, il n'y a aucune raison qu'elle cesse ses pratiques. Ils influencent les médias, comme ça ils contrôlent notre esprit. À leurs yeux, c'est un crime de manifester pour se défendre. Et quand nous le faisons, on nous traite d'idiots et on se moque de nous. Nous sommes en colère parce que nous sommes atteints sur le plan génétique et biologique. Et nous n'en sommes même pas conscients. Malheureusement, cela affectera nos enfants. Quand nous allons travailler tous les jours, nous voyons juste sous notre nez des gaz nocifs s'échapper de notre voiture et de la voiture qui est devant. Ces poisons s'accumulent petit à petit dans notre organisme et nous tuent lentement, même si nous n'en voyons pas les effets. Combien d'entre nous auraient cru, il y a 20 ans, que certains jours, nous ne pourrions pas voir à 15 mètres devant nous ? Que nous ne pourrions pas respirer à fond tant l'air serait chargé de gaz nocifs ? Que nous ne pourrions pas boire l'eau du robinet et que nous serions forcés d'acheter de l'eau en bouteille. Allez, très rapidement, on va enchaîner sur Piège à grande vitesse. Donc là, je pense tout simplement que Steven s'est dit « Mince, j'ai fait un bide. » C'est moche. Et ce qui a cartonné, bah, c'est Piège en haute mer. Et je vais tenter de faire un retour avec le perso à la John McClane. Sauf que bah moi, je trouve ce film vraiment pas bon. Ouais, c'est encore plus plan-plan codé que le premier, quoi. C'est laid. Il y a le blague qui c'est d'une laideur. C'est blague. Ah ouais, ah non, le blague comique de service. C'est... Oh là là, la catastrophe. C'est... Il est nul et il te saoule vraiment tout le long. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a... En plus, t'as le méchant, espèce de savant fou, vraiment complètement taré, qui passe son temps à faire « Ah là là, attention, oh là là, je suis exubérant, je suis un méchant. » Ouais, le blond frisé, là, tu sais, le « Ah là là, je suis très méchant, et je vais faire... » Et non, l'homme de main, bah lui, il est impassible. Genre, voilà, c'est l'homme de main, il a 2-3, il est un petit peu fier, il va affronter Steven, et bien sûr, Steven n'a aucune... Il va lui péter la gueule, tout simplement. Je suis imbattable dans cette position. Et donc... Oh, il y a la petite phrase. Je pense que c'est beaucoup juste pour ça, je pense. Mais c'est. Alors, déjà, Steven est déjà plus gros, ça se voit. Puisqu'il porte directement. Bah là, il a toujours le blouson assez large. Et c'est rare qu'on voit autre chose que lui en blouson avec un col roulé. Donc, il est dans un train. Alors, j'avais vu une vidéo où justement on nous parle un petit peu de ce film là. Je sais plus qui l'a fait cette vidéo. Donc, je vais pas m'enliser là-dedans. Mais c'est assez pertinent parce que le film est quand même super con. À quel moment tu décides de mettre... non, je crois que c'est dans la chronique de Nanarland, où il parle du film, où c'est quand même très très con de déplacer un espèce d'engin hyper dangereux dans un train. Dire que c'est hyper bordélique pour attaquer le train. Vraiment, si t'as envie de te faire chier quand même, si t'es terroriste et que tu veux trouver plus chiant que ce plan-là, bah, je pense que c'est, tu peux pas trouver pire. À part un avion en plein vol, où tu peux essayer d'arriver, essayer de mettre ton truc à exécution, mais c'est quand même n'importe quoi. Et bien sûr, il tombe sur le seul train où il y a Steven Seagal. Mais tout le temps. Il va vouloir défendre Catherine et Neil. Ah, lui, toujours. Ouais. Oh, un bateau. Oh, Steven. Un train. Oh, Steven. Oh, merde, Steven. Oh, une vie perdue au milieu de la cambrousse. Oh, merde, Steven, putain. Alors, attends, je vais réserver un vol Kaiser Ibac. Non, pas celui-là. On va aller prendre quelqu'un d'autre. Et le film est réalisé par Josh Murphy, qui sera le réalisateur de Fortress 2. Wow, quel grand talent. Mais moi, ce qui m'a scotché en le voyant, c'est que c'est d'une laideur. Les incrustations. À un moment, t'as Steven qui est en dehors du train. Oh mon dieu! Oui. où tu vois le fond. Oh là là là là. Je pense que même la génération derrière, ça passait mieux avec l'écran derrière. Ah non, mais c'est vraiment super. Même les effets spéciaux et... de se disant de l'art spécial, machin et tout. Tu sens qu'on est dans le pire du ce que les années 90 sont le pire, quoi. C'était vraiment l'époque crade des années 90, les effets spéciaux de l'époque qui vissent mal, quoi. Les incrustations d'extérieur, quand ils sont sur un truc qui bouge... Non, mais ils sont mis tous les trucs les plus compliqués dans ce film-là, ils se le sont mis, parce qu'en plus, tu vois quand même qu'il y a un moins gros budget que pour l'autre. C'est super. On est quand même du 45 millions, moi, un peu moins que pour son précédent. Mais après, ils ont dû s'en mettre plein les poches. Moins de gros acteurs. Hein. Je pense que Steven s'est dit les gros acteurs, mais non, ça sert à rien. Sûrement qu'il s'est dit que c'était la faute à Michael Caine, que le film précédent avait foiré. Et toujours Basil Poliédoris encore. Ouais, puis t'as du remplissage. Enfin, t'as les passages où on parlait tout à l'heure avec les mecs qui s'occupent de la mission en extérieur et qui doivent justement chapeauter tout ça, les mecs du Pentagone et tout le bordel. T'as plein de moments où tu les vois dans des bureaux à rien foutre. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, ouais, moi, je trouve vraiment que le film est pas excellent. Ça reste une série B qui se laisse regarder comme ça un petit peu à distance avec ton téléphone dans la main où t'as vraiment que ça à foutre, ou si tu révises une émission. Voilà. Et honnêtement, en piège à grande vitesse, c'est un film qui a énormément vieilli. Je trouve vraiment, vraiment pas ça chouette, quoi. Enfin, c'est déjà pas terrible, terrible, piège à grande vitesse. T'as un truc à rajouter. Bah, bizarrement, en fait, il a plutôt bien marché à l'époque, hein, quand il est sorti. Ouais. Voilà, les critiques n'ont pas été trop mauvaises avec. C'était pas. C'est fou. Voilà, hein. Je veux dire, le film, il a rapporté quasiment 105 millions. Ouais, sur un budget de 45, le double, bon, c'est quand même pas mal. Après, je pense que ça s'est quand même pas mal fait sur le nom et sur le succès du précédent. Mais voilà, pour moi, on commence à dériver dans le LOL, quoi. Vraiment, le LOL de la carrière de Steven, c'est... Ouais, tu sens qu'il l'a vraiment fait pour les mauvaises raisons. Donc, clairement, là, c'est vraiment pour l'argent et parce que l'autre avait fait un bide. Ça au deuxième degré. Là, on est au deuxième. Après, on va venir au 245e, mais là, faut prendre ça au second degré, donc... Ouais, voilà, ça peut être un peu marrant avec un pote et tout, tu regardes, bon. Mais. Ouais, une petite série B d'action, voilà. Du dimanche soir plus vieux. Et puis, en plus, avec cette pauvre Catherine, là, qui a un épisode assez perturbant avec David Steven. Ouais, ça, on en reviendra un petit peu à la fin de l'émission, où on dirait que le saumon frétille un peu trop. Trop tôt, le saumon aime frétille, un petit peu trop tôt. Alors, notre ami Steven va... Alors, un film que je trouve, par contre, plutôt correct. On parle vite fait d'Ultime Décision, avant de parler de L'Ombre Blanche. L'Ultime Décision, ils sont sortis un peu la même année, donc je ne sais pas qui est sorti avant en même temps, qui, mais... Alors, comme il est noté avant, L'Ultime Décision, donc, où le vrai héros du film, c'est Kurt Russell, parce que de toute façon, Kurt Russell, voilà, c'est la classe, de toute façon. Lui, il avait réussi à gérer sa carrière, par contre, Kurt Russell. Et donc, dedans, Steven meurt. Très vite, dès le début, première partie du film. Très vite. Steven se sacrifie pour la mission, et Steven meurt. Incroyable, quand même. C'est un bon petit film, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ouais, ça... Voilà, petit polar sympa. Il y a aussi Halle Berry dedans. Voilà, c'est un petit film plutôt rigolo, mais donc c'est pas non plus un indispensable ni de Steven ni de Kurt Russell. Mais si vous avez du temps à tuer, pourquoi pas. Dans un monde énigmatique, on l'appelait l'Ombre Blanche. Au plus profond de la nuit, passait une ombre. Maintenant, l'inspecteur Cole recommence à zéro. Pourquoi tu es venu ? Il n'y avait plus assez de tarés psychopathes à New York ? Mais son passé est revenu. Pour le faire accuser de meurtre. Ça va faire mal, ça. Savez-vous pourquoi vos empreintes étaient sur le corps ? Non. Tu as un rideau de fumée autour de toi, mon vieux. Je commence à avoir des doutes. Il a promis de prouver son innocence. Toutes les preuves que j'ai sont des preuves contre toi. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est eux qui sont venus à moi. Il a juré de protéger sa famille. Jack ! Monte avec les enfants. Mais cette fois... L'action passe avant les paroles. Je n'aime pas qu'on me menace. J'ai horreur de ça. Tu comprends ? On ne me menace pas, moi. Si c'est ça ton meilleur coup, il va falloir que je te tue. Steven Seagal, Kenan Ivory Wyatt. L'ombre blanche. L'ombre blanche. de John Gray, alors qui a pas non plus fait une carrière incroyable. Alors c'était une sorte de film de serial killer. C'est un film un petit peu. C'est un mix un peu. Hein. Voilà. Et pour moi, il y a beaucoup de Steven dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même du combat, il y a quand même du bras cassé, etc. Mais on est dans une volonté. Alors dedans, il est mis en avant comme quelqu'un de très pacifiste, hein, parce que c'est ça qui est quand même assez excellent. C'est que c'est le mec, il est, ouais, il le met en avant vraiment comme un mec qui maîtrise, voilà, le truc chinois, il est zen, il est habillé, comme ça, que c'est, tu sais, le petit tour de cou en petit billet, comme ça, pour se déstresser. Tout le temps autour de son cou. Et donc on est dans le buddy movie. Ouais, enfin. Un petit peu. Ouais, un peu, ouais. Disons, on a le côté buddy movie, perso qui s'entendent pas, mais qui sont obligés de travailler ensemble. Mais on n'a pas tant d'humour que ça. On n'est pas vraiment dans le fun. Même si donc on est avec un des frères Wayans dedans, qui joue aussi dans l'excellent Dernier Samaritain. Et non. Ah oui, c'était le petit piège. Et voilà. Alors c'est vrai, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau presque. Ils se ressemblent beaucoup. Ils ont le crâne rasé, ils ont une petite boucle d'oreille. En VF, ils ont la même voix en plus. Mais non, c'est le frère de Damon Wayans. Donc Damon, c'est celui du Dernier Samaritain, celui de la série que certains peuvent connaître, Ma Famille d'abord. Et on vous rappellera jamais assez que le Dernier Samaritain, c'est quand même de la base. Voilà, niveau buddy movie là, par contre, c'est la classe. C'est très très beau grand film. Tony Scott. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est vraiment. Ah oui. C'est aussi bien violent. C'est bien cru. Tout fonctionne. Il y a plein de trucs qui fonctionnent dedans. C'est bien glauque. Je suis tombé dans le piège. T'es lancé sur le Dernier Samaritain. J'aurais pas vu. Non, mais vraiment. c'est un des films de Bruce Willis qui est pas les plus connus. Bah qui utilise le très très très bien Bruce Willis dans le côté taciturne et tout. Mais là-dessus il est vraiment bien. Mais vraiment foutu. c'est du bon buddy movie bien. Et pourtant Dernier Samaritain c'est 91 je crois. Donc on est un peu dans presque la même fin. On est quand même un petit peu plus tard mais un peu cette période-là. Comme quoi il suffit pas d'avoir le frère qui ressemble pour que tout de suite il y a les mêmes. Non, c'est pas pareil. Bah, ils ont pris le moins cher, je pense. Oui, ils ont pris le moins cher et il fallait aussi payer Steven et ses obligations. Steven prenait beaucoup. Ouais. Dans les budgets, il y avait pas mal. Tant qu'à faire. À une époque, je crois que j'ai lu à l'époque où il cartonnait plus. Hein, donc on est dans cette époque-là, on arrive vers la fin de l'époque où il touchait plus. On était dans la quinzaine de millions par film, je crois, il prenait. C'est beaucoup trop. Alors c'est vrai qu'on va se dire encore, hein, on répète encore par rapport à maintenant, on se dire bah c'est que dalle. Mais pour l'époque c'était quand même pas mal, hein, parce que comme on est quand même à un cinquième du budget du film pour juste payer une personne, c'est quand même pas mal qu'on se dit que derrière il y a quand même peut-être 300-400 personnes à payer derrière quoi. Alors ce qui peut expliquer les incrustations dégueulasses de pieds. C'est possible aussi du coup. Mais prenait pas mal. Mais L'Ombre Blanche, pour y revenir quand même, c'est moi je trouve que le film est relativement efficace. Ça va. Il y a des. Alors j'ai bien sûr de mémoire surtout les scènes de crédit. Parce que voilà les. Je me rappelle même plus. Ah c'est la fameuse scène de la carte de crédit où. Donc il y a les méchants italiens, russes, italiens, je sais pas quoi, les mafieux là, les mecs qui démontent encore dans le restaurant là, qui déboulent dessus en disant ouais, on nous a payé pour te casser la gueule, enfin pour te tuer, machin et tout. Et il fait des bons mots justement avec son ami. Moi je parle pas aux méchants, je sais pas quoi. Il dit par contre je peux vous payer, il dit je vous paye deux fois plus, je suis très riche, regardez, voilà ma carte bleue. Et puis c'est là où il sort sa petite lame de la carte bleue, il leur coupe la gorge comme ça. Votre ami aime faire le difficile à ce que je vois, et vous? Mon ami, il serait plutôt variété, et moi je suis plutôt rock'n'roll. Je ne saisis pas. C'est une expression. Vous voulez quoi? Votre port, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on va me donner beaucoup d'argent. Ah, bien. Et si je double votre salaire, vous ne me tuez pas? Très amusant. Mais je crois que vous n'êtes pas assez riche. Mais je le suis. J'ai des milliers de dollars. Je vais sortir mon portefeuille très lentement de ma poche. Les dieux en miroir. J'ai plein de liquides. À moins que vous acceptiez les cartes de crédit. Les cartes? Ah, je me rappelle même pas. C'est une scène assez connue. Hein. Il sort sa carte bleue qui s'ouvre ou qui fait je sais plus quoi. Puis il y a une lame qui sort et puis il fait comme ça. Là. Et puis là, il t'a découpé trois gorges tout de suite. Puis après les autres, il est castagne, pétage de bras, des trucs. Et toujours dans un style très zen. Il commence à avoir un style vestimentaire un peu douteux, Steven. Bah, c'est comment ça camoufler un petit peu. Plus large. Ouais, 96, il commence déjà un petit peu. On voit déjà le double menton. On commence à le voir un petit peu plus. Et puis bah t'as la fin, on en a parlé tout à l'heure, où le mec lui dit vas-y, mets-moi tout ce que t'as, puis bah il le ridiculise, il le défonce, et il le fait traverser une fenêtre encore une fois, il casse encore une fois tous les meubles de la pièce, il passe, et il ridiculise le mec à fond, il le balance par terre, il lui fait saigner dans tous les sens, il saigne de la gueule, au taquet. Steven, je crois qu'il se prend un tout petit coup, et là c'est là où il va vraiment s'énerver, voilà c'est ça, et il dit vas-y, c'est tout ce que t'as, bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi mon gars, bah c'est que tu vas mourir, et il le balance à travers la bébé, empalé comme un pot. Il le fait traverser une fenêtre et il tombe empalé juste en dessous. Qui est-ce qui t'envoie? La mafia russe. Sauvé. Brad. Laisse-moi essayer. Tu parles russe, toi? Des merdes. Réponds au monsieur bordel de merde où je t'éclate la gueule, t'en face. T'es sûr que c'est du russe, ça? Oui, c'est du russe de banlieue. Bon, alors dis-lui en russe qu'il a le droit de garder le silence, ça lui fera plaisir. Et là au courant. Exactement. Non mais voilà, j'ai plutôt un bon souvenir de l'ombre blanche, mais je me rappelle quasiment que des bastons, plus de l'histoire, je peux même plus vraiment vous résumer, parce que j'ai essayé de regarder beaucoup de films, mais à un moment, peut-être un peu plus. Moi je l'ai regardé en accéléré, je l'avais, et je me dis tiens bon, allez, j'ai un peu regardé en accéléré. Oui, c'est pas que c'est plan-plan, enfin c'est... C'est très classique, encore une fois. Hein. Ça marche, c'est pas... Parce que du coup, c'est ni bien comme un Seven... Ouais. Et c'est pas bien comme un vrai film d'action. C'est un peu un mélange improbable d'enquête de police. C'est un peu le cul entre trois chaises, quoi. T'as du buddy movie, t'as du polar thriller, t'as du tueur en série qui tue, mais qui tue, en fait, il tue des familles, mais on s'en fout. Enfin, voilà. Steven, c'est un des premiers qui commence à tuer beaucoup de monde avec son arme, avec sa manière toujours de porter son 45, un peu comme s'il le posait sur sa bedaine. Très caractéristique de Steven, ça, comme ça. Mais, mais ouais, voilà, c'est pas mauvais, c'est pas nul. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on compare avec la suite, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, bah, c'est pas mauvais, quoi. Mais c'est peut-être pour ça, parce que j'ai revu les meilleurs sur la fin après m'être tapé comme quelques trucs assez gras et moches. Donc forcément l'ombre blanche à côté, voilà, c'est du haut niveau, quoi, c'est du McTiernan, tu vois, à côté. On est presque sur du Dernier Samaritain. Ça, je parle de buddy movie, je m'en bats, je dis ouais, le film est bien et tout, mais c'est parce que tu le compares à des trucs comme Menace Toxique ou des trucs comme ça, quoi. Donc parce que là, bah voilà, le film, l'ombre blanche, il sort tranquillement. Donc on a dit, il y a Ultime Décision qui est sortie où on le fait mourir au bout de 15 minutes. Et Steven, bah, il mange un peu trop. Oui. Steven, il mange. Et ils ont essayé de l'arrêter. Hein. Et on dit, Steven, écoute, ça commence à se voir. Les cols roulés dans les films d'action, c'est pas génial. Et donc, toi, tu as trouvé cette anecdote comme quoi la Warner a tenté de lui dire, écoute, à un moment, les andouillettes et les cookies, il va falloir se calmer. Ils ont essayé de lui faire suivre un régime. Ils lui ont filé un coach et tout. Et puis, il avait un appartement exprès pour pouvoir s'entraîner, avec plein de trucs pour s'entraîner. Et puis, en fait, dedans, il retrouvait plein de miettes de cookies, en fait. C'est un grand enfant, ce type. Hein. Il veut protéger l'environnement en mangeant des cookies. Quoi. Et laissez-le tranquille, quoi. Laissez-le manger. En fait, il voulait juste manger des cookies, et puis ils vont se faire chier. Mais du coup, ça va donner, encore une fois, un grand film écologique. Encore une fois, et bah 97, donc on l'a dit, il enchaîne quand même tous les films. Menace Toxique, donc on est, voilà, l'écologie, Steven, c'est un amour qu'on n'arrivera jamais à séparer, je pense. Et ça donne quoi, Menace Toxique? Ça donne, imaginez Steven qui débarque chez les consanguins, quoi. Il va tomber chez les paysans, dans une sorte de bled paumé, alors mais tous les clichés du bled paumé, hein. Alors la femme, un peu, voilà, seule... qui est pas trop conne par rapport aux autres et tout, qui essaye de se battre contre la méchante conglomération du coin qui détruit l'environnement, les paysans du coin qui sont tous là sous le joug d'un grand méchant qui leur fait peur, les flics corrompus, les mecs complètement cons comme des balais, enfin bref, la totale, et puis Steven qui arrive comme le messie, au milieu de tout ça, évidemment le type super intelligent. Alors là, il joue un agent de quoi déjà ? C'est Job Taggart. Agent fédéral du bureau, voilà, bureau de l'environnement, c'est ce que je cherchais. Donc le truc improbable, hein, je suis sûr que les vrais membres du bureau de l'environnement, ça doit être des hippies ou je ne sais pas quoi, mais lui, évidemment, tu tombes sur le type qui sait se battre, qui va démonter tout le monde. Mais c'est assez savoureux pour vraiment la sorte de description de la campagne américaine. Quoi. Vraiment, c'est pas glorieux, hein, pour les mecs de là-bas, ils sont vraiment cons comme des balais, ils sont tous débiles, et Steven, vraiment, leur met la misère, mais aussi autant en niveau de QI que le reste. Quoi. Vraiment, ils sont rabaissés plus bas que c'est terrible. Bonjour capitaine, ça va comme vous voulez? Veuillez nous suivre, monsieur Taggart. Vous voulez qu'on prenne un café ensemble? Je suis pas là pour discutailler, je vous ai vu démolir 5 hommes et maintenant c'est Cotton qui est à deux doigts de la mort. Chaque fois qu'il y a du sang, vous êtes là. Coups et blessures, je peux vous garder 10 jours pour ça. Écoutez, on va arrêter les conneries. Vous savez qui je suis. Je pourrais vous arrêter tout aussi facilement. Et vous le savez. Alors retournez à votre voiture, là, qui appartient à Monsieur Hanner, au même titre que vous et vos sbires. Et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul, les menottes. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Vous voulez jouer dans la cour des grands? J'envoie 300 agents chez les Pecnos. Vous le sentirez, je vous le garantis. Ils vont vous inspecter par tous les trous. Votre médecin de campagne faudra qu'il fasse importer une tonne de pommade pour vous soulager de vos hémorroïdes. Mon Dieu. Et donc ce film est un échec. Ah oui, un échec total. Et puis en plus, ils ont tellement galéré à filmer Steven. Je veux dire, Steven, ils ont essayé de le camoufler, il y a des fringues. Il commence à avoir des goûts très particuliers pour les vestes à franges multicolores. Il a des vestes dedans, c'est terrible. Il y a des sortes de vestes en cuir multicolores, on dirait des sortes de fringues d'Indiens. Mais même Chuck Norris, à son époque... Walker. Ouais, les films d'Indiens, machin, je suis grand, le grand incarnation de je sais pas quoi. C'était pas pareil, quoi. Et là, Steven se pointe avec des vestes dégueulasses, des franges, des trucs multicolores. Il a des trucs énormes. Ils arrivent pas à le filmer. J'ai lu des trucs comme quoi, vraiment, ils essayaient tous les plans possibles pour essayer de le filmer, le mettre à son avantage. Mais ils y arrivent pas, quoi. Vraiment, les mecs, ils galèrent à essayer de trouver un bon angle pour pas montrer qu'il enfle comme une baudruche, quoi. C'est la galère, quoi. Et le film, c'est vraiment un énorme échec. À noter que ça me fait rire parce qu'il a été nommé encore une fois au Radio Awards. Et il y a une nomination qui m'a fait rire. Donc Radio Award du pire couple à l'écran, Steven Seagal et sa guitare. Je veux dire, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, je crois que dans le film, il essaye de commencer un peu à chanter, à faire bluesman. Regardez, je joue mal, mais je fais de la guitare, quoi, tu vois. C'est mignon, c'est beau. Mais oui, il essaye encore sûrement de faire passer un message, faire quelque chose et tout, mais ça va pas, quoi. Ça passe pas du tout. Ah, ça passe pas non plus aux côtés de la Warner. Oui, non, lui dit, non, Steven. Là, vu l'échec, et vu qu'en plus, il devient très compliqué, parce que c'est l'époque où Steven, il devient parano. Ah. Steven imagine que la CIA veut le tuer. Ah bah oui, forcément. Bah, il balance tout dans ses films. Tout ce qu'il avait appris, il fait des films autobiographiques, forcément, ça commence à se voir. Ouais, donc la CIA s'intéresse au personnage. Il y a des gens qui veulent le faire taire parce qu'ils disent, il sait les grands secrets de l'histoire, il va dévoiler qui a tué JFK, voilà, etc. Donc il est temps de l'éliminer. Donc oui, Steven s'imagine qu'on veut le flinguer. Alors il sait faire toutes ces vestes un peu particulières parce que, attention, Steven, les vestes qu'il porte, tous ces vêtements un peu chelous qu'il porte dans les films, il porte le même en vrai. Steven, voilà. Réalité, fiction, c'est pareil. Et il commence à se faire des vestes par balles. Donc il se fait ses grands manteaux avec des renforts par balles dedans. Il se balade partout. Il faut de la matière. Hein. Il faut du Kevlar. Ah oui, non, mais oui. Il faut quand même du lourd. Et puis j'ai vu des sortes de copies de ses vestes. C'est du truc, c'est du quintuple pixel. Hein. Je veux dire, un mec dedans, on dirait qu'il a mis une sorte de toile de tente autour de lui, quoi. Voilà, il commence à se balader avec ses vestes blindées, il se balade partout avec ses armes. Il a toujours au minimum deux armes sur lui. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu aller en France jusqu'à récemment. Oui. Parce que justement, en France, t'as une loi qui interdit le fait de posséder une arme sur le territoire. Steven voulait toujours avoir une arme, donc c'était d'office la France, zéro pour lui, parce qu'il fallait qu'il ait son arme, parce que justement, il se sentait menacé tout le temps. Après, il est déjà venu, ça devait être beaucoup plus tôt avant. Je sais qu'il est déjà venu une fois, au minimum une fois, faire des démonstrations d'aïkido, faire des choses et tout. Aussi, ce qui est marrant avec Steven, c'est ces démonstrations d'aïkido, il les fait tout le temps avec son propre personnel. Ah, et ceux qui sautent tout seuls. Voilà, les mecs qui tombent tout seuls. Allez voir sur internet les démonstrations parce que vous avez Steven qui fait des mouvements et les mecs ils surjouent absolument tous les mouvements que lui va faire, donc ils vont vraiment sauter, faire des saltos. Il suffit de mettre une musique d'un Bud Spencer derrière et c'est à peu près ça, quoi. Ou Benny. Voilà aussi, mais oui, Steven, l'époque, il commence vraiment à partir en couille, parano total. J'ai même lu une anecdote que même son costard pour aller à une époque aux Oscars, je ne sais plus pourquoi il y a un moment il y a été. pourquoi il y a allé aux Oscars? Peut-être que c'est pour présenter un truc, je ne sais pas, parce que voilà, il était quand même connu. Mais, la meilleure merguez. Mais même sa veste des Oscars, alors elle n'était pas blindée, mais ils ont dû lui faire des poches pour ses armes. Donc, c'est vrai, le mec, c'était aux Oscars avec ses pétoires, quoi. Oh, le malade. Parce qu'en plus, il avait un permis spécial. Parce que bon, il devait y avoir Jean-Claude. C'était au cas où ça dégénérait, tu vois. Ouais, c'est possible. Que c'est ça. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire aussi avec sa production. Il a été associé très longtemps à un homme pour sa production avec qui il s'est embrouillé au bout d'un moment. La production, il produisait beaucoup avec lui, qui lui permettait d'avoir accès à certaines choses en plus par rapport à la production, tout ça. C'est pour ça qu'il pouvait avoir ses armes si longtemps dans certains états ou même où normalement on n'a pas le droit de porter des armes et tout ça. Donc il y avait une sorte de dérogation un peu avec Steven parce que vraiment il voulait avoir ses pétoirs tout le temps sur lui. Quoi. Le mec se crée tellement un truc, je pense que qui voudrait du mal à Steven? Enfin, tu vois, la CIA dit qui voudrait tuer Steven? À part les mecs qui ont acheté tous ses films en DVD qui se sont rendus compte que c'était fait avoir ou j'en sais rien, mais qui voudrait tuer Steven? Et voilà, c'est quand même assez improbable. En tout cas, la Warner, ça l'a fait plus rigoler parce qu'elle perd beaucoup de pognon et l'autre il grossit. Il devient gérable. En plus, il essaye de faire aussi ses propres scénars. Il veut de plus en plus de place dans le côté scénario, donc. Il a prouvé quand même que ça veut écrire un film, c'est normal. Il veut maîtriser. Ouais, c'est sûr. Il veut continuer à répondre à la bonne nouvelle. Et donc, il propose des idées complètement saugrenues. Il y a une de ses idées. C'est l'idée de que la CIA est à l'origine du sida. Putain. Parce que la CIA, elle veut tuer tous les homosexuels et les noirs. Donc, la CIA a inventé le sida. Ok. Mais voilà pourquoi la CIA veut l'éliminer à un moment. Là, c'est... Il a découvert la vérité. C'est lui, il savait. Il a appris ça au Japon. Au Japon, il y avait un laboratoire. Où en fait la CIA a inventé a implanté le sida chez les noirs au Japon. Voilà, c'est ça. Fais gaffe, Yato, c'est presque Umbrella de Resident Evil. Ah, mais j'ai tout décodé. En faisant ce podcast, on a décodé l'histoire de l'humanité grâce à Steven Seagal. Il sait tout. Il connaît l'origine du monde, Steven Seagal. Et il fait des scénarios de fou. Et aussi une anecdote avec ce. Alors il y a plusieurs versions de cette anecdote. Il y a plusieurs versions qui vont tout du plus what the fuck ou un peu plus normal. Mais donc une des versions que j'ai lues, comme quoi à un moment donc une des personnes qui travaille Steven donc dans sa roulotte, j'allais dire, dans sa caravane, hein, les gros les grosses caravanes qu'ils ont sur les plateaux, tout ça pour tourner. En fait donc un producteur qui devait le retrouver arrive. Et donc t'as Steven qui pleure à son bureau et dans la légende dit qu'il avait une arme sur son bureau. Alors, on dit bon déjà t'as Steven qui pleure devant une arme, tu dis ok, qui lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive et tout, ça va. Puis Steven, il dit, oui, je viens de lire le meilleur scénario que j'ai jamais lu, il m'a bouleversé. Un mec, bon, il est un peu rassuré, hein, quand même. Il dit, alors, c'est un de quoi, qui c'est qui l'écrit? Il dit, ah, c'est moi qui l'ai écrit. D'accord. Ok. L'accomplissement. Je me demande comment tu réagis face à ça. Je me demande le type. J'ai du mal à y croire, parce que Steven qui pleure déjà. Oui. Mais en tout cas, toutes les histoires de cette version-là s'accordent à dire qu'il était en train de chialer. Quoi. Toutes les versions, merde. En tout cas, disaient qu'il avait la larme à l'œil et tout. C'est tellement classe. Parce que tellement il a écrit le pinacle. Quoi. Alors, je sais pas si c'est le scénario de la CIA qui invente le sida, je sais pas. Mais c'est chaud, quoi. Personne n'a voulu le faire, mais je pense qu'ils ont eu peur, les gens. Je pense que quand il l'a proposé, ils se sont dit « Non, mais écoute, Steven, tu déconnes. Alors, Jack, toi, t'es la cible de la CIA. Nous, on veut rester peinards, tu vois. Mais tu vas trop loin, Steven. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme film après ce chef-d'œuvre? Bah oui, il faut qu'on... Non, t'arrêtes tout de suite, ça va. C'est beaucoup trop fort. Il faut que tu arrêtes tout de suite, Steven. Écris autre chose. Écris un truc avec des vampires ou des... Voilà, écris des trucs un peu plus réalistes. Là, les gens vont avoir du mal à se prendre cet uppercut dans la tête. Calme-toi, Steven. D'autant plus que Steven, du coup, il a écrit son scénario, il a pleuré, etc. Et du coup, il a dû, malheureusement, faire son premier DTV. Bah oui, parce que, comme tu disais, la Warner en a un peu ras le cul, donc ils ont coupé son contrat. C'est un peu retrouvé dans la merde, mais bon, il a quand même enchaîné, le Menace Toxique 97, aussitôt 98, le Patriot, The Patriot. En anglais, The Patriot. Alors, Ou Piège. Piège à haut risque. Oui. Alors, je trouve que ça claque plus The Patriot quand même. Tout de suite. The Patriot. Tu sais à quelle sauce tu vas te manger direct. Hein, parce que... Pour un mec qui veut balancer la CIA, je le trouve gonflé de s'appeler le Patriot quand même. Mais attention, Steven, il est gentil, c'est un bon médecin. Là, c'est un docteur, ouais, c'est vrai. Il joue un docteur. Alors, c'est un bon docteur, mais dans un bled paumé, et il se fait payer en tarte aux myrtilles. Il est sympa, Steven, quand même. Ah oui, attends, c'est un philanthrope. Voilà. T'as les gens du coin, je suis malade, j'ai pas d'argent, je me suis ramené une bonne tarte et tout. Et donc, Steven se fait payer en tarte aux myrtilles. Ça se voit. Je pense que c'est pas anodin. En fait, c'est de l'acteur studio, Il n'y a pas de différence. Steven, fiction, Steven, réalité. Zéro différence, c'est le même homme. C'est ça. Et donc Steven, il a beau se faire payer en tarte au Mitty, le mec, il est quand même le matos le plus dingue du monde dans son cabinet. Je veux dire que même les hôpitaux, ils doivent envoyer des gens chez Steven se faire soigner, parce que le type, il a des scanners, des trucs géants, enfin, le machin, il peut tout faire. Mais bon, comme d'hab, c'est Steven Docteur, mais un docteur qui sait y faire, hein, quand même. Je ne sais pas si dedans, ils sortent encore un délire ancien, machin, je sais pas quoi, mais attention, c'est épidémiologiste, enfin voilà, le type, il est super au courant sur les virus, sur tout ça. Et comme par hasard, le seul bête paumé où il y a un docteur spécialiste en virus, et ben les terroristes ont essayé d'attaquer le patelin avec un virus. Ah bah oui. Évidemment. Ils n'allaient pas bombarder. Putain. Ils allaient attaquer le truc avec un virus. Oh, un virus dans un bled paumé où il y a Steven, il fallait quand même faire attention, quoi. C'est con. Les mecs, ils ont un truc à faire gaffe. Ouais, est-ce qu'il y a un gros bedonnant avec un catéant? Bah, je ne sais plus s'il l'a, d'ailleurs. Si, il l'a toujours, je crois, là. Mais voilà, premier DTV de Steven, où il se balade en cheval. Pauvre cheval, d'ailleurs. Oh, putain. Pauvre bête. Mais... Et le plus fort, c'est qu'il y a encore ce petit côté écologiste, c'est que à la fin, je spoil le film, hein, je suis un salaud, à la fin, ils guérissent tout le monde grâce au pouvoir des fleurs. Ah, les plantes, bah oui. Voilà. Forcément, les tartes myrtilles. Qui balancent des pétales d'une fleur spéciale, parce que Steven, il a vu dans la magie indienne que je ne sais plus quoi, les fleurs, elles soignaient, et donc ils balancent des fleurs partout, et tout le monde, il est guéri. Mais il casse des bras ou quoi? Parce que je l'ai pas vu celui-là, moi. T'as pas vu le Patriote? Mais t'es pas mon Patriote non plus. J'ai pas vu le Patriote, moi. J'ai juste vu la jaquette. Ils sont tous très très belles, ces jaquettes. Est-ce qu'il casse des bras? C'est une bonne question. Mais je crois pas qu'il doit casser beaucoup, parce que dans tous les extraits que j'ai cherchés, j'ai jamais vu le Patriote, tu vois. Non, il me semble pas. Je crois qu'ils jouent sur le côté un peu plus posé de Steven, qui plus intellectuel. Un fan de tarte aux myrtilles, je pense que voilà, c'est un peu plus intellectuel, c'est un peu le côté agence touriste, tu vois, avec C'est chiant, quoi, en gros. Non. Le film, il est chiant. Parce qu'un film intellectuel avec Steven Seagal, excuse-moi, mais pour moi, c'est chiant. C'est un peu, oui, sûrement. Mais c'est-à-dire que, bon, t'as tous les villageois qui essayent de se mettre ensemble. Et tu as un peu tu vois un épisode de l'agence touriste de l'époque, bah, c'est un peu ça, tu vois, Steven qui est là, ils essayent de faire des trucs, ils se cachent dans des granges, ils essayent de fabriquer des bazars pour se défendre. Voilà, le genre de truc que c'est. Je serais absolument pas dire si ça vaut le minimum de le regarder. Eh ben, je vais voter non. Parce que moi, un Steven intellectuel qui mange des tartes aux myrtilles, moi je dis non. À mon avis, il doit quand même massacrer des mecs, hein, mais je pense qu'il doit peut-être leur tirer dessus, parce que c'est vrai que casser des mains, ça devient un peu compliqué. Il leur lance des pétales. Peut-être. Des pétales de fleurs, le pouvoir de l'amour. Ah, le pouvoir de l'amour par Steven Seagal. Je suis quand même curieux. Alors bizarrement, après The Patriots, il va quand même ressortir au cinéma, Steven. Ouais. Dans une production Joel Silver, bon sang. Ah oui, mais attention, là... Censé, normalement, Steven n'est pas le personnage principal. Exactement. C'est un film pour... le rap. It's dark and hell is hot. Ain't no sunshine when it's home. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on, 'cause when it's on, you niggas know to be gone every time, 'cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bro. And you gon' know tonight when you land. Voilà. Ça fume du rapper DMX. Donc, Steven, dans un film de rap, Steven il a pas de bandana. Il n'a pas de bandana, hein, là. Pas encore. Non, pas c'est encore, dans l'autre encore, l'autre. Avec d'autres rappeurs. Mais il est quand même cool. Ouais. Si, il fait un mouvement, à un moment, dans une portière, là, il met les mains en l'air et on va nous faire croire qu'il fait des mouvements aériens et tout. Là, c'est le moment où il y a le réal, c'est Andrzej Bartowiak. Il met des câbles, alors que ça sert strictement à rien de nous faire croire que DMX fait des combats aux câbles. Mais le mec, c'est aussi lui qui avait fait Romeo Must Die avec Jet Li qui était catastrophique. Oui, en fait, ce type a fait une trilogie, en fait. Oh, la trilogie du rap. Non, c'est pas la trilogie du rap, c'est la trilogie, je sais pas, peut-être des câbles, je sais pas. Mais oui, il y a eu le Romeo Must Die. Ah, c'est lui qui a fait En sursis aussi. Il y a eu avec celui-là Jet Li, ouais. Et un troisième, et en fait pour lui c'est une trilogie, en fait. Ah, donc je sais pas, okay. Parce que le rapport entre Jet Li et DMX, je cherche encore, hein. Ouais, parce que je crois qu'il y a eu deux films avec Jet Li, hein, où il faisait le méchant, enfin le méchant entre guillemets, je crois que c'est En sursis, il faisait un peu le bad boy, il avait des lunettes de soleil, c'était un peu post Matrix où il faisait des trucs au câble, il était un peu habillé en noir avec des lunettes de soleil, enfin le pauvre Jet Li, je sais pas ce qu'il est allé se foutre là-dedans. Il avait fait donc Romeo doit mourir, et le premier c'était Hors limite, effectivement. Enfin, c'est une trilogie, putain, il est fou. le mec. Vas-y, je te laisse continuer avec Steven qui fait du rap. Vas-y. Mais, enfin, je veux dire, c'est cliché, quoi. Alors, t'imagines, les années... Ah non, pas du tout. Absolument pas. Tu vois pas ce qu'il fait. Alors, tu prends 2001. Alors, déjà, les années 2000, c'était chaud des fois quand même un peu. Hein. Le rap, des mix. Alors, à ton avis, alors, est-ce que tu peux cocher la case femme en bikini? Oui. Oui. Grosse voiture. Oui. Le comique de service. Bien sûr. Un peu rondouillé, noir, évidemment. Ah, puis en plus, il y en a deux dans les comiques de service. Steven, non? Ah, non, il y a le black et il y a aussi, il joue aussi dans True Lies, le mec. Je sais plus comment il s'appelle, il est insupportable dedans. C'est un mec avec des lunettes et il accompagne souvent Steven. En fait, chacun, je crois que chacun a son sidekick. Le black, il a le DMX a le gros black. Mm-hmm. Et Steven, il a le gros blanc. Mais du coup, ça fait deux gros blancs avec Steven. Ah, tu sais, il a des lunettes de soleil, enfin, des lunettes classiques. En fait, il y a un moment où ils vont dans un truc pour gérer leur stress. Et t'as Steven qui est tellement gros qu'il arrive pas à sortir de la table pour ado, là. La table d'écolier. Et je sais plus comment il s'appelle, le mec. Mais il joue dans True Lies. Il fait le coéquipier de Schwarzenegger dedans. Mais il y a aussi Michael J. White, hein, dedans. Oui. Oui, oui. Il y a Michael J. White, et c'est peut-être là où où il a voulu dire que Michael J. White était un peu une chochotte. Parce que je crois qu'il, c'est DMX qui se bat contre Michael J. White, et je sais plus contre qui se bat, c'est Steven Seagal qui se bat contre Michael J. White. D'ailleurs, il y a un coup improbable où t'as Michael J. White qui a un sabre dans la main, ou un bout de métal, je sais plus. Mm-hmm. Et il fait un salto avant, en même temps qu'il fait un salto avant, grâce à ça, il fait un coup d'épée à l'envers, retourné, enfin, c'est n'importe quoi. Et donc c'est que Steven qui fait des combats au câble, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, de toute façon. Ah oui, non, mais ça c'est du grand nana rappeur avec. Ah, c'est très mal filmé. Hein. Oui, oh. Avec DMX rebelle, mais à la fin DMX gentil quand même. Ouais. Bon père de famille. Voilà. Lui aussi c'est un peu le Robin des Bois du rap. Hein. Ou tu sais, c'est un film qui est fait à sa gloire pour lui. Enfin bref, bon. Voilà, un peu le cliché quand même habituel. Ah, puis il y a plein de scènes d'action. Steven, il est rigolo parce qu'il refait à peu près des coups quand même. Il se bat correctement. Il fait 2-3 trucs rigolos, mm-hmm. Même s'il a quand même un peu pris de l'embonpoint, ça c'est clair. Et il y a Big Duke aussi. Ils prennent tous les blagues un peu connues. Oui, voilà. Ouais. Voilà, c'est un peu de la blaxploitation avec Steven au milieu, quoi. C'est la petite tranche de Steven. La petite tranche de Steven au milieu. du film de combat la aussi. Ouais. C'est la saucisse de Toulouse. Mais tu demandes ce qu'il fout là, au final. Et pourquoi ils ont pris Steven Seagal pour, je sais pour pas, le mettre là-dedans pour une la caution baston, je sais pas. Ouais, peut-être. Alors que c'est peut-être le mec qui fait des arts martiaux les plus chelous, et alors que c'est les scènes d'action les plus basiques. Tu dirais, après, t'as des fusillades, t'as du combat un peu plus classique. Et il est censé avoir quel rôle dans ce film, d'ailleurs? Je sais même plus, honnêtement. Là je sais plus comment il intervient, mais comment je pense qu'il joue un expert de quelque chose qui doit permettre de... Peut-être d'arrêter DMX, mais ils finissent par être potes, peut-être parce qu'ils vont se mettre main dans la main pour affronter Maïs. C'est peut-être ça. Hein, c'est un flic qui a sauvé le président. Ouais, forcément. Forcément, il peut sauver que le président. Et c'était du coup, il va aider DMX. Le truc, c'est que le film a cartonné. Oui. Le film a cartonné. Succès surprise. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a DMX ou parce qu'il y a Steven. Bah, faut dire, c'était quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, une prod de Joel Silver. Donc, sûrement bien marketé. Je pense qu'ils avaient mis bien les moyens quand même pour la sortie du film. Ils avaient quand même remis en avant, bizarrement, Steven Seagal pour la sortie du film aussi. Mm. Donc, j'étais assez étonné à l'époque. J'en avais quand même pas mal entendu parler. Je l'avais pas vu au cinéma d'ailleurs. Je l'avais loué en cassette, je crois, de mémoire. Et j'avais pas passé un moment désagréable, hein. Je trouve que le film il se tient quand même. Mais c'est vrai que c'est le mélange assez bizarre de Steven Seagal et du film de rap. Ouais, c'est un peu étonnant. C'était vraiment le moment où le gros rap américain commençait à cartonner chez nous, donc il y en avait un petit peu partout. Et DMX, il joue aussi mal que Steven. C'est vraiment à qui fera le plus la gueule dans le film. Je dirais, à aucun moment les mecs arrivent à déclencher une seule expression. Le plus sérieux, tu vois, le plus badass. Mais c'est ça, c'est vraiment le truc au badass. Chacun joue pour sa gloire. Dire DMX, c'est vraiment, on l'a dit, le papa gentil mais qui est obligé d'être gangster, etc. Et Steven, t'as une scène, la scène improbable où je parlais, où il est resté bloqué sur la chaise d'étudiant. Après, donc il est là pour étudier, pour gérer son stress, et quand il sort, t'as des jeunes qui sont assis sur son 4x4. Forcément, il leur pète le gueule, voilà, parce que c'est 4x4 de Steven et qu'il a le droit, quoi. Après tout, puis il balance une petite phrase sympa. Voilà, il est sympa, Steven, dans le fond, surtout si tu le fais pas chier. Our guys inside said it took about 50 kilos of heroin. Someone's having a party tonight. In the city's most corrupt precinct. He used to work for internal affairs. How'd you know who you could trust? Two honest men are about to bring justice to the law. I want to catch all these guys at once. Stick it to them. No sunshine in this home. Only darkness exit wounds. À noter que ce film aussi, c'est une des plus longues périodes où il va pas faire de gros films d'ailleurs. Entre Piège à haut risque, donc le Patriote avant en DTV, et celui-là, il y a quand même 3 ans. Je pense que ça a dû être une dure période pour Steven, parce que ne rien faire pendant 3 ans... Mais je crois qu'il parlait du comeback de Steven, effectivement. Oui, il a fait quelques retours et tout. Il était dans quelques petits rôles, il est apparu, il a fait quelques bazars, voilà, comme ça. 2-3 bricoles, mais rien de transcendant. Sûrement quelques petites missions pour la CIA, par-ci, par-là. Voilà, sûrement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faisait ouais voilà Steven revient et tout ça. Ouais, de mémoire c'était ça, c'est vraiment voilà Steven Seagal, le retour de Steven Seagal au cinéma et tout. Ah puis après Steven il est plus parti. Ah bah après il est plus parti mais il est rarement au cinéma. Non parce que ouais après 2001 donc même année hein d'ailleurs il enchaîne en 3 ans puis là d'un coup il enchaîne. Ah là il va enchaîner. Ça va c'est Steven se met à être philosophe hein. Merde. Oui. Ouais merde. C'est explosion imminente. Ah je déteste ce film. Alors moi il me fait bien marrer. Il est nul. Est nul, mais il me fait marrer. Parce que bah, c'est Steven qui revient un peu à prendre des anciennes gloires un peu. Donc, Steven il se met en... Tom Sizemore. Voilà, en couple avec ah Tom oui, Sizemore. Ah oui, quel casting de con, c'est vrai ça. Dennis Hopper non aussi. Dennis Hopper. Alors oh Dennis Hopper, il est là. Et je pense qu'à un moment il se rend compte de là où il est. Et il demande à ce qu'on l'éjecte du truc. Et il meurt. Allez, tuez-moi s'il vous plaît. Ouais, en plein milieu du film. Grand méchant du film. Là il a lu le scénar. Oh putain. Où ils se sont dit, il n'y a plus de pognon, je sais pas. Parce que, remettons les choses un peu en contexte, on se fout un peu de la gueule de Hors Limite, donc celui d'avant, hein, Steven qui fait du rap. Ah ouais, à côté de l'explosion imminente. Budget de Hors Limite, 33 millions. Bon, fallait quand même des gens à payer, tout ça et tout. Bon, Steven, il n'a pas dû demander grand chose, à mon avis. Budget d'explosion imminente, 7 millions. Wouah, la chute. Oui. C'est... Mon dieu, il y a 6 millions pour Steven et il reste 1 million pour le film. Quoi. Voilà, alors Tom Sizemore, 200 000, Dennis Hopper, je sais pas, 500 000. Enfin, oh, c'est con parce que j'ai. En plus, bon, Dennis Hopper, forcément, j'aime bien et tout. Tom Sizemore, j'aimais bien, il avait des bons. Je trouve qu'il avait des bons second rôles. C'était ouais. Un mec qu'on voyait un peu partout. Il a fait le soldat Ryan, il a fait pas mal de choses quand même, assez sympa. Et il a eu un scandale sexuel aussi, je crois. Il avait publié une sextape à un moment où il était complètement oublié. Il s'est dit, tiens, la mode de la sextape, elle est là, donc il a publié sa sextape, ce con. Mauvaise idée, c'était déjà un petit peu has-been, donc il a passé pour un ringard, et depuis, ouais, il fait que de la merde. Et c'est vrai que de voir Dennis Hopper, Tom Sizemore et Steven Seagal dans ce truc, en plus réalisé par Albert Pune, qui a réalisé Cyborg avec Van Damme quand même. Ah, lui aussi, je pense qu'il est un peu tombé. Parce qu'on va parler un peu du pitch quand même pour que les gens se rendent compte, ceux qui connaissent pas. C'est que, bon, Steven, il joue donc un démineur, hein, Steven, grand spécialiste de la bombe. Il est philosophe, hein, sur des concepts de peur et de mort tout en désamorçant des bombes vraiment totalement peinard et détendu des doigts de pied, hein. J'imagine bien filmer dans le noir, pour pas montrer qu'il est gros en train de faire de la philosophie devant des fils. C'est ça, cool. En fait. Il est dans le noir avec une lampe de poche et il éclaire au mauvais moment, en fait. Il éclaire avec sa lampe de poche quand il est en dehors de la bombe et quand il est dedans, il éclaire plus. Enfin, bref. Il y a plein de faux raccords comme ça, il y a plein de choses qui vont pas. Et donc, Dennis Hopper, il joue un grand méchant qui menace de faire exploser des immeubles, je crois que c'est de San Francisco, à toutes les 2 heures. Et pourquoi il menace de faire sauter? Alors, c'est pas pour sauver la banquise, c'est pas contre la CIA, c'est parce que les flics ont arrêté ça. Ah bah oui, bah, attends, je vois pareil. Hein. Il veut... J'espère bien, c'est la moindre des choses. Et voilà, comme ils l'ont arrêté, et il veut qu'elle sorte, et il menace de faire tout péter toutes les 2 heures s'il la laisse pas sortir. Et au bout d'un moment, il doit se rendre compte que bah sa meuf, elle vaut pas le coup, puis il demande à mourir, et puis il meurt d'un coup comme ça. Okay. Et puis en fait, le méchant, je ne sais même plus c'est qui, je sais pas c'est quoi, mais c'est tellement nanardo téléfilmesque. Moi, il me fait marrer. Il y a des échanges. Steven qui philosophie vraiment, hein, il se prend pour un grand sage bouddhiste et tout. Enfin bref, Steven était tout le monde hein, connaît sa période un peu bouddhiste, réincarnation, machin, bidule. Ça a commencé à l'époque de l'ombre blanche. C'est l'époque 96 hein, qu'il a commencé Steven à se mettre au fond au bouddhisme, mais c'est ce qui est à filer fou, beaucoup c'est de pognon là-dedans et tout. Parce qu'on dit Steven, il est pareil dans la vie, mais donc ça correspond. Tu vois, il fait du bouddhisme, mais il le met dans l'ombre blanche. Voilà. Dire c'est le mec, il n'arrive pas. En fait, c'est pas du tout pas des de rôles. C'est, oui, c'est uniquement lui. Steven Seagal qui change de nom. Et voilà. Qui du coup, il change juste de nom dans ses films. C'est de la composition. Mais c'est de la composition à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que dans les films de Steven, Il y a une grande partie, c'est du Steven. Donc quand tu dis qu'il se tape des minettes et des trucs et des machins, tu te dis bah c'est peut-être Steven aussi. Parce que vu la fin de sa carrière là, ça il doit être glauque le Steven en ce moment. Ah oui. Ah non, à mon avis oui, ça peut pas être glorieux quoi. Mais bon voilà, explosion imminente, grande philosophie de Steven. Moi il me fait marrer. Donc téléfilm qui passe régulièrement sur NRJ 12 hein, si vous fouillez un petit peu. Voilà, vous devriez pouvoir tomber dessus en double features avec un autre film de Steven de haute qualité, je pense. Il vivait à 100 à l'heure. Laisse-moi descendre! J'aime me faire peur! Ah! Toi, je vais te saccager. Jusqu'à cette nuit. T'avais un rendez-vous? Où tout a basculé. Agent spécial Williams, FBI. C'est une belle nuit pour mourir. À présent, ils purgent leur peine. Bienvenue sur mon île. Dans le pénitencier le plus redouté du pays, New Alcatraz. Qu'est-ce que t'essaies de passer, ça? Oh, tu veux te frotter? Désolé, je préfère les femmes. Mais une épreuve encore plus redoutable les attend. S'expliquer avec des visiteurs inattendus. Que la fête commence. Wouhou! Les nouvelles d'Alcatraz? Un bloc de détention est sous leur contrôle. Combien d'otages? 10 innocents. Pourquoi vous faites tout ça? Je vais récupérer 200 millions de dollars en lingots d'or et prendre une retraite anticipée. Quelle est votre cause? Ma cause, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Il y a un souci, les gars? À quoi on joue ici? T'es là pour me couvrir. Tu peux tirer le premier. Faites beau rêve, camarade. Sur le rocher, les détenus n'acceptent aucun prisonnier. Steven Seagal. T'inquiète pas, je contrôle la situation. Mission Alcatraz. Je suis du genre à finir les missions que je commence. Steven refait du rap, encore une fois. Moi j'ai une petite tendresse. Là, Steven il a quitté le catogan, il a son petit mulet, un mulet dégueulasse. Là il est gros et il est ridicule là, par contre. Mission Alcatraz. Un Steven en prison avec son mulet, c'est. Son mulet c'est vraiment dégueulasse. Le bandana, le mulet, il est gros dans sa tenue de prisonnier, mais c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Et encore une fois, combat au câble. Donc on a des combats improbables. Alors là il y a Ja Rule maintenant, c'est plus des MX, c'est Ja Rule dedans. Ouais, on a plein de rappeurs américains. Je crois qu'il y a des catcheurs aussi dedans. C'est un casting qui est complètement improbable. Et franchement, c'est ridicule, mais j'ai vraiment bien rigolé. Je trouve qu'il y a des scènes d'action plutôt rigolotes où Steven fait un peu ce qu'il peut pour. Alors, je crois que c'est peut-être sorti au cinéma, mais pas chez nous. C'est peut-être du cinéma un petit peu aux États-Unis et DTV chez nous. Sorti un peu limité peut-être. Mission Alcatraz, ouais, moi je le trouve plutôt rigolo. Mais il a tellement l'air con Steven dedans. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Tu l'avais vu récemment toi ou tu l'as vu Je me demande si je l'ai vu tout court. Ah parce que Mission Alcatraz, honnêtement, si tu l'as pas vu, moi je trouve que ça vaut le coup parce qu'on est un peu, tu sens qu'il y a quand même moins de budget que dans Hors Limite. Mm-hmm. Donc ça, il y a le côté voilà film de prison et tout. Et forcément avec Steven Seagal, c'est pas du film de prison comme les autres. Et il y a vraiment toute l'imagerie. Je crois que tu peux retrouver des photos sur le net où il y avait des photos promotionnelles. Tu vois, c'était Steven qui croise les bras avec son bandana, oui, avec Ja Rule pour faire genre je suis un bad boy et tout. Enfin, c'est la mauvaise époque 2000. Parce que je sais que j'ai des images qui me reviennent. Donc c'est pour ça que je sais pas si je l'ai vu ou si j'ai vu des bouts ou quoi. Mais c'est un peu le côté, on va faire des super combats, des voltiges, des super méchants, un peu le côté The Rock. En gros, c'est The Rock qui était un peu ce qui est le meilleur des années 90, et c'est le The Rock avec tout le pire des années 2000, quoi. Mais en plus, le pitch, il est complètement con, c'est-à-dire que c'est t'as Alcatraz qui vient de rouvrir, donc c'est redevenu une prison de sécurité, et bien sûr, t'as l'agent du FBI, donc qui s'appelle Sacha, s'y retrouve enfermé pour une mission secrète et t'as un commando qui débarque. Donc Sacha, c'est Steven, attention. Voilà, c'est exactement. Il faut préciser. C'est Sacha Petkosevich. Alors bizarrement, c'est plus un Italien, c'est une espèce de Russe ou. Il va virer Russe maintenant. Parce qu'il aime l'Italie, la Russie. C'est fini. Et donc on a un casting complètement improbable qui fonctionne pas du tout. Il y a aucune cohérence et on a des combats au câble et c'est des et bon il y a un petit peu de budget quand même puisque t'as quand même la musique, c'est Tyler Bates qui le fait. C'est écrit et réalisé par Don Michael Paul. Voilà, je sais plus vraiment ce que ce monsieur a réalisé. Et il y a eu une suite. Il y a eu Mission Alcatraz 2 d'ailleurs avec d'autres, avec des catcheurs encore une fois en tête d'affiche. Mais voilà, c'est une petite prod qui moi m'a plutôt fait rigoler. En tout cas, ah, 25 millions, c'est déjà pas mal quand même. Hein, ah oui, voilà, on est plus bas que ce qu'il avait fait avant, mais on passe quand même de 7 millions avec le film d'avant où il déminait des bombes sur des décors de merde. Mm-hmm. Et là, on repasse sur un petit budget quand même plutôt sympa. Encore une fois, je pense qu'il repose sur le nom de Steven Seagal bizarrement. Ouais. Et donc ça sort en 2002 et c'est plutôt rigolo, mais t'as du mal à te dire, ouais, ça sort plus au cinéma, ça c'est plus possible. C'est là où tu vois qu'il est complètement has-been, mais il continue à faire ses trucs à lui. Mais oui, ouais, en fait, je confirme, il est bien sorti au cinéma aux États-Unis en tout cas. Mais ouais, c'est ça, j'avais un souvenir, c'était sorti au cinéma. Ils se sont même pas remboursés. Hein. Ah bah non, attends. Je pense qu'il a eu du bol avec, honnêtement, encore, je pense que peut-être DMX avait peut-être plus de... Il était plus connu que Ja Rule, parce que moi je suis pas non plus un expert en rap américain, mais je pense que DMX avait une plus grosse aura que Ja Rule. Oui, à mon avis, il avait un côté nouveau le, aussi. Le succès de celui avec DMX, c'est, je pense que c'est DMX qui est quand même accrédité quand même pas mal, à mon avis, tous les grands fans. Et puis le film avait fait 80 millions dans le monde, c'était pas non plus, tu vois, ça avait marché peut-être la première semaine par surprise, donc ça a quand même fait 80 millions, ce qui est un score assez assez intéressant pour ce type de production, mais c'est pas non plus un gros carton. Et Mission Alcatraz, bah déjà il avait une gueule de DTV, hein, c'est oui, entre les affiches, les photos, la gueule de Steven Seagal, enfin tu te dis pas, je vais me déplacer pour voir. Autant Stallone et Schwarzy, Van Damme, ils ont gardé quand même une gueule assez marquée, et c'était rare qu'ils se ridiculisaient, ou alors ils l'ont déjà fait, mais tout le monde peut se louper, sauf que Steven il enchaîne les looks de merde. Enfin, les bandanas et tout, c'était pas... Ah ouais, mais la gueule qu'il a, mais allez voir. Et puis la VF, quand vous écoutez, allez vite voir le look de Steven. Sa VF, elle est terrible. Ouais, c'est une catastrophe. Il a pas été gâté en VF, mais alors dans celui-là, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, voilà, pour moi, petite série B rigolote qui vaut sa petite loque pas chère ou en bac à solde, ou si vous le voyez passer à la télé, je crois qu'il passe aussi assez régulièrement celui-là dans les chaînes de la TNT. Moi, j'ai pas trouvé ça écœurant. Mmh. Voilà. Parce pas que du grand film. On note que quand même sur les derniers qu'on a dit, à part pour toi, évidemment, Explosion imminente, qui est quand même naze, hein, je vais pas dire que c'est un bon film et que t'as des gouttiottes, hein, mais si tu me mets ça sur Explosion imminente, je le prends un peu mal quand même. Mais il y a certains, une majorité, on va dire, fin 90, début 2000, donc c'était période là où, on va dire que c'était une sorte de transition, on va dire que c'était la phase de transition de Steven, où ça commençait un peu à sentir le sapin. Ça glissait, ouais. Et de temps en temps, ça remontait, mais voilà. Parce que là, après, passer Mission Alcatraz... C'est chaud. Là, il faut être plus tolérant. Mais après, dans les films de Steven, c'est dur. Là, on est entre deux personnes qui... On sait où on va. Oui. Quand tu lances un film de Steven Seagal, tu sais que tu vas pas aller dans le truc le plus intellectuel du monde, ni le truc le mieux torché. Non. Là, passé 2000, là, on est trop ouais, totalement mais là, on DTV. Quoi. Vraiment dans le pib moche, vraiment le vrai DTV. Mais tu sais qui te prend pour un con. Oui. Le DTV qui a été fait vraiment pour se faire uniquement du pognon et qui est là pour remplir les bacs. Qui n'est plus tourné aux États-Unis parce que. Ah non, plus. Parce qu'en plus, Steven, il y avait quelques problèmes avec la mafia italienne en plus à cette époque. Alors c'est vrai, c'est pas encore un délire là par contre. Ah non mais ils ont vraiment essayé de le faire chanter. Ils l'ont menacé, ils ont essayé de faire des trucs tout ça avec son coproducteur avec qui il était à l'époque et qui s'est brouillé. Enfin bref, tout un bazar sans nom. Et bon, Steven a été tout balancé aux flics, machin et tout direct. Hein, Steven. Alors qu'il aurait pu se défendre tout seul. Ah bah oui, mais non. Apparemment, il y a des appels téléphoniques qui ont été enregistrés à l'époque dans les enquêtes, dans les trucs et tout ça, où il s'avère que l'ami entre guillemets de Steven dit bien que lui, pour le faire paniquer, faut quand même y aller et tout, faut pas hésiter à lui en mettre plein la gueule, à bien le faire flipper, parce que il est pas du genre à s'inquiéter pour grand chose. Mais apparemment, ils ont tellement forcé que apparemment Steven, il en faisait dans son ben hein, quand même. Il n'emmenait pas large. Donc au bout d'un moment, il a tout été balancé à la justice. C'est suivi tout un procès, tout un bazar, enfin bref. Et c'était une époque où Steven imaginait encore un peu sûrement son côté parano que la mafia italienne voulait flinguer. Donc il passait... Ça lui a renchéri encore le truc. Ah oui, alors t'as les CIA, puis maintenant t'as les mafieux italiens, quoi. Mais en plus, c'était pas une famille de pacotille hein, qui s'est mis sur le dos. Apparemment, c'était pas des plaisantins. Mais on sait pourquoi Bah en fait oui, parce que les mecs ont voulu en fait faire chanter Steven et lui dire voilà maintenant tu vas aller filmer, enfin tu vas aller jouer dans tel et tel film et nous on prend 150 000 dollars sur chacun de tes films. D'accord, tu nous donnes ça et puis machin et puis tu vas tourner ici. Alors est-ce que c'était pour blanchir de l'argent ou quoi, je ne sais pas, enfin bref. Mais après, quand tu vois le reste de sa filmo, tu te dis il a peut-être fini par accepter au final. Il aurait peut-être dû. Alors peut-être que il s'est mis peut-être avec de la mafia russe, parce qu'il a quand même été pas mal aussi. Mais oui, alors, enfin, il devait à une époque, il devait emprunter de l'argent pour payer toutes ses charges, tous ses impôts et tout. Apparemment, il y a une période un peu mauvaise financière, donc à mon avis c'est aussi pour ça qu'il a tourné dans des trucs un peu merdiques, parce qu'il pouvait pas forcément dire non, qu'il avait de l'argent à rembourser sûrement pas des personnes vraiment très recommandables, et c'est aussi pour ça qu'après il a eu toute une période où il était à l'étranger, parce qu'il voulait plus trop aller aux États-Unis, quoi. Il voulait un peu s'éloigner de tout ça, et donc les filles de l'Est l'ont accueilli, voilà, à bras ouverts. De l'Est, de tout, hein, l'Europe de l'Est, la Thaïlande, un peu tant que c'est jeune. Tant que c'est jeune, il y va, Steven. Alors, je vais te proposer quelque chose, camarade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, on va pas tous les faire. Mm. Tu t'es fait une petite sélection quand même de la période DTV de notre ami Steven, qui vraiment, à partir de 2003, va enchaîner. Encore maintenant, ça sort. Ça continue. Je disais justement à Bilou que moi, dans mon mag, j'en prenais, parce que ça se vend. Eh oui, ça se vend, et sans que tu forces. Mmh. C'est-à-dire que là, j'ai reçu il y a pas longtemps une grosse promo Steven Seagal, et je les ai mis en avant. En deux jours, j'ai tout vendu. Oui, c'est ça qui est dingue. Les films à 5 euros de Steven, ça se vend. Bon sang, ça se vend. C'est ça qui est dingue, parce qu'on se dit, il en a sorti plein, mais il y a une bonne raison. Je veux dire, il y a un jour, ça rapporte de l'argent. Tu fais pas des films, tu mets pas quelques millions, parce que bon, maintenant, c'est du moins de 10 millions, hein, les films, c'est du 5 même. Enfin, voilà, donc. Si tu mets pas quelques millions dans des films, si derrière tu gagnes rien, c'est pas possible. Et puis surtout, grâce à Steven et aux jaquettes de DVD, Photoshop se porte très bien. Oui, en plus. Oui. Voilà, les graphistes s'amusent, il faut le lifter, il faut le faire apparaître jeune. Mention à Attack Force, qui est ah peut-être... oui. Ah, ils ont fait fort au niveau de l'Attack Force, c'est vraiment c'est le truc, le photoshopage le plus obvious du monde, quoi. Le type, il est... Il y a un mélange de Matrix avec... C'est même pas son corps. C'est même pas son corps, ils ont collé sa tête. Je sais pas si c'est sa tête ou pas. 20 ans. Mais vraiment, c'est vraiment un truc complètement dingue. Et puis après, les titres sont... Les titres sont, comment dire, ils te mentent honteusement sans essayer de... Ah, attends, on va les survoler vite fait, après on s'arrêtera sur quelques-uns, ouais, qu'on préfère, bref, qu'on préfère, avec des gros guillemets. Donc 2003, on a l'affaire Van Aken, on a ensuite Ultime Vengeance, Un Aller pour l'Enfer, Clémentine, Hors de Portée, Piège au Soleil Levant, Piège en Eau Profonde, Double Riposte, Black Down, l'affaire Seiya, qui soi-disant est une suite de l'affaire Van Aken, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Ils auraient pu... Là, c'est... Déjà que l'affaire Van Aken, on avait quelque chose à faire. Oui, mais sur l'affaire Van Aken, on ne comprend absolument rien. Ce film ne vaut le coup que pour la scène où Steven passe à travers une vitre d'une gare qui s'appelle la gare Terminus, en plus ça s'invente pas, qui se situe je ne sais pas où en Europe, soi-disant, je ne sais plus quoi. Alors en plus Steven saute à travers une vitre juste après avoir pissé, à mon avis il le fait tellement vite qu'en réalité je pense qu'il va toujours avoir le zigoui qui dépasse, et il saute à travers la vitre et tout d'un coup toute la gare explose, alors la maquette hein, évidemment qui explose, enfin bref. Mais vraiment l'affaire Van Aken, je m'endors rarement devant des films, genre si je regarde un film c'est pour le regarder. Il y a beaucoup de ces films que j'ai regardé avec un pote, on les regardait pendant l'été, le soir et tout, on se tapait des barres devant ces trucs, et vraiment on s'est endormis tous les deux en même temps, quoi. Mais tu sais quoi, du coup j'ai le doute, est-ce que c'est pas celui-là où je me suis vraiment fait chier plutôt que Explosion imminente? Ça me met un doute, parce que je sais qu'il y a vraiment un film... Bah Explosion imminente, je mélange des jaquettes. Ouais bah écoute, ça devait être... Alors l'affaire Van Aken, t'as l'explosion de la guerre, et sinon tout le reste c'est une sorte de truc rocambolesque de... Pff, tu sais pas, franchement je serais incapable de dire exactement de quoi ça parle, et tu lis le résumé, tu dis quoi? Attends. C'est ça le film? Mais je comprends rien. Même le résumé écrit, pourtant, mais ça n'a aucun sens. Avec des tueurs. Bah, je pense qu'ils ont, des tueurs qui le poursuivent. Je pense qu'ils ont dû, se dire, Bilou n'a pas compris, donc on fait une suite pour tout expliquer. Donc l'affaire CIA, voilà, Shadowman, ensuite Mercenary. Attack Force, Vol d'Enfer, Urban Justice, Jeu Fatal, Trax sans Merci, Against the Dark, Soif de Vengeance, Sous Haute Protection, Dangerous Man, Machete, où il a fait une réapparition au cinéma, sous la caméra de Robert Rodriguez, Rendez-vous en Enfer, la série Trou de Justice, Maximum Conviction, Force of Exécution, Good Men, Pokers, Absolution, Cartel, Sniper, c'est, là, tu peux inventer des titres, je pense que là, personne qui s'en rend compte. Après, tu peux les mélanger, tu peux faire Sniper of Cartel, Absolution of Good Men, Justice for the Beast, Agent Connection, mais c'est. Mais alors bon, vite fait parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on s'en bat les miches. Mais après, il y a des choses qui sont des fois intéressantes. Il y a des petites perles quand même. Alors on va prendre, si on reprend. Donc on disait Affaire Von Haken, on bite que dalle. Je défie quiconque regarder l'Affaire Von Haken et de me dire j'ai tout compris, c'est formidable, c'est génial. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai une absolue confiance. Il s'agit de récupérer un paquet, de le livrer en Allemagne. Je crois que vous avez quelque chose pour moi. C'est le paquet en question. Foutu embuscade. Ça n'était pas prévu. Et je crois que la seule chose qui n'était pas prévue, c'est que je sois encore vivant. Le travail n'est pas fini. Je veux que vous éliminiez Monsieur Colt. Il n'approche pas de Von Haken ni de sa famille. Peut-être pouvons-nous parvenir à une forme d'arrangement, vous et moi. Où se trouve le paquet ? L'affaire Von Haken avec Steven Seagal, samedi à 20h35 sur Énergie 12. L'ultime vengeance, Steven joue un archéologue. Ah, ça c'est beau, ça, Diana Jones. Oui, alors bientôt Steven gynécologue. Okay. Ah putain, ça serait beau. Je pense que tu lui proposes, il dit pas non. Sortie d'IEL, attention, archéologue, sortie d'IEL. Alors ah c'est bah, les méchants chinois qui veulent voler des trésors ou qui font passer la drogue dans des trucs, des vases et machin, enfin bref, fou. Comment dire ? Un aller pour l'enfer, normalement c'est le titre donc français, hein, toujours des grands titres en VF absolument délicieux, c'est le Belly of the Beast, hein, qu'on peut traduire par le ventre de la bête. Alors, ça lui va bien, c'est vrai, non, c'est vrai. Le ventre. C'est génial pour Affino Steven, c'est génial. Je sais pas comment il a fait pour accepter ça, mais c'est génial. Bah, celui-là, tu vois, je le trouve pas nul. Bah, c'est celui qui glisse sur des planches à roulettes. C'est bien celui-là avec le fameux. Ah, mais oui, c'est ce. Avec le gif que t'as mis il y a pas longtemps, là d'ailleurs, sur Twitter. C'est vrai, c'est ça. Il fait y a des planches à roulettes, et puis en fait, il est censé glisser sur le sol, alors que tu te rends compte que c'est pas possible. Il glisse avec style. Il glisse sur 15 mètres. Comment tu... C'est pas possible. Avec le bras tendu pour choper un truc. Et il le refait encore dans le film. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser, ce passage-là ? Parce qu'il joue un cambriolage, c'est un cambrioleur, en fait. On dirait, tu sais, comme dans Hudson Hawk, tu dirais il y aurait la musique d'Hudson Hawk, ça serait plus parfait. Mais dans Hudson Hawk, t'as un moment où t'as le braquage au début, il y a de la musique où il glisse sur des trucs. Et là, mais la scène où tu le vois glisser à la fin du générique de où il est allongé sur la planche à roulettes et qu'il glisse. Ils ont mis Sindou par terre et puis Steven qui glisse. Ouais, il va sur une planche à roulettes. Mais déjà, tu pars du fait. Steven cambrioleur. Ouais. Déjà juste. Avec toute sa grâce. Steven qui cambriole. Non, c'est pas possible. Un vrai chat. Le type, il descend des mecs à l'appel. Je crois que Billy Ozubi, c'est celui où il vole sa fille. Il kidnappe sa fille en Thaïlande, je sais pas quoi, et puis il y va, et puis il est obligé de massacrer des tonnes d'Asiatiques. Ah, mais il est en massacre. Il tue tellement de monde sans charger aussi une scène géniale. Ah, mais il y a aussi il est sur une planche à roulettes. Dans une gare. En fait, dans une vieille gare. Ouais. En fait, il traverse. Alors, bien sûr, tu vois que c'est son doubleur. Donc, il saute à travers. Donc, il traverse la cloison d'un wagon. Oui. Donc, bien sûr, le temps qu'il plonge au ralenti, il arrive à abattre au moins 6 mecs avec un seul chargeur, qui tue les mecs au ralenti. Il atterrit sur une planche qui roule, et il roule, bien sûr, très longtemps. Et il va tirer. Au bout d'avoir vidé, je pense, 20 balles, il recharge et il tue, je crois, au moins 25 gars. Il recharge. J'ai vu la séquence. Ouais. Il recharge une fois. Et je crois qu'il dessoude au moins 20 mecs avec classe, voilà, avec panache. Mais c'est une séquence, il y a des séquences comme ça. Je me rappelle. Et il y a des bonnes scènes de baston. Je me rappelle aussi d'un film, je sais pas si tu l'as vu, la scène où il y a un mec qui passe par une vitre et il passe 10 fois de suite. Ah oui, le montage est complètement pété. Il se devait être tellement fier du multicaméra du type qui passe par la fenêtre, qui le passe 10 fois de suite. Alors t'as le mec qui tombe, il s'écrase en bas, et d'un coup, la scène suivante, c'est un autre plan, le mec qui passe par la fenêtre qui retombe. Le pire, c'est que je vous jure que ce que raconte Biloula, c'est vrai. Oui. Donc dans la version finale d'un film, il y a un moment, il envoie valser un mec à travers une fenêtre, et là on voit le mec qui traverse la fenêtre, on le revoit traverser la fenêtre, il retraverse la fenêtre, on le voit tomber plus bas, il retraverse la fenêtre, et ça remonte le temps, c'est plusieurs plans de la même action, soit la même chute, ouais. Au bout de 15 plans, il faut arrêter, mais là le type tombe, il s'écrase en bas, et ça recommence en haut. C'est ça. Et tu dis, mais attends, c'est complètement. Qu'est-ce qui se passe? Il en balance combien de mecs, en fait? C'est pas possible. Enfin, bref. Je voulais juste préciser quand même sur Un aller pour l'enfer ou Belly of the Beast, on va se perdre avec tous ces noms, que c'est quand même réalisé par Ching Siu Tong, qui a quand même réalisé par le passé, Histoire de fantôme chinois, qui est quand même un excellent film d'arts martiaux. Donc c'est ce qui permet d'avoir quand même quelques bastons assez bien foutus, où en fait on se rend bien compte que ce n'est jamais Steven qui se bat, et qu'en fait Steven il se limite à faire des gros plans en bougeant les bras, et que le reste du temps bah, c'est un mec qui fait toutes les bastons, mais par contre les bastons sont pas trop mal torchés, et ça donne un film qui est assez dynamique, avec des trucs assez violents, et deux trois passages quand même plutôt sympas, dont les trucs avec les planches à roulettes et tout. Mais je trouve que dans, vraiment, en fait, on est assez tôt quand même dans les DTV, et c'est pas le plus nul. Voilà, non, quand t'es passé par l'affaire Van Aken, ça va. Ouais, clairement. Il y a de l'action. Donc, au moins, je peux vous le conseiller. Il y a quelques acteurs asiatiques qui font quelques trucs sympas. Bon, voilà, bon, ça peut passer. Je veux dire, ça peut passer le temps. Si t'as rien à faire, tu zones devant Si vous êtes ambitieux comme nous, il y a moyen de passer un bon moment. Soit. Le suivant. Arnaque. Alors, le suivant est glauque. Parce qu'il est glauque parce que c'est Steven qui entretient une relation épistolaire avec une Polonaise de 13 ans. Putain de merde. À quel moment Steven, le scénariste s'est dit c'est une bonne idée? Alors, est-ce que je sais pas, c'est Steven qui a fait le scénario? Je crois pas. Mais c'est chaud quand même. Déjà, de base, tu te dis putain. Elle lui écrit des lettres, hein, et puis à un moment, elle écrit plus. Steven, il se dit qu'est-ce qui se passe? Elle écrit plus, puis donc il part en Pologne. C'est beau. Et voilà. Il veut tataner des mecs parce qu'évidemment, traite de blanche, machin, truc. Et puis il découpe le méchant en katana à la fin. Ça, c'est beau. Mais tu vois, Steven. À un moment, il est là, il pense jamais à mal. Toi, tu penses à mal direct. Par contre, Steven, il a une relation par courrier, donc voilà, c'est l'ancien Tinder. Avec la Polonaise de 13 ans. Non, mais vraiment, il va se fracasser. Il est musculé et tout, et puis il est là. Mais tu vois, c'est grâce à ça qu'il découvre qu'il y a une traite des enfants, esclavagisme sexuel, etc. C'est grâce à ça qu'il a réussi à les fracasser. Je suis sûr que c'est encore un coup de la CIA, ça. Possible, mais je suis sûr que c'est ça. Et même Beelzebuth, il kidnappe sa fille, Steven. Père célibataire avec sa fille, c'est malsain encore, des trucs chelous quand même quand tu connais Steven et tout. Putain. Mais Steven, il a une fille dans chaque port, c'est comme ça. Oui, et pas toujours du bon âge. Non, pas vrai. Bref, le suivant, Clémentine, il apparaît dedans. Film sud-coréen. Ouais, plus ou moins. Oh, je sais plus combien de temps. Il fait un peu partie des Steven où il est en tête d'affiche, mais il apparaît 20 minutes. Ouais. Hein. Alors, c'est un film sud-coréen de taekwondo. Et Steven, il joue le rôle d'un combattant qui, à un moment, bah, le héros du film est obligé de combattre pour essayer de retrouver sa fille. Et il perd? Bah, il est censé, oui. Oh mince alors. Je l'ai pas vu non plus. Non, j'ai vu quelques images comme ça, mais rien de... Voilà, Steven n'apparaît pas très longtemps, et il est censé perdre. Alors peut-être qu'il fait une technique à la machete, hein. Genre... peut-être. Je peux mourir que par moi-même. Enfin bref. Si on reste dans l'Asie, le suivant, Piège au soleil levant. Alors piège encore, hein. Il y a des mecs, et putain, la VF, les mecs, ils se font chier. Ah, mais ils disent, voilà, piège en haute mer, piège de cristal, piège de machin, bon, voilà, ok. Alors lui, j'ai une affection particulière pour lui, parce que je l'ai vu, donc toujours avec le même pote, hein, on l'a vu, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes les masos du style. Ah oui, alors, vous avez... mais on s'est tapé des bonnes barres, quand même, putain. Mais il est fort, celui-là, j'en garde des bons souvenirs. Nous, on l'a vu, le problème, c'est que c'est Steven au Japon, hein, déjà. Bon, Steven, il fait des sushis au Japon. Le problème, c'est que nous, on l'a vu sans aucun sous-titre. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de sous-titres. Oh, il n'y a pas besoin. Oui et non, le problème, c'est qu'il parle trois quarts du film en japonais. Vraiment, je crois que c'est vraiment presque trois quarts du film, il cause en japonais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et donc, non sous-titré, c'est compliqué, hein, parce qu'on comprend rien. Ouais, mais il se fait des petites japonaises. Il suit un peu tout, il découpe des mecs au katana dans tous les sens, il massacre des types, on comprenait pas pourquoi. Alors, ce qui fait qu'on s'est inventé un peu notre scénario, le truc complètement dingue dans le film, c'est qu'il y a des types qui commencent à suivre Steven avec des sortes de... Tu sais, les trucs pour mettre du désherbant. C'est quoi que t'as sur ton dos, ton petit tuyau. Ils avaient ça. Ils suivent Steven partout après qu'il soit venu. En fait, ils arrivent tout le temps après lui et ils mettent du produit bleu partout sur les morts, sur les murs et tout. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors on s'est dit peut-être qu'ils pensent que Steven c'est Godzilla et qu'ils mettent du produit pour empêcher les radiations. Ouais, parce qu'il y a tout qui est pété à chaque fois. Voilà. Et puis bon, Steven de loin, tu peux croire. Donc voilà. Enfin bref, on n'a rien compris. On sait même pas du tout de quoi il parle. Et je pense qu'on a jamais eu envie de savoir pourquoi, parce qu'on s'est dit notre version est quand même vachement mieux que sûrement celle d'origine. Oh, la première scène du film où tu le vois en sniper avec son, je crois qu'il a un fusil d'assaut ou un sniper, je sais plus, avec son bandana sur la tête et ses lunettes et tout. Oh là, bah attends, il faut faire asiatique. Tu fais pas asiatique sans bandana. Steven, non. Steven, il faut arrêter. Ou c'est l'arabe, je sais plus. Oh là là. Steven, il mélange tout. Là, c'est. Je crois qu'il y a une scène de sexe encore une fois où il est tout habillé avec une japonaise. Enfin voilà, c'est bien sûr parce qu'il les fait toutes tomber. Évidemment, n'importe quel pays. le point commun de la bougossitude, c'est Steven. Donc voilà, Into the Sun de Christopher Morrison, où il joue Travis Hunter. Ah oui, encore un, non. Piège au soleil. Et le suivant, encore, alors, encore un piège. Piège. Piège en eau profonde. Est-ce que c'est pas quand même la plus grosse entubage niveau titre? Parce que tu dis, oh putain, piège en eau profonde, un peu, voilà, un peu comme les précédents, hein, piège en haute mer, mais non, c'est en eau profonde. Sauf que, en gros, la séquence du film en sous-marin doit durer 5-10 minutes. Mercredi, Steven Seagal ne va pas chômer. À 20h35, piège en eau profonde. Un virus capable de contrôler les personnes infectées tombe entre les mains de terroristes. Steven Seagal est l'antidote. C'est pour ça qu'on m'a engagé. Et à 22h25, Mercenary. C'est moi que tu cherches ? Il est incontrôlable. Je veux que vous soyez sans pitié. Seager et les autres doivent mourir. Quand on trahit Steven Seagal, mieux vaut débrancher son téléphone. Vous nous avez baisé et j'ai pas l'intention d'en rester là. Votre soirée spéciale 100% Seagal. Mercredi, à partir de 20h35 sur Energy 12. Est-ce qu'il y avait un piège en eau profonde? Non, même pas, je crois, parce qu'ils partent, ils sont sous-marins, ils parlent deux minutes, et puis ils arrivent, et puis voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas du tout de piège, à mon avis. Pourtant, le titre anglais est un peu pareil, je crois. C'est un titre, genre, insubmersible, ou je ne sais pas quoi, ce qui, en plus, en parlant de Steven, est assez marrant. Non, c'est Submerge, en VO. Exactement, Submerge. Donc, Anthony Hickox. C'est le film, un super pitch aussi, avec un méchant savant qui transforme des prisonniers en machines à tuer, zombies, qui obéissent au doigt et à l'œil. Ce qui est assez marrant dans ce film, alors le truc, le film, on s'en fout. Mais le fact qui est un peu, le fun fact un peu du film, c'est que, y a pas mal de dialogues en VO. Évidemment en VO, de Steven, qui ont été redoublés par un autre acteur. Parce que on suppose en fait que Steven avait tellement rien à foutre que... Et oui, ce que je veux dire, je pense que c'est ça. Il me nommait ses dialogues, quoi. Vraiment, le type, il en avait tellement rien à glander, il articulait pas, il balançait ses lignes, il sait même pas si on y savait ses dialogues, et ils ont été obligés de le redoubler derrière. C'est chaud, quand même. Parce qu'il y a quand même des anecdotes, hein, qui disent vraiment que le type, des fois, il tournait, les mecs étaient prêts, ils attendaient, et le mec venait pas. Donc il se dit, bon, comment on va faire, voilà. Et tout d'un coup, t'as Steven qui se pointe avec ses gardes du corps. Il se met pas du tout où il est censé être, dans le décor, il se met pas en lumière comme il faut, ni rien. Et le gars, il commence à déblatérer tout son texte. Alors les mecs, ils doivent réagir au quart de tour, tout de suite, le filmer, l'éclairer, parce qu'ils savent très bien qu'il va sortir son texte, il va se barrer, il va pas revenir, quoi. Il va pas faire une seconde prise. Le mec se pointe, fait son texte, et il se barre. Et voilà, après, les mecs, démerdez-vous avec ça. Alors, on comprend tout de suite pourquoi à l'époque il y avait des films qui étaient aussi chiés niveau montage, quoi, où tu comprends que dalle et Steven il dit des trucs qui n'ont rien à voir et qu'il apparaît la moitié du film, parce que Steven à un moment il en avait juste vraiment, je pense, rien à glander, quoi. Il faisait des films à la chaîne pour payer ses dettes ou pour avoir de quoi manger ses cookies, et puis voilà, quoi. Ça devait être tendu parce qu'il y a, on en parlait un petit peu en off avant d'enregistrer, mais c'est que c'est là où moi j'ai regardé un petit peu le nom des réels. Et c'est vrai que t'as des mecs qui ont fait je sais pas combien, je crois qu'il y en a un, en dernier là, il y en a un qui est vraiment attitré à Steven Seagal, c'est Connie Waxman, je crois qu'il en a fait 8. Là, dans la période 2003, etc., il y avait Michael Oblowitz qui a fait l'affaire Von Alken, L'Ultime Vengeance, il en a fait encore plein d'autres, il y a aussi Michael Kutch qu'on a fait plusieurs, il y a Don A. Fontaine-Leroy, enfin les mecs, voilà, je pense qu'ils devaient aller à un endroit, dans un pays, alors bien sûr en Roumanie ou dans d'autres trucs comme ça, et il devait tourner, je crois, peut-être 4 films. Donc je pense qu'il devait prendre un max de blé sur une telle période, et puis il enchaînait les rôles, enfin les rôles, il enchaînait les dialogues sur différents plateaux, et il faisait plusieurs films avec, quoi. Enfin, tu sens que c'est des films vraiment qui sont d'une laideur absolue. Généralement, la particularité de la période vraiment où il était hyper fat, bah, c'est qu'il était hyper mal éclairé, parce qu'il fallait pas qu'on voit dans le noir tout le temps. Qu'il avait une grosse panse. C'est des films, et c'est vrai qu'il est... Il est filmé, il y a vraiment deux bandes noires, une en haut, une en bas. Il y a sa tête au milieu qui raconte un monologue de merde. Il bouge un petit peu les bras, yeux. Deux, trois trucs comme ça. Et le reste, il est doublé. Mais c'est vrai que c'est fou. Moi, j'adore, alors je sais pas si tu aimes, je sais plus si on a déjà parlé dans l'émission, mais moi, j'adore Yannick Daou. En tant que chroniqueur cinéma. À chaque fois, je regarde. Et ses chroniques Steven, elles sont fabuleuses. Je les ai tous regardées avant de remater. C'est vrai qu'il avait souligné le côté bande noire parce que mais c'est vrai qu'il, le gars n'a tellement rien à secouer et il se croit vraiment au-dessus de tout, et puis je pense qu'il en a quand même rien à branler, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent pour faire son truc et il dit voilà, tant pis pour eux. Et c'est dégueulasse, enfin, visuellement, il y en a plein qui sont absolument immondes, ils sont torchés à la truelle, mais en même temps, les mecs, je pense qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'on doit prendre le premier Yes Man venu de je sais pas quel pays, qui sait tenir une caméra, il dit, bah voilà, tu vas faire un film avec Steven Seagal, et le mec, il doit en chier, quoi, il dit, voilà, Steven, est-ce que tu peux faire ça? Non. Et ça? Non, je vais faire ça. Ok, bah, je vais faire ce que je peux. Et puis voilà. Et surtout, arriver à le supporter, quoi. mais iFools, ouais, parce qu'il a vraiment l'air d'être, et c'est vraiment d'être un gros connard. En plus, les budgets, ils font un peu le yo-yo, des fois tu te dis, mais c'est bizarre, parce que justement, le suivant, le Black Dawn, je sais plus comment il s'appelle en VF, la suite de l'affaire Van Dyken, encore, ouais. Caractéristique. Ouais, c'est l'affaire CIA, il y a Shadowman, l'affaire CIA. Ouais, on s'en fout, de toute façon, ils se ressemblent tous. je veux dire, le truc, il a coûté plus cher que le film avec Sizemore et Hopper. Et pourtant, il n'y a personne dedans, quoi. Je veux dire, le scénariste, on ne sait même pas s'il y a un scénariste. Le film, on ne comprend rien. Steven, il vend des armes nucléaires à des méchants dedans. Tu dis que, quoi. Tu comprends rien. Ça essaie de te jouer, genre, Steven est-il un méchant et, enfin, bref, tu bites rien. Vraiment, rien du tout au truc. C'est, tu ne sais même pas où sont passés le pognon, quoi. Les millions, où ils sont, quoi. Vraiment, tu te demandes si. Ah, bah, si, on le sait. On sait où ils sont. Je sais même, parce que je pense qu'ils sont surtout passés dans la mafia russe qui a dû financer le film pour blanchir de l'argent. J'en sais rien. Mais ouais, c'est une catastrophe. Steven, il y a les petites jeunes filles faciles, je sais pas, qui doivent se faire tourner après les tournages, c'est justement. Vrai, c'est vrai. Ça pue vraiment le vieux tournage, la vieille série Z, parce qu'on est vraiment dans le Z, hein. Dire que là on a vraiment la gueule de série Z, mais parfois ça, quand tu creuses un petit peu et que tu vois des budgets, tu dis que tu peux faire des petits films, t'as plein de petits films d'horreur un peu partout qui se font pour moins que ça, mais entre Steven qui doit tout prendre, qu'on a rien à secouer, qui bouffe des saucisses et qui gonfle de film en film, t'as vraiment des films où il est énorme, quoi. Il est hyper fat, enfin, c'est, tu vois vraiment qu'il est dans ses chemises toutes boudinées, qu'il arrive à peine à bouger ou à lever la jambe, et il se fait encore passer pour le plus gros sex symbole, quoi. Dire, tu vois les minettes de 18 ans à poil qui se frottent contre lui, limite il y en a une sur chaque jambe, et lui il fait là genre, mais non, attends bébé, c'est bon, je suis là pour te protéger, moi je suis un mec qui respecte les femmes et les enfants et tout ce que tu veux, et c'est un gros dégueulasse, quoi. C'est hallucinant de voir encore des trucs pareils. Surtout d'essayer de le faire croire, ça, c'est ça en fait. Ouais, de dis, mais ouais, on n'est pas dupes, quoi. Mais bon. Hein, c'est impossible de croire des trucs pareils. Et puis, il te sort des trucs les plus improbables. Je veux dire, là, on a parlé de Black Dawn. T'as Shadowman où il part en Roumanie avec sa fille. Qui part en vacances c'est, et puis, enfin, voilà, tu vas plus partir avec Steven Seagal en Roumanie, quoi. Je veux dire, avec moment, c'est malsain. Avec sa fille, mercenari. Bon, bah, forcément, c'est le meilleur mercenaire du monde. Et puis, bah, voilà, il va enchaîner les bastons. Jusqu'à mercenari, on imagine bien que, quand on a commencé à parler de pièges en eau profonde jusqu'à celui-là, ils sont tous sortis en 2005. On est à 5-6 films en 2005, hein, quand même, carrément, tu dis, mais les types, vraiment, c'était de la... Ils carburent, mais à toute berzingue, quoi. Mais je pense qu'il a tout fait en un mois. Hein. Ah bah, de façon, vu le temps du truc et tout, à mon avis, oui. T'as 2004 Clémentine, 2004 Hors de portée, 2005, t'as 1, 2, 3, 4 films. Et 2006, t'as 4 films, 2007, t'as 2 films, se calme un t'en peu, as 5 en 2008, enfin... C'est complètement dingue, je dirais. Et puis en plus, t'as les projets les plus improbables. Je dirais, Attack Force, c'est complètement dingue. En plus, il apparaît quasiment pas dans Attack Force. C'est un gros bazar. Déjà, le mercenariste, qui est marrant, c'est que celui juste avant, même avant de commencer à tourner, la boîte de production, elle est arrivée devant le réel, elle a fait, voilà le procès, il est déjà prêt. On a déjà tout prêt. Tous les papiers sont préparés. On est prêt à aller en justice directement si Steven il fait chier. Alors déjà le réel, qu'est-ce qui se passe? Ça fout l'ambiance déjà. Vraiment, il a expliqué après. Il dit vraiment les mecs, il a pas compris pourquoi ils ont produit ce film. Ils savent pas parce que il dit les mecs, ils ont fait chier tout le temps. Il disait le moindre incartade de Steven, c'est le procès. Il fait chier, c'est le procès. Il essaye de remettre le scénario, c'est le procès. Il essaye de faire ci, c'est le procès. Enfin bref, la totale. Alors tu dis, t'imagines l'ambiance quoi du truc. Et finalement, ils ont été au procès, hein, parce qu'évidemment, Steven, il n'a rien à battre, hein, c'est comme d'habitude, l'autorité, il s'en bat les couilles. Il a fait ce qu'il a voulu, ils ont voulu faire un procès. Le mercenari, quand même, 15 millions de budget. Hein. Tu dis, mais 15 millions, pourquoi? Oh là là. Explosion imminente, je rappelle, c'était 7 millions, hein, et puis il y avait Tom Sizemore et Denis Hopper dedans, quoi. Et là, 15 millions pour un film, on s'en bat les miches, un truc bien naze. Et les mecs, ils ont essayé de faire un procès à Steven pour 14. Donc, ils essaient de se rembourser, en fait, du film. Je sais pas s'ils ont gagné ou si ça s'est résolu après. Enfin, ce qui est quand même dingue, c'est de se dire, les mecs, ils ont même pas commencé à tourner. Les types, ils arrivent déjà, voilà, le procès est déjà prêt, on peut y aller. Donc, c'est un peu fou. Et Attack Force, comme tu disais, c'est un truc complètement pété, parce que Attack Force, au départ, c'était censé être un film avec des extraterrestres. Mais les sortes de super soldats qu'il y a dedans, c'était censé être des aliens, sauf que ça plaisait pas à Steven. Les aliens, voilà, Steven, putain, c'est quoi ça? C'est vrai que Steven n'a jamais fait de film de science-fiction. Il n'a jamais fait de comédie romantique non plus, mais bon, tant mieux. Chaque film de Steven est une comédie romantique. mais voilà, c'était censé être des aliens, et Steven, ça lui plaisait pas. Sauf que, il savait pas trop comment en faire, et donc ils se sont dit, bah écoute, on va tourner le film avec les deux versions. C'est-à-dire une version c'est des aliens, une version c'est des super soldats avec un produit injecté, machin et tout, version Universal Soldier, quoi. Et ils ont tourné les deux films, et ils se sont dit, bah, on verra au montage après quelle version ils auront décidé de faire, quoi. Steven a dû péter quelques doigts, sûrement des tickets autour de lui, parce qu'il finalement il n'y a plus aucune notion de science-fiction dans le film, à part le fait que Bastia, c'est un petit village à côté de Bordeaux. C'est ce fameux film-là, où à un moment, ils font ce truc complètement pété, où la géographie de la France, Steven, il n'y en a plus rien à foutre. Ah, mais surtout qu'au niveau visuel, enfin, ouais, ils ont pris un vieux bar, une seule rue, et ils ont mis un nom français sur le bar. Tu sens tout de suite que c'est de l'Europe de l'Est, de toute façon. Tous ces films-là, dès que c'est censé être quelque part, je sais pas où, en Italie, en France, en machin, en bidule, c'est de l'Europe de l'Est, quoi. Mais oui, ce qui est vraiment complètement dingue, c'est que le scénario a été complètement refait, en fait, au montage. Il y a tous des pans de dialogue qui ont été refaits en post-production derrière, des dialogues de Steven et tout, pareil, qui ont été refaits, qu'ils ont changés, avec un autre doubleur qui n'a pas du tout la même voix, donc en VO, tu dis, qu'est-ce qui se passe là, c'est un ventriloque, c'est ce qu'on est au courant, c'est ce que nous on sait, qu'on voit et tout, et quand tu dois vivre ça au jour le jour, à mon avis. Mais je pense qu'à un moment tu te dis pourquoi, je pense qu'il valait mieux tout arrêter et pas faire ce truc que de mettre 15 millions ça doit rapporter quand même du pognon, donc oui, c'est vrai que c'est vendu aux chaînes de télé, puis comme on disait tout à l'heure, moi je le vois tous les jours que ce genre de film se vend, parce que les gens veulent de la série B avec Steven Seagal. Moi j'ai un client, écoute, super cool, qui vient me demander, justement on parle beaucoup de films d'action, etc. Et c'est un fan, il prend des films de Van Damme, il prend des coffrets de Seagal et tout, c'est un gros fan, donc on parle beaucoup de série B, d'action et tout, et il achète tous ces trucs-là, je veux dire, dès qu'il y a un nouveau Steven Seagal, bah, il va l'acheter, ça se vend vraiment, vraiment bien. Mais il y a des fans, premier degré. Après, ah oui, vraiment, y, ah oui. Il y en a qui vont va se faire casser la gueule, de toute façon, ça s'y attendre. Il y en a qui regardent ça vraiment détendu du slip, quoi. Mais il y en a, c'est vraiment du premier degré. Ils sont dit, ouais, à l'époque, on faisait des bons films, c'est pas des trucs de PD, machin et tout. Je dis, mais enfin, quand même, second degré, ouais, non, machin. Non, ça, c'est un bon acteur, introspectif et tout. Dire, là, mais alors, j'aimerais bien que ces gens-là, ils regardent Vol d'Enfer et qu'ils viennent me dire que c'est un bon film. Oh ouais, parce que Vol d'Enfer, je l'ai regardé. Le film, je pense qu'en fait, ils ont tout filmé. Ils ont pris toutes les scènes. Ils ont tout passé dans une sorte de mixeur géant. Et il y a un film qui est sorti automatiquement. Je pense que c'est le premier film qui a été fait par une IA, en fait. L'IA a compilé des scènes. Et alors, c'est les films. Il y a une histoire, tu comprends l'histoire. Mais en fait, il faut remettre tout dans l'ordre. C'est un roguelike movie, c'est géré aléatoirement. Le truc, c'est monté à l'envers. Même pas à l'envers, c'est... T'as des scènes qui se passent, et tu dis, mais pourquoi ? Et puis d'un coup, il est ailleurs, et puis d'un coup, un autre truc. Et en plus, on essaie de te faire croire que Steven, c'est un pilote de chasse. Steven qui rentre dans un cockpit d'avion. Ah ouais, l'avion, il décolle jamais. Mais en plus, attention, c'est un avion spécial. C'est un avion furtif. Mais pas furtif. Mais pas furtif, genre radar. L'avion devient... littéralement invisible. Ah, ça c'est pratique pour les effets spéciaux. Ça. Voilà, alors effets spéciaux dégueulasses, hein, évidemment. Mais ouais, le truc il est dégueulasse, je veux dire, c'est... Il y a des trucs que je piche pas dedans. Alors, il avait perdu du poids. À cette époque-là, il a commencé à perdre du poids. Il y en a qui disent, ah, c'est pas mal, Steven a perdu du poids. Le problème, c'est que bah, le scénariste, il est plus là, quoi. Et puis en plus, c'est ce fameux film, hein, où il y a deux femmes qui se galochent, qui se tripotent. Bah, il a perdu du poids, il peut se faire deux meufs. Attends, Ah oui, mais il participe pas. Hein. Il est caché derrière les sortes de. Les voiles noires. Ouais. Les petits voiles, c'est typique des harems et tout. C'est caché un peu là, comme ça derrière, en train de mater les deux filles qui font des mamours. Là. Et c'était vraiment très pervers comme plan. Hein. Surtout, t'as le plan sur les yeux de Steven, comme ça, les yeux luisants. Là. Oui. On aimerait tous se faire observer par Steven pendant nos ébats, oh là là. Oh, c'est une catastrophe, hein, mais. Mais tu sais, tout à l'heure, on a parlé donc de notre ami Don E. Fauntleroy, qui a galéré sur un tournage, et ben il a remis le couvert. Et moi, c'est mon petit péché mignon. Ça m'étonne pas, ça m'étonne Urban pas. Urban Justice. Parce que là, c'est du Charles Bronson aussi. Oh hein, là. Putain, il est d'une violence. Donc c'est celui, je crois, où il venge son fils. Ouais, il le répète souvent. D'ailleurs, du coup, j'en ai profité pour regarder la chronique de Yannick Dahan, justement, sur le film. Et ça a confirmé le fait que c'est complètement taré. Et donc bah là, il est... Alors, c'est une version sur-hardcore de Justice Sauvage. Où cette fois, il va à la bastos, il fracasse absolument tout le monde en disant « Qui a tué mon fils, bande de motherfucker ?» et tout. À un moment, il y a même une meuf qui dit « Ouais, si jamais tu continues à faire ça, bah en fait, t'es comme eux. » dit non, putain, je suis pas comme eux, je suis pire. Et du coup, bah, il va décider, dessouder du black, du chicanos, du drogué, du loubar, tout ce que tu veux à coups de chevrotine et bah, en cassant des bras, tout ce que tu veux. Donc là, il est vraiment. Il est dedans. Là, on voit vraiment Steven dans beaucoup de plans. Il est vraiment là, il est dans le film. Et, mais c'est justement... ça, en fait. C'est que des fois, il y a des sourbrosseaux comme ça, où ouais, il est vraiment là, entre X films, où il s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment très étrange. Je ne sais pas quel est le processus créatif derrière ces trucs, mais t'en as qui doivent être des films qui doivent plus l'inspirer, et puis certains, c'est du remplissage, quoi. Ouais, quand tu fais 5 films par an... Et c'est pour ça que là, moi, donc là, on est en 2007-2008. Et après, moi, j'ai un petit peu arrêté. Alors, je crois que j'ai vu Jeu Fatal juste après, de Rowen René. La même année, il a apparu un peu comme avec Clémentine, c'est-à-dire qu'il apparaît dans un film comme ça qui est The Onion Movie, c'est une sorte de film, c'est un film parodique, satirique, et il joue un rôle dedans, il se parodie lui-même en fait, enfin le rôle de l'action star en fait, hein, il parodie l'acteur entre guillemets typique de film d'action. D'accord. Et dedans, il est appelé Cock Puncher. Ok. Qu'on peut traduire littéralement par le cogneur de bites. Voilà, oui. Ouais. Tu as bien résumé la chose. Et ce qui est vraiment très méta, parce que Steven est connu et c'est un fait avéré pour filer des coups de latte dans les roubignoles des cascadeurs. Ok. Au point que il est tellement connu que tous les cascadeurs qui bossent avec lui portent une coquille. Ok. Alors lui, c'est un drôle de hobby quand même. Oui, c'est particulier. Alors lui, il dit ça que c'est pour vérifier qu'ils sont bien protégés, qu'ils ont bien une coquille et tout pour les cascades. Oh, c'est quand même un sacré bâtard. C'est un. Moi, je le résumerais comme ça. C'est un putain d'enculé. Steven, t'es mais quand même encore un pareil, sacré bâtard. C'est son histoire de mal alpha. Oui, c'est ça. Et donc, il y a une anecdote d'un coordinateur des cascades qui s'appelle donc Stephen Quadros. C'était sur l'ombre blanche. Donc, on remonte quand même pas mal, ouais, pas mal en arrière. Donc, il a fait ça déjà très tôt dans sa carrière. Où, en fait, il s'est dit, tiens, bon, Steven arrive pour préparer le tournage, tout ça. Il était en train d'entraîner que Kenan Wyans, il s'est dit bon, je vais aller le saluer. De toute façon, il faut bien que j'y aille un moment. Le mec avait déjà les fous, hein, parce qu'il savait déjà que il avait cette habitude derrière lui de faire ça. Et il dit bon, j'y vais. Et en fait, pour lui dire bonjour, il s'est toujours mis de côté en fait face à Steven. Il se mettait de profil pour pas être en face de lui et que Steven puisse lui envoyer directement un coup de pied dans les roubignoles. Le mec se met de côté. Et en lui parlant, il remarque que Steven se décale pour être devant lui, en fait. Et il dit, pendant plusieurs minutes, ils ont joué à ça, à tourner en rond, tout en parlant, en genre l'air de rien. Et lui, il se décalait tout le temps pour pas être face à Steven. Et l'autre aussi, Steven, il se décalait tout le temps pour essayer de lui latter les burnes et tout. C'est complètement taré. Mais tu dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout? Mais c'est complètement fou. Et ce mec a une autre anecdote aussi. À un moment, Steven, je ne sais plus si c'est pour le même film ou plus tard qu'il l'a retrouvé, il lui fonce dessus directement. Il voit arriver Steven lui foncer dessus. Il se dit, oh putain. J'aurais tes couilles, mec. J'aurais tes couilles. Et là, c'était pas les couilles qu'il voulait choper, c'était les poignets. Okay. Il voulait lui choper le poignet. Et sauf que bah, le gars se débrouille aussi. Et donc, il a essayé donc de se dépatouiller. Et ils ont fait ça pendant une ou deux minutes. Et comme Steven n'arrivait jamais à le choper, à la fin, il dit, ah ouais, toi, t'es un bon et tout. Et puis, il a tapé dans le dos, puis c'est barré. Qu'est-ce que tu viens à foutre chez nous, beau blond? Ouais, rien, je fais ma promenade du dimanche. Sauf qu'on n'est pas dimanche. Putain. Dis, mais merde. Ce mec est fou. Et dans le même genre d'histoire, sur Ultime Décision, donc le film où il meurt un peu dès le début, où il joue un peu donc type force spéciale, machin, avec toute une équipe. Et donc, début du film, hein, il briefe un peu les autres acteurs ensemble. Ils font les entraînements, mais les répétitions. Mm-hmm. Ouais. Ils font des répétitions. Et Steven, il arrive dès le début, hein, il connaît pas grand monde, voilà, tout le monde se voit pour un peu la première fois, il arrive avec sa voix, ouais, alors moi je suis le méga boss, moi je connais tout, vous m'écoutez, c'est moi qui donne les instructions, voilà, ça se passe comme ça, et puis c'est tout. Et t'as John Leguizamo, qui joue, est censé être le rôle du supérieur un peu de Steven dans le film, qui se met à rigoler. Il se met à rigoler du genre, mais qu'est-ce que c'est que ce comique de service là? Et là, Steven, il lui démonte la tronche avec un coup d'épaule. Il l'envoie valser contre un mur d'un coup d'épaule comme ça. Et alors il l'a dit, il a rien compris. Hein. Il a rien compris à ce qui lui est arrivé. Il lui dit, tout ce qu'il avait envie, c'était de l'insulter, mais tout ce qu'il arrivait à dire, c'est pourquoi? Parce qu'il comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il dit, ça l'a démonté sur le coup. Il a absolument pas compris ce qui lui est arrivé. Juste parce que le type a rigolé, quoi, parce que Steven arrivait à faire son kéké. Donc voilà, c'est Steven mal alpha, quoi. Steven arrive. Sérieux, c'est trop fort. Quoi. Steven arrive, même les acteurs, il les démonte, quoi. Je veux dire, le type, tu... En fait, c'est le même que dans ces films. Quoi. Ah, mais le mec, il y a un gars qui le prend à défaut, paf, il lui pète la gueule. Il ne va le faire que sur des gens contre qui il est presque sûr de gagner. Parce que... Ah, c'est Luigi, comme le John Leguizamo. Attends, c'est comme Luigi. Je vous dans Super Mario Bros. Le film. T'as parlé, c'est une carrière. Je veux pas, en plus, déjà, Luigi, ça aurait été Mario, j'aurais dit d'accord. Mais Luigi, c'était pas la peine. Ah non, mais c'est fort, mais, ça, je savais pas du tout. Mais voilà, et quand il y a des mecs qui ont vraiment des aptitudes très poussées en combat, il les respecte. Qui lui, enfin, il les respecte. Il se défile en fait quand des mecs essayent de lui dire. Non, il les respecte. Il essaye de lui dire, viens, on se rejoint et tout. On va faire ci, on se fait une petite baston et tout. Sans témoin comme ça, peu importe ce qui se passe et tout. Bah t'as Steven qui arrive toujours à trouver des moyens de s'en sortir. Quoi. Non, machin. Alors c'est le premier à les déblatérer sur n'importe qui, sur JC, sur les compagnies. Mais dès qu'il y a des types qui essaient de lui proposer des petites bastons tranquillous, oh bah non, j'ai piscine quoi. Donc, sacré Steven. C'est vraiment ce qui fait un peu le personnage un peu antipathique du type qui veut. Le connard, oui, quoi, c'est un connard. Le type il va maltraiter des mecs, il sait très bien qu'il va réussir à maltraiter. Par contre, d'autres gars, on sait pas trop quoi. Il y a la vieille légende du spécialiste de judo qui lui aurait apparemment fait une prise, qui l'aurait suffoqué et que Steven se serait chié dessus littéralement quoi. Parce que Steven se disait à ce moment-là, moi je suis un gros boss, le judo je maîtrise, et puis l'autre gars s'est pointé, il a chopé, il l'a étranglé, et Steven il était quand même perdu quoi. Alors on sait pas si c'est vrai, voilà, c'est une légende. Pouf, Steven. C'est une légende insistante, hein. Il y a beaucoup de monde qui le disent quand même que ça a été au point qu'il se chie dessus littéralement. Mais bon. Waouh, ça serait génial de voir Steven faire un gros caca dans sa culotte. Allez, Steven qui fait un gros caca quoi. Mais non, oh. Voilà, je veux dire, il y a des anecdotes comme ça à côté qui sont. Mais je pense que on tente de ternir la légende de Steven Seagal. C'est pas possible, un homme aussi droit, aussi intègre, qui est bouddhiste, qui respecte les femmes et l'environnement, c'est forcément, on veut salir cette image là et je peux comprendre. Mais en même temps, je pense que sa carrière parle pour lui, donc il a pas besoin de faire tout ça pour se salir, notre bon Steven. On va, je pense, aller on va sauter un petit peu tout le reste, même si pour toi c'est indiqué que Jeu Fatal fait partie de des meilleurs DTV de Steven. Oui. Depuis longtemps, moi c'était donc pour moi c'est Urban Justice. Mm-hmm. Qui est vraiment vraiment rigolo. Et toi, donc, c'est Jeu Fatal. Si on doit rester dans vraiment nos conseils DTV de ouais, fond ouais, de tiroir je pense de Steven. Que si est DTV à voir, bah, l'Urban Justice et le Jeu Fatal est plutôt polar noir. En plus, il y a ce bon vieux Lance Henriksen, le fameux Bichette ouais. D'Alien. Hein, le pauvre, à chaque fois, on doit le ramener à ça. C'est chiant, ah, il joue aussi un super méchant dans Chasse à l'homme de Vagrant. Oui. Et donc, ouais, donc, plutôt pas mal. On le compare souvent un peu à, justement, avec la carrière un peu aussi des TV de Jean-Claude avec le Until Death. Ouais, qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais. Donc, voilà, c'est un peu l'équivalent où, voilà. Steven sort un peu, il joue un rôle hein, de d'ancien flic endetté qui est accro au jeu, qui a des dettes énormes, donc un personnage un peu cassé. C'est pour une fois un rôle où il est pas le super balèze, où il a des faiblesses et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça ressort un peu de toute la filmo. Cliché à souhait. Alors, ce qui est chiant, c'est que comme il fait la gueule dans tous ses films, on sait pas trop s'il oui, voilà. Fait la gueule, parce que voilà, c'est. Autant Jean-Claude, tu vois, ils ont mis des cernes dans Until Death, voilà, il y a des trucs comme ça. Là, par contre, il joue toujours pareil. Donc, il fait la gueule, en fait. C'est Steven qui est désespéré, mais il a une gueule de désespéré depuis le début. Il est désespéré, il se fait rouler en plus. Voilà. Il se fait embarquer dans des plans tordus pour qu'on l'accuse de mauvais trucs. Enfin, bref, Steven. Donc, évidemment, derrière, il va matraquer tout le monde pour nettoyer son honneur pour montrer sa bonne foi. Alors on va sauter sur la phase TV et je suis Steven et je donne des leçons à la police, parce que il faut quand même savoir que Steven est un shérif adjoint de réserve. Attends, oui, ça c'est une nuance importante. Super importante quand même, parce que lui il dit juste shérif adjoint. Oui. C'est un shérif adjoint de réserve dans une ville, alors je sais plus la ville de Louisiane, voilà. Donc il joue pas mal de ça, il les joue de deux manières. Donc déjà par rapport au reality show qui s'appelle Lawman, où on voit clairement dans le reality show, en tout cas, Steven donner des leçons. Ah, il donne des leçons à tout le monde. Des vrais policiers. Ah, comment faire leur travail. Oui, comment arrêter les méchants, comment se battre, comment tenir les son arme. Voilà, hein, on voit dedans Steven qui dispense tous ses bons conseils de grands professionnels de l'action, évidemment, puisqu'il a été la CIA, n'oublions pas. Et puis il met en avant des arrestations. Oui, voilà, c'est toujours Steven efficace, hein, Steven qui rate les méchants, Steven qui court. Non. Steven est dans son gros 4x4 et ouais. Puis il roule de nuit. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très tellement marrant de le voir donner des leçons et arrêter des gens qui ne sortent quasiment pas de sa voiture. Voilà. Et il est incapable de courir comme à l'époque en remuant les bras dans tous les sens. Non, non. Et puis bon, après, dès qu'il croise des gens dans le besoin, il leur donne une petite pièce, une petite nourriture, hein, il prend soin des SDF, tout ça. Enfin, bah, tu sens que c'est une sorte de politique de com absolument hallucinante. Il y a tout son faux. Je sais pas si c'est monté vraiment de toutes pièces ou quoi, ou si vraiment le type il est vraiment en réserve et puis des fois il vient, il fait des trucs, j'en sais rien. Ça me semble tellement. Que la police fasse ça, c'est tellement triste en fait, que c'est des vrais flics. Oui, mais enfin on représente la police quand même avec Steven Seagal. Enfin c'est bah, en fait on essaye de redorer le blason de tout le monde quoi. Ouais, c'est chaud. Le chef de la police de là-bas, c'est un type détestable qui est un grand ami à Trump, qui a fait des trucs dégueulasses avec les Mexicains, qui a fait des sortes de camps de travail, concentration. Enfin, je sais pas quoi, enfin vraiment des trucs. Il a commencé le mur, peut-être. Oui, alors lui, c'est un grand fan. Hein, le mur, et je pense que direct, dès que Trump il a dit on va faire un mur, le type premier sur le coup. Hein. Mais bref, enfin, c'était vraiment un type dégueulasse qui lui a filé le droit d'être flic. Je sais pas à quel point il partage certaines convictions ou quoi, mais enfin, tu sens que c'est un type qui est très. Très porté sur le people, hein, qui est très sur l'apparence, donc faire venir Steven des caméras et puis montrer qu'on arrête les méchants et qu'on est gentil avec les gens, c'était une occasion en or. Je gagne ma vie en faisant du cinéma. Mais depuis 20 ans, appel à toutes les unités. Je fais également partie des forces de l'ordre. Avec certains des meilleurs agents de police, je sers et je protège la population du comté de Jefferson, en Louisiane. Je signale des coups de feu. Je m'appelle Steven Seagal. C'est bien ça. Shérif adjoint Steven Seagal. Alors, on ne saura jamais si Steven a été payé en tarte aux myrtilles. Non. Ça, c'est pas peut-être dans les bonus du DVD, j'en sais rien. Mais il s'est dit, bah tiens, être flic, c'est plutôt cool. Et donc, il a aussi fait une série télé qui s'appelle True Justice. Mm. Qui est bah, franchement pas terrible, qui est vraiment une série télé policée comme on peut avoir dans plein de trucs maintenant aux États-Unis américaines. Enfin, à la limite, c'est le truc peut-être qui est peut-être le mieux produit par rapport aux dernières choses qu'il a fait, on va dire, en DTV. Oui, il est pas énormément dedans. Non, non, c'est, bah, je crois que c'est le début et la fin. La fin, il donne toujours une leçon de morale à son équipe. Mm. Genre, yeah, les gars, faut être cool dans la vie et respecter la loi. Et il emballe toujours une pépée. Et, voilà. Oui, ça va. Toujours, hein, autant lui joindre l'utile agréable. Et ce qui est marrant, c'est un peu de voir le mélange des genres encore. Avant, c'était le mélange des genres Super Action Man, CIA. Maintenant, c'est le mélange homme de loi, autant dans la réalité avec son reality show. Que avec justement son rôle dans cette série-là. Donc on mélange encore Steven, réalité, fiction. On ne sait pas trop ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Toujours est-il que, en tout cas, la carrière de flic de Steven s'est un peu arrêtée abruptement depuis qu'il a roulé sur des chiens et des poulets avec son tank. Ah, oui, il y avait cet épisode-là. C'est ce que j'étais en train de lire dans le déroulé, j'étais en train de scotcher, c'est un truc que j'avais pas lu. C'était un truc à marquer, Steven écrase des poules, un chiot, une maison avec un tank. Ou une sorte de tank de force spéciale, hein, les trucs pour débouler quand on te tire dessus. Et donc, c'était un pauvre gars qui organisait des combats de coq. Et donc il avait toute une ribambelle de poulets à élever. Il en avait 115, hein, qui ont tous été euthanasiés à la suite de ça. Et Steven, en fait, il a déboulé aux commandes d'un char dans sa baraque. Il a écrasé le chiot de la famille. Il a mangé un ou deux murs de la baraque, ou je sais plus quoi. Enfin, il s'est retrouvé avec un procès au cul que le type lui a mis. Enfin bref, c'était, tu dis, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y avait les caméras qui étaient là et tout. Je veux dire, ça a été filmé, quoi. Enfin, la carrière un peu flic de Steven a battu d'elle, sans faire de mauvais jeu de mots, à partir de ce moment-là. Parce que, justement, c'était censé être une troisième saison. Sauf qu'elle était à moitié diffusée, et puis en fait, ça n'a jamais été fini, il y a eu des années d'écart entre quelques saisons, enfin bref, tu sens que ça a mis un peu le dawa dans le bazar, et que le type n'avait plus vraiment de crédibilité après avoir écrasé des trucs avec un char géant pour un pauvre gars qui n'était même pas dangereux, en plus, c'est surtout ça le problème, quoi. Ah mais non, il faut mettre les moyens, quoi, pour mettre les gens derrière les barreaux, hein, mon gars, c'est comme ça pour faire respecter la justice, c'est ça la true justice, mon petit gars. Et donc après, bon, on l'a vu, il va s'enfoncer toujours un peu plus dans les DTV, tourner à la va-vite. Mmh. Il a fait une apparition dans Machete, ouais. Comme c'était un peu, il avait pas fait Expendables, mais du coup, il a fait Machete. Il a fait l'apparition en méchant. Le film, moi, je le trouve plutôt sympathique. Après, lui, il est pas forcément indispensable dedans. Mais voilà, il fait. Parce que ouais, il voilà, sous-entend que personne peut le tuer. Il y a que lui qui peut le tuer. Ouais. Donc c'est le film est rigolo grâce à Danny Trejo et quelques bonnes idées, mais ça reste vraiment une série B qui se la joue un petit peu trop Z exprès, donc c'est le genre de truc que j'aime pas trop, donc mais voilà, c'est plutôt rigolo à regarder, et il y a Steven dedans, que j'avais regardé vraiment juste pour ça, donc comme quoi ça marche, de faire venir Steven un peu comme Chuck Norris dans Expendables 2. Donc c'est pas fou, mais voilà, vous pouvez regarder, ça reste mieux branlé que la plupart des films de Steven Seagal ces 20 dernières années. Et j'aimerais vraiment qu'on mette en avant maintenant une chose qui me semble importante, même si je pense qu'on a pas mal déroulé tout ça pendant l'émission. Est-ce que Steven mérite son statut de d'acteur culte? Est-ce que tout ce qui entoure ça, est-ce que tous ces DTV qui marchent quand même en vidéo directement, est-ce que l'espèce d'aura qu'il dégage, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas un truc qui devrait finalement être oublié maintenant et que la retraite elle devrait être largement sonnée depuis longtemps, Bilou? Oh bah oui, hein, il aurait été malin comme d'autres, hein. Chuck Norris à un moment il s'est dit voilà, ça sert à rien, je veux dire, l'époque est passée et puis c'est fini, faut arrêter. Steven n'a jamais su arrêter. Il tourne toujours encore. Il remonte des fois un peu la pente, comme d'hab. Hein. Il passe des films à être dans le noir et à être là 10 minutes. Et d'un coup, il y a des films, il est en plein jour, il joue longtemps, il fait des trucs. Il faut que tu comprends pas. Mais on reste dans le caca quand même. Voilà, c'est, oui. Même si nous, on juge des sursauts, on peut s'amuser, voilà. On est quand même dans le. Ça reste pas terrible. Voilà, ça reste vraiment. Et puis il y a même plus d'apparitions dans d'autres choses. C'est-à-dire, il y a eu le cas Machete. On a parfois des personnes comme Dolph Lundgren qui arrivent à réapparaître dans des productions parce qu'il a peut-être des potes, parce que personne n'aime Steven Seagal, faut quand même le dire. Bah, c'est que ils ont quand même tenté de le faire venir. Une réputation de merde, que évidemment, de dur à gérer, de type qui s'immisce partout. Parce qu'il est con de pas avoir fait un Expendables, franchement. Bah ouais, et je pense que de toute façon le type il l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il s'est dit je vais être ridicule quoi, je vais être ridicule à côté des autres, je veux dire quand, ouais, quand t'as Stallone, quand t'as Terry Crews, quand t'as Dolph Lundgren, Jet Li et compagnie à côté de toi, puis toi t'es là et puis qu'il faut des plans serrés et que tu fais pas grand chose à part faire valdinguer des mecs. C'est compliqué. Ouais, tu quoi. Te dis, ouais, il arrive à avoir son aura tout seul, mais c'est vrai que c'est une balance, voilà, même que, en méchant. Parce que Vandamme, il joue avec Vandamme. C'est ça. Parce que Vandamme faisait un bon méchant, parce qu'il a du charisme et il avait la forme quand même. Ouais. C'est ça que tu mets un Steven qui arrive plus à lever la jambe qu'il doit affronter un mec. tu prends Vandamme, le combat contre Stallone, son coup de pied sauté retourné. Je dis, putain, et il en a encore sur le capot, quoi. Et t'imagines Steven arriver là en méchant, comme, oh non, c'est pas possible. En faisant des moulinets. Non, même en faisant partie du truc et tout, je vois pas dedans. Ou alors faudrait vraiment que le mec se soit remis en question à mort. Ou alors il faudrait une apparition comique à la con comme ouais, Chuck Norris. Voilà, un truc. Mais le type n'a pas assez de recul sur lui-même pour être comme ça, quoi. Je sais même pas comment ils l'ont convaincu d'être dans Machete, quoi. Je veux dire, vraiment, enfin, je sais pas. À moins d'être. Après, dans Machete, donc déjà, c'est vrai qu'il se tue lui-même, mais c'est vrai qu'il est quand même. Il reste quelqu'un de mis en avant comme quelqu'un d'inquiétant. À aucun moment il se moque véritablement de lui-même, incapable. Même s'il y a le petit gag. Il est incapable de se moquer de lui-même. Hein. Je veux dire, le type, il a toujours le melon, même maintenant. Hein. Je veux dire, son Perfect Weapon, où il est une sorte de détecteur mégalo d'une cité qui ressemble à une sorte de Blade Runner au rabais. Le type qui se clone en méchant, au final, il finit comme le méchant jamaïcain. Hein. Le méchant jamaïcain qui avait un jumeau, et là c'est le méchant Steven, c'est le méchant du film, et il a un clone, son clone meurt et lui il est toujours là, enfin bref, je veux dire, le type il a un melon d'enfer encore, hein. Donc je veux dire, je le vois pas partager l'affiche avec des types comme ça, donc il n'arrivera pas à ressortir comme, sans même la période Expendables est un peu finie. Je veux dire, même s'ils ont déjà eux ont pas réussi à vraiment continuer le truc. Non, parce qu'ils ont été trop soft, ils ont voulu taper trop large, et donc voilà, même s'ils ont dit qu'ils allaient essayer d'en refaire un plus gore, plus violent. Plus violent. Je sais même pas si ça se fera un jour. Mais bon, ça se refera sûrement, parce que là, tu sens que Stallone, il est déjà en train de refaire un peu tout et n'importe quoi. Il est au taquet. Ce qui est... Ah ouais, il est au taquet, mais dans le mauvais taquet. Il le fait souvent dans sa carrière, et là, il est en train de repartir un peu dans tous les sens, à accepter tout et n'importe quoi. Donc, je pense qu'un Expendable, ça reviendra dans pas si longtemps, moi. Mais c'est vrai que autant t'as. Pas Steven. Ou alors, vraiment, c'est ça. Sûrement pas. Après faut voir, parce que c'est ou vraiment s'il nous aboie, quoi, je sais pas. Là on est dans une période où, même si t'as, comme je disais, t'as Dolph Lundgren qui fait du DTV, ils en font quasiment tous maintenant, hein. Wesley Snipes, Antonio Banderas, ils font tous des DTV. D'ailleurs Blackwater, là, JCVD et Dolph en même temps. Ouais, du mec super content, bien sûr, moi aussi. J'ai envie de voir ça. Et j'ai envie de le voir. Pas grand chose, quoi. Ouais, mais il y a la différence, c'est que contrairement à Steven Seagal, moi il y a des fois des DTV de Jean-Claude Van Damme que je trouve correct. Ouais. Pareil pour Dolph Lundgren, il a fait quand même 2-3 trucs corrects, des fois qui surnagent par-ci par-là parce qu'ils ont quand même la forme et qu'ils arrivent à faire des scènes d'action encore assez rigolotes. Et au moins, tu sais qu'ils ne sont pas doublés toutes les 5 minutes par un mec, parce que Dolph, lui, s'amuse. Et, tu vois qu'il s'amuse, ouais. Dolph Lundgren. La différence avec Steven, c'est que tu sens qu'il ne s'amuse plus et qu'il n'en a vraiment plus rien à faire. On dirait que c'est vraiment par obligation, à part 2-3 fois où il est dedans. Il fait ça comme un métier, quoi. Il fait ça, c'est un métier. Il est là, il pointe le matin. Encore, il arrive en retard quand même, mais il garde son boulot. Mais est-ce que tu le vois encore faire ça longtemps, parce qu'il vieillit aussi, il a plus la forme physique du tout, mais est-ce qu'on le voit encore faire ses DTV pendant des années? Bah, à mon avis, de toute façon, tant que ça marchera, il continuera. À mon avis, il faudra vraiment que ça tombe vraiment très bas et qu'il n'y ait plus personne qui propose rien du tout et qui paye pour qu'il arrête, quoi. Pour moi, il n'y a que ça qui le fera arrêter de toute façon, ou l'âge. Si jamais même il continue et qu'à un moment vraiment ça devient n'importe quoi, je le vois pas virer tout d'un coup dans des rôles de... C'est les rôles habituels des acteurs qui deviennent un peu plus âgés. Ouais, bah, il pourrait pas faire un changement de carrière comme Van Damme a déjà tenté avec des trucs plus vrais jeux d'acteurs, oui. Quoi, parce qu'il a jamais su, il s'est pas joué. Je veux dire, le type, il a jamais joué. Il est monolithique. Il a une tête. Il fait que froncer des sourcils, ouais. C'est pas possible. Donc, pour moi, soit il arrêtera parce qu'il y aura plus de pognon. Soit il sera trop vieux vraiment, on lui dira faut arrêter et puis voilà quoi. Mais je le vois pas arrêter lui-même quoi. Ou malheureusement on va être obligé d'en parler parce que ou alors il va en taux. et malheureusement il y aura pas Ja Rule pour faire des trucs, pour faire des cabrioles avec lui avec des câbles. Et ben c'est qu'il y a malheureusement, c'est que c'est moi en faisant des recherches, j'ai vu quand même que ça remontait depuis très longtemps. Mais avec l'affaire Weinstein, forcément il y a des choses qui sont ressenties. Et bah là on a carrément une histoire de viol qui est remontée il y a pas si longtemps que ça et pointant clairement Steven Seagal avec une de ses femmes de l'époque, oui. Ouais, avec une de ses femmes de l'époque et en remontant moi le plus tôt que j'ai trouvé c'est en 98. Où on a eu déjà les premières traces d'articles accusant Steven d'harcèlement sexuel, voilà, donc c'est avec des spécialistes de massage, où je pense qu'il voulait aller jusqu'à la finition. Oui, parce que Steven, je pense. Il arrive avec les femmes, il dit « je suis un grand spécialiste de shiatsu, je vais te montrer ». Alors le shiatsu, c'est une sorte de technique de massage asiatique avec des points de compression, machin, tout ça. Sauf que le problème, c'est que souvent c'est dans le dos ou d'autres membres et. Mais et pas dans le cul. Et pas sous les soutifs, quoi. Je veux dire, c'est un peu le problème. Je pense que Steven n'a pas eu le bon meilleur maître, à mon avis, sur le shiatsu. Donc, ouais, voilà. Alors, des femmes qui font des auditions. Ah ouais, alors ce rôle-là, il est un peu sexy, mais là, t'es habillé, je peux voir comment t'es sexy, alors vas-y, déshabille-toi. D'accord, ok. Voilà, c'est des trucs comme ça, des sortes d'attouchements. Alors, ce qui est fou, c'est que même dans ses meilleurs films au début, t'as quasiment aucune véritable scène sexy, ni de femme véritablement sexy, etc. Donc, c'est que c'est genre, vas-y, faut juste foutre-toi à poil, quoi. Alors, c'est normal, vas-y, foutre-toi à poil. Et c'est vrai qu'il y a plein de cas. Déjà à l'époque, il y en avait eu beaucoup qui mettaient vraiment en avant Steven qui. Alors, sauf qu'à l'époque, je pense qu'en payant un petit peu, ça devait partir assez vite. Mais là, avec l'affaire Weinstein, c'est de plus en plus tendu à cacher les choses. Et là, on est vraiment dans le viol. Donc, c'est encore à un niveau au-dessus. Quoi. Mais de toute façon, même au départ, hein, même une de ses ex-femmes, il y a cette fameuse aussi anecdote. Hein, donc, c'est avec Kelly LeBrock qui l'a quitté en 96. C'était sa deuxième femme ou troisième, je ne sais plus. Ils ont eu donc des enfants. Et donc, c'était l'époque de l'ombre blanche. L'époque où Steven a découvert le bouddhisme. Dans le bouddhisme. Il était à fond, bouddhisme, machin et tout. Le calme, le respect. Voilà, exactement. Mm-hmm. Et donc, il est la zen, il explique à quel point il est zen, il est super, il a vu le monde dans son ensemble, il a compris le monde, il faut savoir apprécier le monde, machin. Et là, il y a un assistant qui vient lui dire que son ex-femme ne pourra pas amener ses gosses ce week-end-là. Et là, le type, il part en couille, quoi. D'un coup, il explose. Il dit « Ouais, cette salope, tu vas lui dire que si jamais elle n'aime pas mes gosses, je lui brise la nuque, machin et tout, quoi. » Et vraiment, le type, d'un coup, qui pète les plombs d'un coup, hein, qui insulte dans tous les sens, qui menace. Son ex-femme était tellement apeurée, peur de lui qu'il fasse quelque chose, qu'elle se cachait dans les hauteurs de Santa Barbara. Là-bas, c'est un peu désertique à l'époque. Est-ce qu'elle se chie dessous? Oui, je pense littéralement, parce que Steven, je veux dire, on rigole de Steven, mais quand si t'as un Steven énervé qui fait 125 kilos et qui peut te péter un peu tous les membres, je pense à un moment donné, tu fais pas le malin, quoi. Mais voilà, donc déjà, les années 90, le mec, gestion de la colère, des trucs et tout, respect des femmes, c'était pas déjà terrible, quoi. Et à mon avis, ça n'a été qu'un sans-pire. De toute façon, je veux dire, qui a été surpris d'apprendre ça? Je veux dire, vraiment, bah personne. À mon avis, absolument personne. Parce que quand tu vois déjà la manière dont ils traitent les femmes dans ces films, qui ne sont c'est même pas des objets sexuels qui servent à être à mettre sa gloire, c'est oui, voilà. à le mettre en avant, à être langoureuse devant lui, machin. Non, t'es Steven. Voilà, à montrer des nichons. Je veux dire, il est dans un de ses films, il est censé avoir une femme que tu comprends pas tout le long du film que c'est sa femme, et puis il la rejoint dans la dernière scène du film. Et je jure, la dernière scène du film. Il rentre dans une bar et tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Tu comprends pas. Il rentre, il dit bonjour, il a des gosses et tout. Tu dis, mais tout le long du film, on en a pas parlé. Sympa, le reste. Et voilà. Et puis d'un coup, sa femme, c'est une sorte de grande russe blonde. Il lui chope le cul, mais un truc. Tu dis, putain. Et là, d'un coup, il ferme la porte de la chambre et il regarde la caméra avec son regard et tout, quoi. C'est la dernière scène du film. Le film s'est fini sur ça. Je suis resté devant ma télé. Attends, j'ai bien vu ce que j'ai vu ou quoi? Et ouais, alors c'est censé être sa femme que tu vois pas le long du film, qu'il est avec une autre femme pendant le reste du film. Enfin bref, c'est le fameux film où il poursuit un tueur en série puis qu'il le tabasse à coups de marteau à viande. Donc pour lui attendrir le corps. Voilà, exactement. Mais une sorte de film un peu thriller, tu vois, avec tueur en série et tout. Mais vraiment, la fin, tu te dis putain, et comme il chope le cul avec le regard lubrique vers la caméra comme ça, limite il manquait plus que le clin d'œil et tout, je sais pas quoi, mais tu te dis putain c'est chaud, quoi, la manière dont ils traitent les femmes, c'est compliqué, hein, vraiment, je suis absolument pas étonné qu'il lui arrive des trucs. Après justement, peut-être qu'il ira pas en prison ni rien, parce que soyons honnêtes, je veux dire, de tous les acteurs que l'on parle, il y en a aucun qui finira sûrement en prison, qui aura des problèmes avec la justice, c'est juste qu'ils vont... Ce qui est un peu moche, bah, quand même, oui. Parce que c'est vrai que si on a tous ces scandales-là, et que finalement il y a rien qui se passe, surtout pour un mec un peu dégueulasse qui va dans plein de pays, qui se tape toutes les petites pépées... À mon avis, si les autres des autres pays pouvaient parler, on apprendrait des trucs pas nets, hein. Mais je pense qu'il y a une paire de pauvres... Après, on spécule, hein. Oui, mais eux, il y a quand même de fortes probabilités quand même qu'il y ait des trucs pas nets, je veux dire, quand... La présomption d'innocence et tout, c'est que ça fait, quand tu commences à avoir 20 millions de cas, il y a pas de fumée sans feu, des femmes, dans des pays, je veux dire, qui ont une justice qui fonctionne, entre guillemets, hein, je dirais, ouais, qui fonctionne, voilà, enfin, quand ça va bien. Et... Alors que là-haut, c'est un peu ferme. Voilà, et quand tu dis, quand il va dans des pays, voilà, où, en gros, tu sors ton bifton et puis c'est bon, on oublie, tu te dis, putain, qu'est-ce qui doit se passer alors, hein, quand même, là, parce que ça va être compliqué. Mais oui, je pense pas qu'il aura vraiment de problème avec la justice. Comme tous les autres, je dirais vraiment, faut arrêter d'être naïf. Je pense pas qu'il y en aura encore vraiment de problèmes, mais il y en a qui vont se faire oublier, il y en a qui sont, on les verra plus pendant quelques temps. Et oui, il est possible que, en effet, la carrière de Steven à un moment s'arrête là parce que trop de problèmes et que bah on veut pas lui refiler des bifetons, quoi. Il fera un album de chansons tristes. Voilà, sûrement, qui se vendra peut-être la rédemption par la chanson. Mais et encore, tu dis, et encore, parce qu'au final, les gens qui achètent ces films, est-ce qu'ils ont quelque chose à se tirer de ça? Oh, je pense qu'ils le savent même pas, tout ça. Je pense qu'ils sont même pas au donc, courant au final, et tout de ce qui se passe. Tu dis, à tous les coups, il y aura peut-être toujours des gens pour lui allonger le fric, pour faire des films, pour les gens qui en ont rien à battre, et de toute façon, qui s'en foutent, et même s'ils savaient, je veux dire, ça leur en touche une sans bouger l'autre, hein. Ils veulent juste voir Steven Castagne et des gars, et encore. Bah écoute, je pense que t'as parfaitement résumé la situation, et je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai même pas vu le temps passer. Parce que le tour de Steven, faut le faire, ça prend du temps quand même. Oui, ça prend du temps de faire le tour de Steven, surtout maintenant. J'ai passé un super moment, Bilou. Ça valait le coup, ça fait un moment qu'on parlait de cette émission, et ça y est, les fêtes. Donc on a parlé d'une personne qu'on aime un petit peu moins d'amour, qu'on aime pour différentes raisons, que ça, un peu plus déviante peut-être, quoi, je pense. Qui nous fait marrer, je crois qu'on le voit avec ses grands impairs, ses grands impairs noirs. À faire le malin, à faire le kéké, le roi des kékés. Je pense que c'est un peu le roi des kékés, il a enfin eu son émission, donc il va pouvoir se la péter encore plus. Bah, Steven. Voilà, il a son VHS et canapé, donc il y aura deux façons de remercier, soit de nous rechercher partout dans le monde entier. Mais on a de la chance, on est dans un pays où il n'y a pas de port d'armes, donc peut-être qu'il viendra pas. Ouais, donc logiquement il viendra pas. Ouais, donc je pense que on a oublié de préciser qu'il était devenu donc russe. Oui, il y a pas si longtemps, hein, donc il mange des carottes et tout. Ouais. Et il fait des petites promenades en Russie en balayant les bras. Avec son ami Poutine, etc. Avec son ami Poutine, donc il ne fréquente que des gens bien. C'est quelqu'un qui a absolument compris comment le monde devait tourner. Il aime la nature, il aime les femmes, il aime les enfants, les animaux, il aime casser des bras et tuer les gens. C'est Steven Seagal, il a enfin eu droit à son émission, à son VHS et canapé. On espère vraiment que ça vous a plu et que vous vous êtes amusé en notre compagnie pendant ces longues minutes. On sait, voilà, on est long, on a du mal des fois à intervenir, mais Steven méritait sa propre émission. On vous remercie de nous suivre tous de plus en plus. Merci de partager de plus en plus les émissions. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir parce qu'on sent que ça vous plaît. On a des retours de plus en plus réguliers. J'aime bien dire plus en plus, t'as vu. C'est l'émission du plus en plus. Non, mais franchement, voilà, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on, mine de rien, on les bosse. C'est pas mal, les émissions. Là, on l'a quand même bien travaillé, celle-ci. Et donc, d'avoir des retours, des gens qui communiquent, qui viennent nous donner justement leurs avis sur des films. Le Twitter de l'émission fonctionne bien. On a plein de partages. Il y a de plus en plus d'abonnés. J'ai encore dit plus en plus. Et donc, on s'amuse à le faire. On essaie de vous proposer de nouvelles choses aussi. Donc, ça vous plaît. L'émission C'est alloué près de chez vous marche plutôt bien. On a 2-3 idées comme ça pour, comme on n'a déjà pas beaucoup de temps pour faire des émissions, on a décidé, donc, comme on a décidé d'en rajouter des autres. Voilà, donc avec Rano et en plus Rhône. Et donc là, je suis content d'avoir fait cette émission un peu canal historique. Hein, Rhône n'est pas là, Rano n'est pas là, on était comme tous les deux. Bilou. Comme, voilà, c'est comme à l'époque. Voilà, rappelez-vous, lancement de VHS et Canapé. On était jeunes. On était jeunes. Moi, je suis toujours beau. Hein. Je suis plus vieux, j'ai plein de cheveux blancs, mais c'est comme ça. On fait comme Steven, on s'améliore avec le temps. Un peu comme le bon vin. On est de plus en plus sexy, de plus en plus beau, on va se faire toutes les femmes du monde moyennant argent. Voilà, je pense, surtout. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit merci. Et j'espère à très bientôt, les amis. À plus dans VHS et Canapé. Bisous, bisous. Some are born on the wrong side of the moon. Girl, it's killing me to keep hurting you. So I'm writing it down in a letter, and I'm hoping that you understand. 'Cause I know, girl, that you can do better, and it's out of my But to stay here with me, just throwing pearls to the swine. Why did you like that? Well, I can't even say, but I hope.